Grosse émission là avec vous tous les soirs. Juste un truc. Qu'est-ce qu'il y a, Kassim? Hier, on avait un sujet d'un mec qui cherchait des endroits pour niquer et tu nous avais dit ça. Puis si un jour tu fais de la radio, tu le feras dans un studio de radio. C'est pas mal aussi. Hein. Je l'ai même fait et je parlais à l'antenne pendant que je le faisais. Et j'ai cherché dans les archives de Fun Radio et je crois que je l'ai trouvé. C'est, oh, Kassim, t'es mon héros. C'est pas vrai. Bah, Mickaël. Oui. On va afficher Karel en direct, écoute bien. Ah, vas-y. Attends. Oui. Vous allez afficher sur une pancarte. Non, hop, humour, je m'en vais. Bravo, quel humour. Attends, vas-y, Kassim, vas-y. Je vote pour. Attends, t'as quoi? T'as le son quand j'étais à l'époque sur Fun Radio, ouais, quand j'ai fait. Je suis descendu à RTL dans les trucs là. Où il y a que des vieux. Et ouais. J'ai trouvé le son, je crois. Donc tu vas me dire si c'est ça. Vas-y, fais écouter. Bonne nuit tout le monde, c'est Fun Radio, la nuit sans pub, Fun Radio Soul and Dance. Avec dans un instant Bob, Isa et Martin qui vous réveillent dès 6h. En attendant, je continue de vous jouer plus de 40 minutes de Soul and Dance non-stop avec Matt. Ah, c'était dur. Ah ouais. R&B de rue dans un instant. Et en attendant, c'est Mojo, il est bon avec Lady. Hey, tu te faisais pépon en même temps ou... Ah bah oui, c'est clair. Non mais le plus miraculeux, le plus miraculeux dans l'histoire, c'est que tu sois là encore aujourd'hui. Je suis choqué. Mais plus pour longtemps, ça y est, tout le monde a entendu. C'est mort, hein, je crois maintenant. C'est, je suis grillé là. Ah ouais, là ouais. Effectivement. Kassim, excusez-moi, l'équipe de Mickaël, des applaudissements pour Kassim. Ouais, bien sûr. Et tu peux lui dire qu'il enlève son casque avec sa lumière. Hein. Alors à l'époque c'était bon. Pas la même direction, donc c'est bon normalement. Ça, mais tout va bien. Mais effectivement c'est bien ce moment-là. Ah, et voilà. Comment il s'appelait? Il était, je sais plus. Il était question de fellation à ce moment-là, précisément. Mais il y a d'autres pics encore. Hein. C'est-à-dire que depuis le temps que je bosse avec Mickaël, j'ai pas de casserole comme ça, moi. Ah, c'est parce que je suis discret. Parce que je suis discret. Il y a pas du dos là sur Mickaël, c'était jamais arrivé, mais, toi. Si, mais moi discrètement. Ah oui, moi aussi, je pensais que ça allait être discret. Ah oui, mais ça l'est jamais assez, tu sais. Bon bah voilà. Oui. Et bah rendez-vous dès demain 20h. Bah voilà. J'y vais. C'était chaud là. Note, il peut y avoir des casseroles avec JB la nuit parce qu'il est quand même tout seul la nuit. Ah mais tu m'étonnes, je c'est dis clair. Ça, je ne dis rien. Bon ben bonne soirée à vous. Bonne soirée, Mickaël. Bonne émission. À allez, demain. C'est parti, ciao. Ciao. Nos limites. 23h, 2h. Fun. C'est Mickaël, nos limites. On Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio. Comment allez-vous ce soir? Bon. Ça va. Eh ben tant mieux. J'espère que vous buvez pas trop de boissons énergétiques, hein, histoire de nous écouter jusqu'à 2h. Non, parce qu'il paraît que c'est mal. Oh oui, c'est mal. On va en parler tout à l'heure là. Bon, si vous écoutez Fun pour la première fois, déjà soyez les bienvenus. Et puis bah c'est Mickaël. Moi c'est Mickaël. On est là du lundi au jeudi, 23h, 2h du mat, et puis le dimanche soir à partir de 20h et ce jusqu'à minuit pour délirer avec nous. Eh ben c'est pas si c'est facile. Il suffit simplement de nous appeler 01 42 48 5000, le 02 800 51 4x0 pour la Belgique, et puis vous arriverez bah là comme Sandrine qui est au standard là. Salut Sandrine. Salut à toute l'équipe. Comment Salut. Ça va? Ça va très bien. Bon ben sois le bienvenu, soit vraiment la bienvenue. Je suis perturbé, ouais. Parce que merci, je viens merci. De me rendre compte qu'on devait avoir Arnaud également là, le piètre dragueur. Ah on l'a? On l'a ou on l'a pas? C'est Sébastien. Oui, c'est Sébastien, c'est pas Arnaud. Ah oui, d'accord, ok, c'est pour ça que j'étais perturbé. T'es là, Sébastien? Ouais. Ah voilà, Sébastien qu'on a eu hier en fin d'émission, qui était le dragueur au taquet, puisque je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, qui voulait appeler sa copine pour. Enfin, une meuf, pour lui. Enfin, lui dire voilà qu'il a envie de sortir avec elle, et il a fait la pire erreur du monde, il a laissé un message sur répondeur. Et donc, Sébastien, on devrait avoir des nouvelles tout à l'heure. C'est ça, Sébastien, tu l'as vu ou pas aujourd'hui? Non, je l'ai pas vu. Ah bah très bien. Bah écoute, on va l'appeler alors, tant mieux. C'est peut-être mieux que tu l'aies pas vu. C'est peut-être mieux. On va lui mettre un coup de pelle. Ouais, reste avec nous. Bon, Sandrine également qui est donc avec nous. Sandrine? Oui, je suis là. Un mec qui te laisse un message sur le répondeur en demandant tu veux sortir avec moi, comment tu le vis? Moi ça me... Pas très bien parce que voilà, c'est très compliqué. Non mais je te parle à l'époque, hein, pas aujourd'hui quand t'as 31 balais, Sandrine. Hein, à l'époque, oui, pourquoi pas, oui. Pourquoi pas? Oui. Bah, tu me diras, il n'y avait pas de répondeur à l'époque, mais. C'est les darons qui seraient tombés dessus. Avec la cassette. Que ça quand même, hein. Non, bah t'as le même âge que nous, enfin presque. Voilà. Bah oui, presque. Bon, Sandro qui est surexcité. Ouais. Hein. De quoi? Pas loin, hein. Pas loin, bah c'est ça. Et Sandro qui est surexcité ce soir, puisque ce soir, évidemment, oui, nous devrions avoir Jérémy. Et là, évidemment, il y a plein d'auditeurs qui doivent se demander, mais qui est Jérémy? Eh bien, Jérémy, c'est l'auditeur qu'on a eu la semaine dernière, qui est venu, qui va venir nous apporter ce soir les... Cupcakes, puisqu'il a une pâtisserie pas très loin de la radio, donc plutôt bonne nouvelle. Voilà, Toff est là également avec tous ses nouveaux amis. Ouais, ferme ta gueule, gros bâtard. Voilà, c'est ça. Donc il est là en pleine forme. Oui, bah écoute, oui, tu sais, je suis toujours prêt à accueillir de nouveaux amis dans ma grande famille. Eh oui. Tu peux aller faire foutre, tu le demanderas à Valentin. Oui. Voilà, on ira demander à Valentin plutôt, effectivement. Polo également, qui est là, évidemment, le roi du pipeau, bien entendu. Au taquet, un petit coup de pipeau avec ou plaisir. Des imites ce soir. Ah non, on y va. On y va, ouais. Allez, attention, 3, 4. 4. Voilà, et puis comme tous les soirs, on fera le top tweetos, évidemment. Et alors hier, c'est Let's Be Freaks qui a repris sa place de numéro 1. Mais ça veut dire que c'est possible de l'abattre. Donc si vous voulez tenter de devenir vous aussi numéro 1, eh bien envoyez un maximum de tweets avec le hashtag MIKL. Et à la fin de l'émission, eh bien on donnera le top 5 de ceux qui ont été les plus actifs. Voilà, et puis on aura du son aussi avec Martin Garrix. Ça te plaît Sandrine, ça, Martin Garrix? Ah, j'adore. T'adores? J'adore ça. Ah, parfait. On aura aussi DVBBS avec Tsunami. Bon, et si vous voulez écouter un son en particulier, hashtag Mickaël, vous demandez. Alors hier on avait terminé l'émission aussi avec le son ragard de la soirée, hein, FL65 et Blue, c'était I'm Blue, Dabadi, Dabada, etc., etc. Donc si vous avez une idée de son bien pourri, hein, n'hésitez pas, on terminera peut-être avec ce soir. T'as une idée comme ça Sandrine ou pas toi? Là, comme ça, directement, non. Comme ça, directement, non. Mais je vais réfléchir. Eh ben, réfléchis, bah, très bien, on fait comme ça. Et si vous avez des sons en particulier, vous voulez entendre des sons ce soir sur Fun Radio, hashtag Mickaël sur Twitter, vous n'hésitez pas. On a des cadeaux également, alors attention. Oui, parce que ici, les cadeaux qu'on vous offre, on les a vraiment et on vous les offre vraiment. Et là, j'ai en exclu total. Ouais. Et quand je dis exclu total, c'est pas d'autres personnes qui vont nous copier après, hein, puisqu'il n'y en a qu'un seul qui existe. C'est le club de golf GTA 5. Pour ceux qui jouent à GTA 5, eh bien, il y a un moment où on peut avoir des clubs de golf pour péter des voitures. Alors je vais vous l'offrir, c'est pas pour péter une voiture. Non mais j'ai vraiment besoin que vous me confirmiez que c'est pas pour péter une voiture. Bon, c'est un objet de collection. Bon, nous on a tapé 2-3 mecs avec tout à l'heure, il y a un peu de sang dessus mais rien de grave. Voilà, c'est ça. Non, c'est un objet de collection. Le club de golf, il est super bon en plus, c'était un stainless. Wow, je connais pas mais j'imagine que ça va être bien. Attends, donc je vous l'offre ce soir le club de golf. Allez voir sur le Facebook à quoi il ressemble. Il y a une photo où il y a trois photos dans une seule photo. Bref, allez voir à quoi ça ressemble. Tu l'as vu ou pas toi Sandrine sur le Facebook? Non, parce que j'ai un souci avec mon Facebook. Ah merde, j'essaie bon bah très de bien. Le changer justement parce que. D'accord. Bon, voilà, mais... par rapport à mon ex. Bon, et écoute, tu vas nous expliquer ça dans quelques instants justement. Bon, donc si vous voulez gagner votre. Attendez, je le remets pour pas le faire tomber. Non, c'est voilà. Des beaux cadeaux, t'as pas le temps toi. Ah bah, et comment t'expliquer que le truc il est bien lourd en plus hein. Ah bah ouais. Bon, donc du coup, si vous voulez le choper, bah, facebook.com, allez voir. On va également vous offrir tout à l'heure les casques audio, effectivement, qu'on vous offrira tout à l'heure. Ce sera évidemment dans... En exclusivité. Tu mélanges tout. Mais non, il est con. Dans le jeu de... La colle. Non, rue... Rupture. Eh ben voilà. Qu'est-ce qu'ils sont mauvais. Voilà, effectivement, le jeu de la rupture, ce sera tout à l'heure avec les casques qu'on aura l'occasion de vous offrir. Tout à l'heure, ça vaut quand même 200€ aussi le casque qu'on vous offre. Un casque audio qui marche super bien pour vous le dire. Donc si vous voulez jouer avec nous, 01-42-48-5000 ou 02-851-4x0 hein, pour jouer ce soir au jeu de la rupture. Vous appelez Sandro dès maintenant. Et alors apparemment, donc le club de golf, ça vaut 200$. Voilà. Quoi ? Putain ! Là, j'étais sur le site de Stainless, ouais, donc 200$. Je sais pas quel numéro c'est, mais. Je sais pas, attends, on va regarder. Non, mais celui-là est de collection, donc il doit coûter plus cher. Ah, au prix que ça coûte, attends une seconde. On voit où le numéro là? Je sais pas, parce qu'ils l'ont enlevé pour mettre le site GTA, donc je sais pas si c'est un 5. 5, il est marqué, mais ça doit être GTA 5. Hein, ouais, les spécialistes du golf. Ah, attends. C'est juste que ça va de 1 à 7, hein, c'est tout. Ah, c'est d'accord. Parce que j'étais sur le site. Non, je sais pas, c'est bizarre. Pas marqué, Non, mais c'est collection, alors, collector, il est magnifique. Collector, effectivement, ouais. Vous pouvez l'offrir à votre père si vous voulez. Ouais, exactement. Ouais. Alors attends, je reviens près du micro parce que moi j'étais tranquille en train de regarder le club de golf. Donc voilà, facebook.com/Mickaël officiel. Surtout n'hésitez pas. Donc c'est une pièce unique qu'on vous offre ce soir. Et voilà, il n'y a que sur Fun Radio que vous allez pouvoir la gagner. Donc restez bien à l'écoute. Et puis grande nouvelle, donc les boissons énergétiques ne sont apparemment pas bonnes pour la santé. Oh bah alors. C'est dingue quand même. Ah bah, incroyable. Ils ont dû faire une étude là pour le savoir. Même les fabricants, les écrivent sur les canettes qu'il faut pas en boire plus qu'une. Alors venez nous parler de votre consommation là, si vous avez déjà eu des soucis. Genre de cœur, palpitations, etc. T'en bois souvent toi ou pas Sandrine? Non, jamais. Jamais. Bon bah très bien. Bon bah Sandrine, par contre café oui. Ah ouais, mais café c'est moins grave déjà. Donc venez nous dire si vous avez tendance à picoler rapido, enfin souvent là des boissons énergisantes là. Sandrine, reste avec nous, on va prendre Fred également qui est là pour la colle ce soir. Salut Fred. Ouais, salut à tous, ça va? Ça va et toi? Ouais, bah depuis hier tranquille. Bon, très bien. Alors Fred là qui va nous faire péter la colle, vas-y Fred, on t'écoute. Alors qu'est-ce qui est rond, poilu et toujours mouillé? Qu'est-ce qui est rond, poilu et toujours mouillé? D'accord, bon, si vous avez la bonne réponse, il y a la PlayStation 3 à gagner ce soir. Ah, il y a beaucoup de cadeaux. Hein. PlayStation 3 avec le jeu Beyond Two Souls. Pour répondre, eh ben, vous envoyez simplement maintenant M-I-K-L et la réponse. Donc M-I-K-L espace la réponse au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Donc Fred, répète un petit coup là encore. Alors qu'est-ce qui est rond, poilu et toujours mouillé? Rond, poilu, toujours mouillé, une couille, Fred, non? C'est pas ça? Non, du tout. Non plus. Bon, très bien. Bon, si vous avez la bonne réponse, M-I-K-L, vous envoyez donc M-I-K-L espace la réponse au 64-900 ou au 63-22 depuis la Belgique. Qu'est-ce qui est rond, poilu et toujours mouillé? Eh ben, c'est une PlayStation 3 et le jeu Beyond Two Souls qui ne sortira que la semaine prochaine et qu'on vous offre sur Fun Radio dans M-I-K-L No Limit en... exclusivité. Eh oui, voilà. Ah non, c'est pas ça. Bon, si. Non, bah, pas la rupture qu'il est con. Bon, ben, Fred, on te récupère dans un quart d'heure et puis on fait le tirage au sort avant minuit 30, ok? Ok, y a pas de souci. Allez, bouge pas, Fred. Et puis, si vous voulez lire la colle parce que vous êtes peut-être plus facile en l'ayant sous les yeux, rencard sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Bon Sandrine, alors avant d'écouter Martin Garrix, eh bien on va parler en deux mots de ton problème, de quoi on va parler avec toi dans un instant Martine. Sandrine. Pourquoi je Martin? On va mettre Martin Garrix. Ah oui, on va mettre Martin Garrix, c'est ça. Sur la rupture, en exclusivité. Exactement, en exclusivité totale. Avec le club de GTA. Voilà, et on va faire le je t'emmerde. Voilà, c'est ça, exactement. Non, c'est la rupture, pas le je t'emmerde. Oui, je sais, mais c'est une vanne. Ah, pardon, moi je suis à fond. Parce qu'on était dans tous les jeux là, on était en train d'énumérer tous les jeux ouais, et l'hôtel débarque. Mais j'écoute que toi. Ah ouais, c'est ça. J'écoute ouais. pas les deux autres. Ouais. Attends, parce qu'on a pris le club de golf et je pense qu'on va pas l'offrir. En fait, on va l'offrir, mais il va être encore plus personnalisé. Il aura la gueule de Sandro. Dans le manche. Il va valoir encore plus cher. Bon, alors Sandrine, on va parler de quoi dans un instant avec toi? Mais moi, c'est parce que j'ai perdu l'amitié d'une personne à qui je tiens beaucoup. Une amie ou une petite amie? C'est mon ancien employeur. Ah, ton ancien employeur, d'accord. Donc t'as perdu ton boulot en même temps? Ben non, il était fini mon contrat. Donc, ah, il était fini. Un contrat d'insertion. Bon, d'accord, ok. Ben on en parle juste après le son de Martin Garrix. Tu restes avec nous? Oui. Bon, je parfait. Reste, oui, je reste ne bouge pas de là, comme promis. Eh ben, ton son préféré, a priori, Sandrine, hein, Martin Garrix, qu'on va écouter. Ah oui. Voilà, Martin Garrix avec Animals. Reste avec nous, Sandrine. On va revenir dans un instant avec toi. On aura Sébastien aussi, le mec qui était passé hier soir en fin d'émission, qui a essayé de draguer sa copine. Enfin, qui a essayé de lui faire une déclaration à une meuf. Et en fait, quand il est tombé sur le répondeur, je lui ai dit, dis-lui que tu la rappelles demain. Et il lui a dit, salut, tu veux sortir avec moi? Allô? Et puis on l'a raccroché, donc comment vous expliquer que ça risque d'être assez compliqué. Ah ouais. Bon, on fait ça dans un instant. Bienvenue également à tous ceux qui viennent de débarquer. Je vous citerai dans un instant sur le Twitter et le Facebook. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à vous. Vous tapez M-I-K-L officiel pour nous rejoindre. Prenez le contrôle. Appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Allez vous faire foutre, espèce de tête de con. Tous les soirs, 23h-2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio. Allez, bienvenue si vous venez débarquer 23h14 en direct dans toute la France comme tous les soirs. 01 42 48 5000, c'est le numéro du standard. Appelez-nous si vous voulez prendre le contrôle, délirer avec nous, réagir éventuellement à Sébastien qui a été très très manche pour draguer sa copine là. Et puis Sandrine aussi qui a un petit problème d'amitié. Voilà, donc si vous avez envie de venir prendre le contrôle à ce sujet, n'hésitez pas. 01 42 48 5000. Et puis on parle des boissons énergisantes également. Est-ce que vous en buvez beaucoup ou pas? Voilà, on en parle. N'hésitez pas également à réagir en envoyant M-I-K-L au 64-900 par SMS. Ou alors venez comme Yann hein, qui a envoyé son message aussi sur le Twitter. Et oui, je bois souvent des boissons énergisantes. Pour le sport, je n'ai jamais eu de problème. Et alors, il y a aussi Lauriane qui dit ah, le kiff de vous entendre. Ah oui, Lauriane, c'est là. Qu'est-ce qu'elle est bonne dernier soir. Était effectivement plutôt pas mal. Voilà, bon, ben, on va la retrouver dans quelques instants. Et puis, je vous rappelle, la PlayStation 3 aussi a gagné là, ce soir sur Fun Radio. PlayStation 3 a gagné avec le jeu Beyond Two Souls. Faut répondre à la colle. Qu'est-ce qui est rond, poilu et toujours mouillé? Si vous avez la bonne réponse, eh bien vous envoyez tout simplement maintenant M-I-K-L et la réponse au 64-900. On s'écoute Martin Garrix maintenant. C'est Animal sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde, c'est M-I-K-L No Limit. On est là jusqu'à 2h. Martin Garrix sur Fun Radio. 23h, 2h. M-I-K-L. Mickaël. Ferme ta gueule, gros bâtard. No limites sur Fun Radio. Effectivement, ouais, tous les soirs sur Fun Radio, on est en direct. Allez, venez balancer tous vos messages, évidemment. Venez nombreux sur le Facebook et le Twitter. Vous êtes de plus en plus nombreux. On a franchi la barre des 13 000 hier sur le Twitter. Là, wow. Et alors qu'on est là depuis deux mois, donc c'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal. 13 000 pour deux mois, c'est bien. Et puis 193 000 pour deux mois aussi sur le Facebook, c'est encore mieux. Lilo qui dit, c'était trop bien, Scatman. Oh putain, non. Pas Scatman. Pas Scatman. Ah, non, c'est quoi? Attends, je vais c'était horrible. Bon, je vous allais dire, parce que hier on a terminé avec sur un délire, on avait passé FL65 avec I'm Blue, Dabari, Dabada, enfin bref. Et donc du coup, on s'est dit ce soir, est-ce que vous avez envie qu'on termine avec un autre son un petit peu particulier, dirons-nous. Donc si vous avez des idées de son un peu ringard, hein, je pense qu'on peut dire ça comme ça, c'est clair, non? Oui, c'est clair, c'est ringard. Voilà, c'est ringard, et bien n'hésitez pas à nous proposer les sons, je vous garantis pas qu'on les mettra, mais peut-être pourquoi pas. Alors le son là. Vas-y, Scatman. Il est incapable de faire ça. Incapable. Déjà nous, il arrive pas. Bon voilà, donc ça c'était Scatman. Donc n'hésitez pas à chercher dans les trucs un peu mieux quand même. Il y a Senessa aussi qui dit Mickaël, mets-moi un coup de pelle. Faut que je vous écoute jusqu'au bout. Bah je te le confirme, il va falloir que t'écoutes jusqu'au bout. Tiens, un coup de pelle pour te réveiller. Quentin qui dit, moi je bois une quinzaine de boissons énergisantes par jour. Toi t'es fou, Quentin mec. Tu vas prendre cher très très rapidement toi. On connaît quelqu'un qui faisait ça. Il a des petits problèmes aux reins. Il va bientôt se les faire enlever. Voilà, c'est ça. Ouais. Et véridique. Guillaume aussi. Qui dit ouais je prenais du Red Bull avant un match de hand pendant que je fumais et prenais de la ventoline pour mon asthme, ça aurait pu être mortel pour moi. Ouais, et t'as eu du bol encore, hein, que ce soit pas terminé. Il y a Chris qui dit, il y a Colline au standard. Non, on l'a pas encore, Colline au standard, mais par contre bonne nouvelle, Colline c'est l'auditrice qu'on a depuis dimanche dernier, donc pas avant-hier, hein, dimanche encore avant, il y a 9 jours, qui a été ses parents lui ont confisqué sa radio et du coup depuis elle a du mal à écouter l'émission, donc on la mettait dans le standard en fait tous les soirs pendant l'émission. Et là ça y est, on a réussi à lui choper une radio. Et en plus, Polo s'est amusé toute l'après-midi à découper des stickers et à lui faire une radio spéciale. Personnalisée. Il y a la photo sur le Facebook, allez voir facebook.com/Mickaël officiel. Il y a un atelier bricolage. Ouais. Il y a Lynn qui dit un vieux son, c'est Ozone. Ouais, mais on va le laisser au placard celui-là. Thomas qui dit comme son regard, il y a Crazy Frog avec la mobilette de Toff. Ah ouais, pas con, ouais. Morgane qui dit, j'y ai pensé cet après, mais j'ai proposé Out Away avec What is Love. Oh putain. What is love, baby, don't hurt me. Oh, c'était dur aussi ça. Coup de pelle pour Toff, c'est Lilo et plaisir. Voilà dans sa gueule. Et puis le prince est là qui dit merci de ne pas oublier de diffuser le Rolling and Scratching des Daft Punk. Peut-être pas ce soir parce que j'ai pas encore trouvé la version radio edit, la version courte, parce qu'elle fait 8 minutes, donc comment te dire que c'est un petit peu long. Et puis après il y a Guillaume qui dit moi je veux un coup de pelle, t'inquiète. Voilà, je te la mets aussi dans la tronche. Et Lynn qui dit les boissons énergisantes, je les bois avec ma vodka. Bah c'est super mauvais, figure-toi. Bon, en tout cas, on en parle. Rassurez-vous, ce soir vous avez votre petit avis à donner. Vous avez peut-être déjà vécu des trucs avec les boissons énergisantes, la 01 42 48 5000. Retour avec Sandrine. De retour Sandrine. Depuis ce matin 7h, je suis réveillée. De quoi tu dis? Je suis réveillée depuis ce matin 7h. Bah, ce sont des choses qui arrivent. Félicitations. Ah, je suis à fond. Bah, ouais, mais c'est bien. Tu sais à quelle heure je me suis levé moi? Parce que bon, comme je pense que ça intéresse tout le monde. Eh bien, je me suis levé à 11h. Wow. Ouais, voilà. Quel exploit. Oui, mais je me suis couché à 4h quand même aussi. Ah, oui, voilà. Ouais. Et j'ai mangé. Couché à 4h aussi. Voilà, et j'ai mangé du pain ce soir. Bien, bon appétit. Mais merci. Bon, alors Sandrine, bon, toi, tu réexpliques-nous un petit peu le problème avant qu'on fasse d'ici 5 bonnes minutes. La première rupture. Qu'est-ce qui se passe, Sandrine? Mais moi, c'est mon ancien employeur. Oui. Elle m'a beaucoup aidé dans les démarches par rapport à mon ex-compagnon. Oui. Parce que j'ai eu des moments difficiles. D'accord. Elle m'a aidé à remonter la pente, je me suis attachée à elle, c'est vrai. Je lui ai envoyé beaucoup de messages aussi. Donc t'étais une possessive, mais par amitié, quoi. Donc rien à voir avec... Au début, c'est vrai que je pensais plus, mais bon, après, je me suis aperçue que c'était plus une amie et une grande sœur. Attends, mais toi, t'aimes les femmes qui aiment les femmes? Oui, ça m'arrive. Ah, ça t'arrive, ça m'arrive. Oui, quand même. D'accord. Voilà. Non, mais très bien, d'accord. Okay, j'aime bien attendre la pelouse une fois de temps. Ouais, voilà. Ok, voilà. On l'a compris. Et surtout, j'ai beaucoup souffert avec les hommes. Donc... Ouais, mais t'as raison, c'est des connards. Tous les mêmes. Voilà, tout à fait. Surtout si t'es tombé sur des mecs comme Toff, alors il mérite un coup de lance-flamme dans la tronche. Un coup de pelle. Voilà. Ouais, mais un coup de pelle aussi, attends une seconde. Voilà. Ça ira très bien. Et ben voilà, exactement, il n'y a pas alors de problème. Je suis l'homme idéal. Oui, c'est ça. De toute façon, Sandrine, toi, t'as bien compris avec les hommes. De toute façon, moi, je réponds pas aux cons. Hein. Voilà, donc t'as bien compris, voilà, t'as bien compris le principe. Voilà, bien parlé pour moi. Bon, écoute, avec plaisir. D'ailleurs, un message pour Toff. Va te faire enculer maintenant. Voilà. Bon, Alors, et quel est le problème pour la suite? Donc, t'as essayé de faire un petit broute-minou, ça n'a pas marché. Mais, et non, après... non, pas jusque-là, non, quand même pas. Ouais, enfin, façon de parler, quoi. Non, non, je lui ai juste dit je t'aime. Bah, c'est déjà pas mal, hein. Par une chanson, avec la chanson de Lara Fabian, je lui ai envoyé. Oh putain. Je t'aime. Mais quand je t'aime. Est-ce que tu ah peux, ben, me... oui, mais attends, bon, voilà, est-ce que tu peux ça, me tirer dessus? Voilà. Et après, voilà. Attends, Sandrine, parce qu'il y a Polo qui essaie d'en placer une. Non, est-ce que tu peux me tirer dessus définitivement, là? Pourquoi? À cause du, je t'aime? Le je t'aime, Lara Fabian. Voilà, nous en sommes débarrassés, ça fera plaisir à du monde. Mais bon, Sandrine, à un moment, quand tu envoies ça à un mec, tu espères quoi? Qu'il parte en courant? Non, mais là, c'est une meuf. Non, mais là, c'était une femme. Oh là là, bah oui, c'était la. Et depuis, il te parle plus. Et après, je lui ai envoyé une photo. Ouais. Un logo. C'est je t'aime, ma sœur, parce que c'est vraiment comme une sœur que je l'aime. Ah ouais, mais dis donc, voilà. Toi, t'as, en fait, t'as essayé de bouffer à tous les râteliers. Hein. C'est-à-dire que t'étais là, t'as essayé en l'ayant en meuf, oui. Ça n'a pas marché. T'as essayé d'avoir un meilleur ami, ça n'a pas marché. En juste non, copine, ça n'a pas marché. Pour lui faire comprendre que c'était comme une sœur, une confidente. Ouais. Mais bon. Je pense qu'elle a pas dû, peut-être pas dû. Ah bah, à mon avis, ça. Je pense que le message n'est pas bien passé. Non. Bon, bah, Sandrine, attends deux secondes, on va demander l'avis des autres. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà eu des galères avec vos amis, qui ont peut-être éventuellement voulu un peu plus que ce qu'ils pouvaient avoir, ou est-ce qu'ils étaient relous, pas relous, bref. Non. Comment ça s'est passé? 01 42 48 5000. Si, Polo, Toff, t'arrêtes pas de te faire des avances, c'est que sérieux? J'ai pas d'amis. Ouais. J'ai décidé. Oui. C'est pas un ami, c'est Toff. Bah. Ah bah oui! C'est un peu comme un animal de compagnie. Voilà, il le promène, etc. C'est un tag à moi. À quoi? Un c'est raté, hein, mais vas-y, c'est quoi? Tamagotchi. Un Tamagotchi, ah oui, d'accord, ok, vas-y, effectivement, c'est raté. Bon, Sandrine, reste avec nous, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 pour nous appeler. Prenez le contrôle, il y a Sandro qui est au standard et puis il y a Sébastien avec nous maintenant, qui nous avait donc appelé hier. Sébastien, ah, je suis content de te réentendre. Ouais. Donc, Sébastien qui nous avait appelé hier, il voulait avoir des conseils pour dire à une meuf qui voulait sortir avec elle. On l'a appelé en direct, il est tombé sur le répondeur. Je lui dis à ce moment-là, vite fait pendant le message, dis-lui qu'on la rappelle demain. Et qu'est-ce qu'il répond? Je veux sortir. Salut, avec toi. Bah, j'ai envie de sortir avec toi. Et après, il y a un blanc et il fait allô. Allô. Voilà, donc comment bien passer pour un con quand même, Sébastien. Bon. Ah là là, c'était bon. Alors, Sébastien. Ouais. Est-ce qu'elle est arrivée à un moment et elle t'a dit ta gueule, connard. Ou pas? Non. Non, elle a pas. Elle a pas dit ça, bon bah très bien. Est-ce qu'elle t'a dit éventuellement ça? Attends. Espèce d'enculé, va. Non. Non, toujours rien. Ouais, est-ce qu'elle t'a éventuellement dit ça? De toute façon, moi je réponds pas aux cons, hein. Non. Non. Ou peut-être ça? Mais putain, va te faire enculer, la fille de putain. Non. Non. Ou alors ça? Tu peux aller te faire foutre, tu le demanderas à Valentin. Non. Non. Bon merde, bon bah je donne ma langue au chat. Bon, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a eu comme Comico, pardon. J'ai dit, je me suis juste pris une fois un vent, je voulais lui parler au collège et elle m'a foutu un vent. C'est-à-dire, explique-nous. Bah, je commence à parler avec elle et il y a un gars, il est arrivé vers elle et tout, il a sauté dessus et tout et j'ai pas eu le temps de lui parler. Bon, écoute, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va la rappeler. Ouais, on va la rappeler, il faut mettre les choses au clair. Ouais. Bah oui, au moins tu seras fixé parce que ça se trouve, ouais. Si ça se trouve, elle a même pas eu le message. Tu vois, c'est peut-être le genre de meuf qui écoute jamais le répondeur, enfin tu vois, ça arrive. C'est possible. Oui, ça ce serait ta plus grande chance. Elle l'a effacé parce que c'est une femme, elle est bête. Oui, c'est ça. Non, je plaisante. Dans ta gueule. Voilà. Quel connard. Bon, alors écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la rappeler, Sébastien, ok? Ok. Je te laisse parler, mais bon, tu me déçois pas une deuxième fois. Hein. Bah, de toute façon, au point où on est là. Bon, c'est vrai que t'es tellement bas, tu peux pas aller plus bas. Hier aussi j'étais fatigué, vous m'avez acheté à 1h30. Ah non, il était pas 1h30, il était 2h05. Ah oui, il faut préciser ouais. Qu'il s'était endormi pendant qu'il était. Oui, il s'était endormi dans le standard. Bon, ouais. Allez, on y va. J'ai tout fait hier. C'est parti Sébastien, on y va, on l'appelle. Hein. Ouais. Allez, bonne chance. Et si c'est le répondeur, dis-lui écoute, j'ai un truc à te dire, je te rappelle dans 30 minutes. Mais commence pas à lui faire une déclaration d'amour. Hein. Non. Parce que j'ai ma pelle. Elle est là. Allô. Allô Léa, c'est Sébastien. Ouais. Ça démarre mal. Ça va? Bah oui. Allez, de je voulais te demander un truc. Quoi? Non, attends, je suis pas prêt. Oh, il a l'air con. Ah oui, il a l'air con. Il a l'air con. Ouais. On va vers un échec cuisant, là. Non, je sais pas comment te le dire. Bah, tu as dit à son répondeur. Oh, bon, c'est trop mignon. Là, ils nous entendent pas. Hein. Je voulais tester si tu voulais essayer de sortir avec moi. Essayer? Non. Oh non, c'est dommage, c'était trop mignon. Non, je me suis pris un râteau. Ah oui. Ah pas mal hein. Non. Ah dans le style mauvais dragueur, je vous présente Sébastien. Bravo. Bon, Léa. Léa, c'est Mickaël, t'es en direction Fun Radio, comment tu vas? Allô? Léa? Oui. Oui, je disais, c'est Mickaël, tu es en direct à la radio, comment tu vas? Ouais, ça marche pas, il doit y avoir un mug qui bug. Attends, je recommence. Allô, Léa? Oui. C'est Mickaël, t'es en direct à la radio, comment ça va? Non, mais j'avais dit de pas faire ça. Ah ouais, non, mais de toute façon, bah regarde, en même temps, il a essayé. Oh, tu sais, tu veux pas lui en vouloir, il a essayé. Hein, Mais c'est très romantique ce qu'il a. Bah voilà, ouais, exactement. C'était trop mignon, dommage. Exactement. Que t'aies dit non. Pourquoi tu veux pas, Léa? Après, j'essaye pas de te faire changer d'avis, hein, juste pour savoir. Attendez. Oui, alors on va attendre. Oui, c'est bien, vous vois moi. Ouais, non, mais il doit raccrocher. Ouais, mais oh. juste pourquoi tu veux pas sortir avec lui, après on te laisse. Promis. Parce que il y a eu des problèmes, voilà. Il est moche? Il y a eu des problèmes. Il est moche? Non, c'est pas ça, mais... Il a les cheveux sales? Ouais, quand même. Il sent mauvais? Non, mais il doit y aller. Ouais, tu dois y aller, donc il sort mauvais, d'accord. Cligne deux fois des yeux si c'est ça. Très bien, j'ai compris. Pas de problème. Merci Léa. Hein. Léa? Oui. Ça va? C'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio? Oui. Très bien, parfait. Tu veux un cadeau? Non. Très bien, non, c'est bien, mais c'est un test parce que si elle me dit oui, oui, attends, je reste au standard pour prendre mes coordonnées, là c'est qu'elle se foutait de notre gueule. Là, elle était honnête, mais c'est bien. Tu l'aimes bien quand même un petit peu ou pas? Mais non, visiblement pas. Non, pas du tout, d'accord. En ami, en ami quand même? En ami. En ami? En ami, mais oui. Pas trop près de moi. En ami, bon, bah très bien. Bon, c'est déjà ça de prix, Sébastien. Bon, autant dire que c'est une voie de garage, mais enfin bon. Bon, bah salut Léa, hein. Oui. Salut Léa, ciao. C'est un grand placard. Bon, Sébastien, bah c'est mort. Hein. Comment te dire que c'est mort, hein, juste Sébastien, en te disant c'est mort. J'ai une question à te poser. Pourquoi tu rigolais bêtement? Oui. Pas bah si, t'as fait. Je sais pas comment te dire. Bah dis-lui, mec. Mais t'es parti bien en plus, t'avais la voix du beau gosse. Voilà. Et tout, j'étais fier, j'y sais. Exactement. Enfin. Et finally, eh ben rien. Et il fallait pas lui demander Franco de porc. Mais oui, il fallait dire, tu veux qu'on. De toute façon, c'est fait, hein, ouais. c'est fait. Bon, bah Sébastien, tu vas retourner chez ta mère les mains vides. Hein. T'as été courageux et digne, ouais. C'est bien. Mais tu étais très mauvais également. Hein. Bon, allez, c'est quoi une dédicace? De quoi? Je pourrais faire une dédicace. Oui, mais alors à une seule personne, tu connais la règle, vas-y. Ok, bah juste pour Dylan et juste pour ma mère Michel. Très bien. Bon Sébastien, qu'est-ce que tu n'as pas compris dans une personne? Bon. Non mais c'est ça. Est-ce Allez. Que tu peux avoir un pack fun? Non. Si tu n'as qu'à faire une dédicace qu'à une seule personne. Allez. Oh. Ah oui Sébastien, mais ça après, sois d'abord un bon dragueur et après tu pourras te permettre de demander. Il faut absolument que tu t'entraînes là-dessus. Ok, mais bon. Je sais pas, quelqu'un m'aide là, je suis trop fun. Bah, s'il y a une fille qui est intéressée par toi, elles peuvent toujours nous appeler au standard. Bah oui, miraculeusement, sait-on jamais. Mais non, mais il est mignon comme tout. Hein. Oui, bah t'as qu'à essayer son nom, je le repasse. Bah attends, t'as vu avec plaisir, bah voilà, arrête. Essaye, vas-y, vas-y. Bon, 01 42 48 5000 02 851 4x0, on se fait la première rupture dans quelques instants. Il y a Kevin et Johan qui vont jouer avec nous. Bonsoir Kevin, bonsoir Johan. Bonsoir. Comment bonsoir, ça va? Salut. Bon, vous allez jouer dans un instant pour choper le casque focal, vous êtes prêts? Y a pas de soucis. Casque focal d'une valeur de 200€, casque audio qui déchire tout, hein, super bon son en plus. Le principe va être très très simple dans quelques instants, juste après le son de DVBVS avec Tsunami. Eh ben, il va falloir appeler des gens au hasard et essayer d'avoir la discussion la plus longue possible en mode rupture. Donc genre salut, je t'appelle parce que faut que ça s'arrête entre nous, etc. etc. Mais d'accord, je vous connais pas, monsieur. On fait ça dans un instant, vous bougez pas, Kevin, Johan. Eh bien on fait ça juste après le son de DVBVS maintenant sur Fun Radio, c'est Tsunami, c'est Mickaël No Limit, on est jusqu'à 2h. Bienvenue tout le monde. Sur Fun Radio avec Tsunami, encore un son que vous avez découvert sur Fun, 23h35 là ce soir, bienvenue tout le monde, c'est Mickaël No Limit, on est jusqu'à 2h. No Limit, 23h, 2h, yes. C'est Mickaël No Limit, on Fun Radio. Avec GTR 586 sur le Tsunami, j'allais dire, sur le Twitter qui dit beau gosse Mickaël avec Tsunami, merci GTR. Morgan, le plus beau râteau de 2013, mort de rire, ah oui c'est vrai, il était pas mal, ouais. Dur le râteau, c'est Lauriane qui avait envoyé le message, il y a Romain qui dit, il y a Venga Boys avec Boom Boom Boom ou Venga Boys avec We Like To Party, oh comme chanson ringard, ça date en plus. Ah mais ça c'est ringard et c'est mauvais pour le coup. Hein. Le prince Nadia qui dit, tu veux sortir avec moi la phrase qu'il ne faut pas dire, ça c'est sûr. Je veux mon coup de pelle, c'est Samuel, tiens. Merde, attends une seconde. Voilà, dans ta gueule. Yann aussi qui dit trop cool, continue comme ça. Bah, merci, c'est gentil. William qui dit elle gère la radio à Colline, je veux la même. Oui, Colline, on lui a fait une radio personnalisée. On en a eu, on a pris une radio normale et puis Polo s'est amusé tout l'après-midi à la customiser. Atelier voilà. Bricolage. Exactement. Stéphanie qui dit elle aime bien tondre la pelouse de temps en temps. J'aime beaucoup cette définition. Bah, je oui, t'en prie. Et Mickaël le Belge qui dit salut entre cringards. Il y a Gala aussi avec Freed from Desire. Ah oui, Freed from Desire. Ouais, bah écoute, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Le prince Adèle qui dit Colline va être super contente, sympa la radio que vous lui offrez. Bah oui, elle partira demain par courrier, donc elle devrait la voir après-demain. Normalement, ça devrait bien se passer. Bon, et puis on va récupérer Fred avant de faire la rupture. Allô Fred, toujours là? Ouais, salut, toujours là, ouais, ouais. Ouais, ok, super. Alors c'est parti, on y va directement là pour la colle pour gagner la PlayStation 3 et le jeu Beyond Two Souls, un jeu qu'on vous offre. En exclusivité. Exactement, voilà. Alors vas-y, on t'écoute pour la colle. Alors, Fred. Qu'est-ce qui est rond, poilu et toujours mouillé? Qu'est-ce qui est rond, poilu et toujours mouillé? Alors on proposait un kiwi? Non. Non, alors on proposait un oursin? Non. Une boule de poils? Non. Un rond, poilu, mouillé? C'est bien ça. Un éclair au chocolat? Non. Un cœur d'artichaut? Non. Une noix de coco? Non. Il y a Jack qui proposait une balle de tennis? Non. Un champignon? Non. De la mousse? Non. Une narine? Non. Une anémone? Non. Bon, t'es relou là, non hein. Tu sais dire autre chose? Ah bah oui. Ah bon, bah quand même, d'accord, ok. Bon, alors, si vous avez la bonne réponse, donc qu'est-ce qui est rond, poilu et toujours mouillé? Si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Vous envoyez simplement M-I-K-L, les 4 lettres, ouais. Espace la réponse, au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique pour gagner votre PlayStation 3 et le jeu Beyond Two Souls. Et puis profitez-en bien parce que forcément, là, à 11h30, il y a moins de gens qui écoutent en pleine journée. Donc forcément, vous avez plus de chances de gagner. Profitez-en bien. PlayStation 3 et le jeu Beyond Two Souls. Si vous avez la réponse, à la colle de Fred, qu'est-ce qui est rond, poilu et toujours mouillé? Voilà, M-I-K-L, espace la réponse, au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Bon, ben, tu restes avec nous, Fred, encore un peu là. Ouais, quand pas même, de soucis. Bon, parfait. Un coup de paix, là. Ah, bah, avec plaisir, tiens dans ta gueule, tiens, voilà. Il y a un coup de l'ossane pour toi, c'est un petit peu, il en manque. Et un petit coup quoi? Un coup de l'ossane pour toi. Pour toi, bien sûr. Voilà. Froid, c'est gentil. Il l'a prise bien profondément. Bon Fred, bon bah reste avec nous. On va récupérer Sandrine avec son problème d'amitié. Si vous aussi d'ailleurs vous avez des problèmes au niveau des amitiés, là venez nous en parler. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. On parlera encore aussi de les boissons énergisantes. Et puis on va prendre Johan et Kevin. Vous êtes là les mecs? Ouais, oui, bonsoir. Ah, la semaine dernière, on a eu un 100% fille, cette semaine, un 100% couille. 100% parfait. Alors, Kevin, Johan, le principe est simple, le jeu de la rupture, on appelle des particuliers au hasard, on ne sait pas du tout sur qui on va tomber, et le but, c'est d'arriver à avoir une conversation de rupture, ok? D'accord, pas de soucis. Allez, au hasard, c'est Kevin qui va commencer. J'ai décidé. Yes. Voilà, on y va, c'est parti Kevin, le plus long temps possible et celui qui fera le meilleur score repartira évidemment avec le casque focal qu'on vous offre d'une valeur de 200 €. On te souhaite bonne chance Kevin, c'est parti, on appelle. Allez, bonne chance hein. Dès que t'en... Allô? Allô? Comment? Attends. Allô? Déjà, tu vas me dire pourquoi? T'es allé voir Patricia, tu lui as expliqué tout ça. Moi je comprends pas, tu vois, ça fait 4 ans, ça fait 4 ans que je me bats pour toi, qu'on est bien ensemble. Il y a Ludo qui m'appelle et qui me dit que comme quoi tu me trompes avec Robin, c'est quoi cette histoire, sérieux? C'est quoi ce bordel? Non mais attends, non mais sérieux, moi tu vois, ça, tu vois, moi je te dis. T'étais tout pour moi, tu vois. Moi, tu vois, j'ai jamais pleuré pour une meuf, tu vois. J'ai jamais pleuré pour une meuf. Et toi, tu viens comme ça. Ça veut dire quoi? T'es rentré dans ma vie. T'es rentré, moi, je t'ai fait confiance. Je t'ai tout fait. Je t'ai tout donné, tu vois. Ça fait longtemps. Ça fait super longtemps. Et toi, t'es là. Tu fais des trucs comme ça. Pourquoi? On s'était dit oui. Alors pourquoi t'es allé voir Robin, sérieusement? Pourquoi t'es allé voir Robin? Tu vois, encore, tu vois, tu serais allé voir ailleurs. Je m'en fous. Mais pourquoi t'es venu voir Robin, quoi? Mon meilleur pote, non mais sérieux quoi. En plus tu fais ça avec Patricia quoi. En plus, non mais sérieux, Patricia, elle... Tu m'énerves, non mais sérieusement tu m'énerves toi et moi c'est sûr. Non, appel à raccrocher, 1 minute 10. Joli. Kevin, 1 minute 10. Pas mal Kevin. Johan? Ouais, il est chaud là. Ah bah il est chaud. Allez, à ton tour, c'est parti Johan, on y va, on appelle. Et on fera la deuxième manche juste après la pub. On y va, bonne chance Johan, dès que t'entends. Dès que t'entends plus la musique, c'est que c'est à toi. Allô? Ouais. Ouais, bon, François, si je t'ai dérangé, je t'appelle parce que voilà, j'ai reçu ton texto là et je crois que t'as pas dû comprendre la conversation qu'on a eue il y a 2-3 jours. Tu m'entends là? Ouais, tu dois te tromper de numéro là. Non, mais je peux pas me tromper de numéro parce que sinon je t'aurais pas rappelé. Tu m'as envoyé un texto en me disant plein de choses. Moi je t'ai dit que quoi qu'il arrivait entre nous, c'était fini. Et toi tu continues. Tu comprends pas? Donc voilà. Quoi, bah c'est vrai, tu m'envoies des textos, je te dis stop, je te dis que c'était fini entre nous, et toi tu continues. Tu vas pas me dire que c'est pas vrai. Comment veux-tu que je t'appelle? C'est pas possible. Bah, réponds-moi. Je sais pas, ouais, vas-y, et sinon, c'est pour me dire quoi en fait? Non, c'est juste pour te dire que voilà, entre toi et moi, voilà, il fallait arrêter parce que voilà, je reçois des textos, voilà, je rentre à la maison, c'est toujours la même chose, je reçois encore des textos et des textos et des textos. Je t'ai dit que toi et moi, c'était fini. Donc je comprends pas, c'est quoi ton problème? Donc si t'as un problème, bah dis-moi-le là tout de suite au téléphone, je suis avec toi, mais il faut arrêter. Casse pas la tête, casse pas la tête là, casse pas la tête. Ah, 1:05, pas mal. Bon bah reste là Johan, on va revenir avec toi Johan, avec Kevin, 1:10, 1:05, c'est le score à battre. On fait ça dans un instant, on écoute Magnan également sur Fun Radio juste après ça, bougez pas de là. Fun Radio. Mickaël, nos limites, c'est tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Et en direct sur Fun Radio, évidemment, tous vos messages qui arrivent au 01 42 48 5000. Et puis il y a Prisca aussi qui demandait si c'était possible de mettre un coup de pelle pour son meilleur ami Julien. C'est un nouveau, bah avec plaisir. Hop là, voilà, dans la gueule, il n'y a pas de problème Prisca. Et Julien qui dit aussi, j'ai les couilles qui frétillent ce soir. Et Mélanie qui dit, m'a tué Kevin. Bah on va se faire dans un instant la suite. La suite donc de la rupture avec Kevin et Johan qui étaient deux bons là. Vous êtes toujours tous les deux là, tous les toujours là, Kevin, Johan. Ouais, on est là. Ouais, Ah ouais, putain, vous êtes bons tous les deux là. Deuxième manche dans un instant. Vous bougez pas de là, Kevin. Fred également pour la colle. Hein. Donc, qu'est-ce qui est rond, poilu et toujours mouillé? Et donc, si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Vous envoyez tout simplement maintenant M-I-K-L et la réponse au 64-900. Qu'est-ce qui est rond, poilu et toujours mouillé? Voilà, vous avez la bonne réponse. À vous de jouer. Vous envoyez ça maintenant au 64-900. C'est par SMS que ça se passe, en fait, tout simplement. Voilà. Allez, bonne soirée tout le monde. Là, c'est parti maintenant pour la nuit sans pub, plus de pub jusqu'à l'arrivée de Bruno dans la radio à 6h. Et le son de Magnan maintenant sur Fun Radio, Just Another Night. Mickaël, ferme ta gueule, gros bâtard. No limit sur Fun Radio. Toujours la grande classe, évidemment, avec elle. Bon. Il y a Cédric qui a envoyé un message qui dit que du bonheur, nous vous écoutons, vous êtes mortels, continuez à nous vendre du rêve, c'est gentil, Céd. Tout juste rentré des cours, Florent, vous êtes... Attends, c'est quoi? Ah, que c'est bon de t'écouter, demain je commence à 8h à la fac. Mais pas grave, je t'écoute jusqu'à 2h. Et ça, c'est bon, et ça, c'est bon. Et rien que pour ça, ça mérite un petit message de bienvenue. Voilà, écoute bien le message de bienvenue. Tu te le mets dans le cul, c'est bon maintenant? Voilà, merci à toi, en tout cas. Il y a Nanou aussi qui dit un petit carolo, là, pour me réveiller suite à ma journée. Passer à Disney, c'est genre être endormi. Petit Carlo, bah bien sûr, il est où? Ah bah voilà. Ta gueule, connard, t'es. Voilà, et puis Megumi qui dit bonsoir mes cochons, et bien bonsoir notre cochon. Lesbi Flux, il dit bonne tactique là pour le jeu de la rupture. Ah ouais, c'est très bon, je suis explosé de rire. Et Kylian, Tony qui dit ils sont très forts, et puis Brian qui dit salut l'équipe, est-ce qu'il y a moyen de passer both de both? Bah avec plaisir, c'est mon son préféré pour l'instant, là, et hop là. Je te le mettrai tout à l'heure. Voilà, Both avec Both, je vous le passe tout à l'heure puisque tu l'as demandé Brian, avec grand plaisir. Bon, et on va continuer avant de reprendre Sandrine dans quelques minutes. Sandrine qui nous avait appelé parce qu'elle avait un problème avec une amie, et donc du coup je voulais savoir si vous aussi vous aviez déjà eu des problèmes avec vos amis, est-ce qu'à un moment ou à un autre vous avez peut-être voulu plus que de l'amitié, ou est-ce que votre ami a voulu plus que de l'amitié? Comment vous avez géré le bordel? 01 42 48 5000, appelez-nous, et 02 851 4x0. Bon, alors, Kevin et Johan. Juste avant la pub et juste avant le son de Magnan, on avait fait la première partie de ce grand jeu qui est le jeu de la rupture. L'un de vous deux va peut-être repartir avec un casque d'une valeur de 200€, casque audio focal, qui est juste la grosse tuerie du moment. Et pour l'instant, Johan a fait un appel avec un sujet de rupture, hein, donc il faut appeler quelqu'un au hasard et donc faire un blabla de rupture, hein, genre voilà, écoute, c'est terminé, j'en peux plus, etc. etc. Et donc t'as fait 1:10. Et en face de toi, Kevin a fait 1:10 et Johan a fait avait 1 minute 04, voilà. Je crois. 5. 5, 1 minute 05. Ouais, c'était pas mal, Johan, c'était pas mal. Bon, merci. Du coup, on va remettre le couvert maintenant et c'est celui qui aura le meilleur score qui gagne. C'est-à-dire, Kevin, si tu rappelles quelqu'un, imaginons que ça foire et qu'en 10 secondes elle raccroche, on gardera 1 minute 10 en mémoire. Ok. D'accord. On oubliera si que tu as été mauvais. Voilà, si Johan, par contre, toi, t'arrives à faire plus d'une minute 10, enfin plus que Kevin, évidemment, gagner, on prendra le meilleur score des deux, quoi. D'accord ? D'accord, ok. Bon, allez, okay. Du coup, Johan, eh ben, tu vas continuer là ? Sur allez, vas-y, chaud, chaud. T'es chaud, chaud, chaud, bouillant ? Chaud, chaud, chaud, allez, chaud. C'est parti, on bon y chaud. Va, on appelle Johan. Et continuez. Et faites... Et ah ben on va voir. Et faites vos votes hein, sur le Twitter là, hashtag et Mickaël. À votre avis, lequel va gagner, Kevin ou Johan? Hashtag et Mickaël sur le Twitter. Et puis votez également par SMS 64900 débuté par Mickaël. Ou alors 3044 par SMS. Allô? Oui. Allô? Allô? Oui, excuse-moi de te déranger à ce temps-ci. Je voudrais juste que tu m'écoutes un petit peu parce que voilà, je viens de recevoir un texto et ce texto-là il me convient pas. Donc je voudrais savoir pourquoi tu continues à m'envoyer des textos. Vous devez faire erreur. Alors, j'ai pas fait erreur. Je vais juste expliquer le texto que j'ai reçu. Et tu vas me dire si vraiment j'ai fait erreur. Alors, le texto que j'ai reçu, c'était « Ça va mon loulou, depuis le temps que je t'ai pas vu, j'ai l'air de te voir. » Attends, attendez deux secondes. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi j'aurais ton numéro de téléphone et que je peux te contacter et que je reçois ça. Alors, soit faut voir peut-être autour de ton entourage, peut-être qu'il faudra qu'ils arrêtent de jouer avec le téléphone ou je sais pas, mais moi aujourd'hui je reçois ça et j'ai dit qu'entre toi et moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'était fini. Donc, où est-ce que je comprends pas? Tu m'écoutes ou pas? Ah oui, non, mais je comprends pas. Voilà. Où est-ce que je comprends pas? Non, mais moi, après de l'autre côté, moi ça me met des problèmes parce que notre rupture, entre nous c'est fini et puis ça continue derrière. Et moi derrière, de l'autre côté, je me prends des blâmes par dans mon couple, donc ça peut pas le faire. Est-ce que tu comprends? Là, je suis un homme là. Non mais t'es un homme, je comprends, bah justement, moi je suis homosexuel. Bah tu rigoles, non, je suis homosexuel, on s'est rencontrés. Maintenant aujourd'hui je reçois toujours des textos et des textos. On s'est rencontrés. Il n'y a pas d'erreur. T'habites bien sur Orgelès. Ah non, je suis ici. Je suis sur la région parisienne, moi. Là, oui, mais c'est pas la région pas loin d'Orly et tout ça. Ah non, pas du tout. Comment se fait-il que j'ai ton numéro? Dis-moi juste comment se fait-il que j'ai ton numéro? Il gère. Ouais. Une minute. Bah, voilà, alors c'est ce que je te dis. Donc on s'est rencontrés il y a quelques temps. Je suis couché là. À 3h, j'aimerais bien qu'on me réveille pas. Mais... Non, mais je comprends très bien. Mais de toute façon, dans même pas 2 minutes, tu vas pouvoir être couché. Je te demande juste de m'écouter et de te dire qu'entre nous, il faut arrêter de m'envoyer des textos parce que quoi qu'il arrive, entre nous, c'est fini. J'ai rien envoyé de texto. Mais comment se fait-il que j'ai reçu. Simplement, comment se fait-il que je reçois ces putains de textos? Il est chaud. Ils vont, mais c'est pour mon numéro. Kevin, déjà, c'est sur un fixe. Oui, je sais que je t'appelle sur ton fixe parce que j'ai ton fixe et j'ai eu ton numéro de portable. Donc tu m'as envoyé un message avec ton numéro de portable en me stipulant qu'il fallait que je te rappelle à telle heure pour pouvoir c'est une connerie là parce que je te jure. Non, c'est pas une connerie. Je te dis que c'est pas une connerie. Je te dis juste seulement qu'on est marre de recevoir ça. On s'est rencontrés il y a quelques mois en arrière. Il s'est passé ce qui s'est passé. Non mais tu rigoles, mais tu te rappelles pas ou pas? Non, ça fait. Moi je suis marié, j'ai des enfants, voilà, c'est tout. T'as combien d'enfants? Hein? J'ai deux enfants. T'as deux enfants. Bon, c'est bon, laisse-moi tranquille. Je suis quand même. Petit, Non mais va pas discuter avec ta femme. Hop, terminé. 2.35, 2.35, pas mal. C'est belle ça. Ah ouais. Et t'entends la meuf qui dit allez vas-y arrête, j'en ai marre. Oh, ah ouais, putain, talentueux Johan. Ouais, Kevin, comment te dire que la barre est très haute hein. C'est moi qui l'ai choisi là, hein. Tu es haute là. Ah ouais, très très haute. 2 minutes 35 ouais. Kevin à battre. Ah ouais, donc là attends, je vais. Allez, bon courage moi. Alors ça c'était le son de la racleuse. Ah ouais. Eh hey, d'ailleurs, Kevin. Ouais, dis-moi. Il y a Johan, il a un truc à te dire. C'est Nick Taras. Voilà. Ça y est, c'est fait. Hein. Et je crois qu'il a un deuxième truc à te dire. Ta gueule, connard. Voilà, t'as vu un peu là. Je crois qu'il te l'a mise bien profondément là. Hein. Ah, mais grave. Ah, fais pas ça, il va m'exploser les Oscars. Il va me faire 3 minutes, je vais faire quoi? Ah, mais non, mais. Attends, t'emballes pas. Je veux plus avoir de nouvelles de toi. Est-ce que tu comprends? Mais ça va pas tarder là. Bon, Kevin. Kevin, on y va, on remet le couvert là, c'est parti. Tu la sens bien ou pas, Kevin? Ouais. Ah, il est déprimé là. Bon, sur le Twitter, on en est où là? On en est où là? C'est plutôt Kevin ou plutôt Johan? Avant que Johan gagne, hein, parce que maintenant évidemment, ils ont tous changé leur fusil d'épaule. Ah ouais, c'est Johan. Bah oui, mais bon, avant le score, on était plutôt sur Kevin ou plutôt sur Johan? Non, Kevin. Hein. Kevin? Ouais. Il soutenait Kevin. Eh ben, on verra. T'as vu, t'as du soutien, Kevin. Hein. Bon, allez, c'est parti, on y va. Mais là, il en faut plus. Ah bah ouais, je sais bien. Bon, continuez avec le hashtag Mickaël. Je lirai quelques messages en direct. Bon, on y va. Johan a fait 2 minutes 35. Kevin, on y va, on appelle au hasard. Tu connais le principe. Et dès que t'entends plus de musique, c'est à toi. Vas-y. Ouais. Allez. Allez, Kevin. Ah, ça va être chaud quand même. Enfin bon. On sait jamais. Oui. Allô. Allô. Allô. Oh, l'autre, oui, il a ça télé, va. Là. Alors, attends. Laisse-moi t'expliquer d'abord le truc. Allô. Laisse-moi t'expliquer le principe, quoi. Moi, tu vois, dans le but, tu vois, quand moi je t'ai rencontré, tu vois, je pensais pas que ça allait se passer comme ça, tu vois. À aucun moment, je pensais que t'allais me faire un coup comme ça, tu vois. Non, mais explique-toi, s'il te plaît. Explique-toi. Parce que là, je comprends plus rien. Non, mais sérieux, je comprends plus rien. Explique-toi. Je te parle. Allô. Toujours là. Allô, oui. Arrête de faire le mec qui m'entend pas. Ça m'énerve, sérieusement. Allô, c'est qui? Mais c'est moi. Comment ça, c'est qui? Ça y est, tu l'as rencontré. Ça y est, moi, j'existe plus. Ça veut dire quoi? Une minute. Oui, déjà, tu reconnais pas ma voix, peut-être. Tu reconnais pas ma voix. Non, je dis rien du tout. Bah non, je te connais pas. Le chemin est encore long, mais... Oui, tu t'appelles comment? Ah! Non, mais attends, non, mais tu es sérieux quand tu me dis que tu me connais pas? Mais ça, tu me connais pas? Ben non, je te connais pas, non. Arrête, non, mais... On a deux cadeaux, hein. Tu vois un peu dans quel état tu me mets? Tu t'appelles comment, non, déjà? Non, mais est-ce que tu vois dans quel état tu me mets, sérieusement? On s'est vu, on s'est vu la semaine dernière. Et là, tu me dis même, tu sais même plus comment je m'appelle, tu connais plus rien, tu m'envoies plus rien. Non mais c'est quoi? Mais je suis désolé, mais je te connais pas du tout, je connais pas ta voix, donc je ne sais pas qui tu es. Attends. Tu ne me connais pas. 1,55. Écoute bien ma voix, tu ne connais pas ma voix. Donc maintenant, si jamais tu me dis, je reconnais ta voix, nanana. Moi, je dois prendre ça comment? Je vais prendre ça comment? Non, mais je t'explique, c'est fini. Mais tu t'appelles comment, déjà, bon? Oh, il va gagner, non, mais... dis-moi la vraie vérité. Jure-le que tu ne connais pas ma voix. Devin. Jure-le. Parce que je te jure, là, tu descendrais bien bas dans mon estime. Déjà que tu es descendu bas, mais alors là, tu descendrais bien profond, jusqu'au bout, quoi. Parce que là, je te jure, ça va pas le faire, quoi. Et déjà, alors, dis-moi pourquoi Robin, il m'a appelé. Pourquoi Robin, il m'a appelé? Pourquoi Grégory, il m'a appelé? Ça veut dire quoi? Pourquoi Anthony, il est au courant? Alors que j'en suis sûr, je le connais même pas. Pourquoi Ludo, même Ludo, il m'a dit que t'étais avec. Allô? Oui, je t'écoute, mais je te connais pas, moi je ne sais pas qui t'es. Qui est toujours là, quoi. Autant qu'il ne dira pas ton nom, je peux pas te répondre. Non, mais attends, tu es où là? T'es chez toi? Non, je ne suis pas chez moi. Bah alors t'es où, sérieusement, t'es où? Vas-y, moi j'ai envie de te voir tout de suite. Comme ça, on met au moins les choses à plat, j'ai envie de dire c'est bon, stop, c'est fini. Au moins, on parle tête à tête, d'homme à homme. Comme tu veux, je sais pas, il faut faire quelque chose, je comprends pas, il faut faire quelque chose, parce que moi, je te jure, demain, ça fait 2 jours, je dors pas. Je pense qu'à ça, je me dis, c'est bon, toi, c'est... Mais déjà, toi et moi, c'est fini, je veux plus en entendre parler. Déjà, tu vois, mon numéro, tu le supprimes de ton répertoire, parce que c'est bon, là. J'ai voulu faire un effort, déjà, en te rappelant, et tu me dis quoi? Tu me balances quoi à la gueule? Tu me balances que tu me connais même pas, tu reconnais même pas ma voix. Mais non, je connais pas. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce que... Je suis désolé, je te connais. Tout le monde qui me dit, oh putain, c'est cher à la zone, ce qu'il te fait. Je te jure, j'ai envie de me tuer. Tu fais quoi? T'as des problèmes ou quoi? Tu fais quoi? Oh putain, on va faire psychologue. Qui psychologie maintenant? T'as des problèmes? Oui, bienvenue dans Love in Fun, je suis le doc. Là, tu comprends. T'essayes de me faire passer pour un con, t'essayes de me faire passer pour le mec qui connaît rien à la vie, t'as vu dire quoi? T'as vu, voilà, t'as vu tout déjà. Oh putain. SOS Détresse à Vitier, bonjour. Arrête de faire comme si tu sais même pas où j'habite, arrête, je te jure, arrête. Arrête. Tu voilà, t'appelles comment déjà? Oh putain, c'est pas vrai. J'ai compris. J'ai compris. Pour toi, je suis le parfait inconnu. Hein? Donc, on ne se connaît pas. Tu n'as pas mon numéro, tu ne m'as jamais vu, on s'est, on n'est jamais sortis ensemble, jamais. Ah, il est parti, Kevin. Oh putain! Oh mec, Kevin, bravo, comment te dire? Hey, Johan! Ah, il m'a enculé. Dans ton cul, connard. Ah oui, là, hey, clairement, hein. Dans ton cul, connard. Il l'a mis à sec. Ah ouais. Oh putain, 4 minutes. Alors, combien t'as fait? C'était 4 minutes 17, je crois. 4 minutes 10, ouais. 4 minutes 17, mec. Eh, Yoann, t'as trop crâné, ça t'apprendra. Ah ouais, non, mais non, j'ai pas crâné, non. J'ai bien dit qu'il va me la mettre à l'envers, elle va m'en mettre 3. Ouais. Et qu'on le fait, on l'a mis 4, tu vois. Ah putain. Quand il va à la boulangerie, là, c'est une baguette de pain, lui, il va trouver tout le temps, ce gars-là. Oh putain, t'as assuré. Non, franchement, bravo. Félicitations, Kevin. Bah, tu mérites. Tous les deux, bravo, tous les deux, c'est clair. Let's bon, Kevin, tu repars avec le casque, le focal. Ah ouais, cool. Voilà, ah, bien casque. Joué, et franchement, merci. Je suis pas à l'abri de le filer aux deux. Ouais, franchement. Ouais, non, ouais. Parce que franchement, c'était des tueurs, tous les deux. Ouais, grave, tous les deux, c'est rigolé. Vrai. C'est vrai, quand même. Ouais. Bon, Johan, tu le veux ou pas? Non, je le veux pas. J'entends rien. Johan? Ouais, j'entends pas, ouais. Ah, t'as pas entendu? Bah, ça va, j'ai changé d'avis. Bon. Non, je disais que j'étais pas là. Non, je disais que j'étais pas à l'abri de vous le filer à tous les deux le casque. Parce que vous avez tous les deux été vraiment cool. Super bon pour le coup. Merci, mec. Merci, bon, ben, on va faire ça, on va faire cool. Ça. Bon, Sandro va râler, elle va prendre deux fois les coordonnées. Je suis ravi parce que, franchement. Bah, parce que Johan, il a 32 ans, donc bon, sait-on jamais. Sur un malentendu. Sandro, tu échanges le numéro de téléphone, y'a pas tout ça, hein. Très bien, il en perd pas une. On a bien rigolé, vraiment. Ouais, bah oui. Tu peux faire une petite dédicace ou pas? Bon, allez, vas-y, Yo, elle a une personne, hein, vas-y. Alors, je fais juste une dédicace au club de son box style, et puis bon, bah, je vais pas dire le reste, sinon je vais me faire slacker. Bah, exactement, et je pourrais reprendre à ce moment-là le casque. Tout le monde écouté, voilà. Ça marche, Johan. Salut à vous deux, en tout cas, bravo, vous avez été très bon. Vas-y, Kevin, à une seule personne, pareil. Bah, vas-y, bah, dédicace à Robin, vas-y, qui m'écoute. Très bien, et ben voilà, message passé également, pas de soucis. Salut Kevin, salut Johan, à bientôt tous les deux. Ah, ils ont été... prenez une leçon pour la semaine prochaine. Ouais. Hein, parce qu'ils ont été très très bons tous les deux. Hein. Plein de messages qui sont arrivés. J'ai aimé Johan, il a dit il m'a enculé cher. C'est Alex qui a envoyé le message. Champion du monde, Yazao qui dit je suis écroulé. Luco qui dit ils sont trop bons aussi bien l'un que l'autre. Mister Steven qui mérite bien leur cadeau. C'était un jeu de la rupture assez énorme, c'est vrai. Arnaud qui dit putain le bâtard, comment il gère de ouf. C'est un comédien, c'est pas possible. Bah peut-être, hein, on n'en sait rien. C'est vrai que pour le coup, c'est un vrai comédien qui appelle pour jouer, il gagne. Enfin, il gagne. Ça dépend du client en fait, c'est aussi. Vrai, hein. Faut voir le mec en face. Hein. Ouais. Et Zao qui dit file le casque à tous les deux, Mickaël, trop généreux. Ouais, bah c'est rassuré. C'est pas moi qui ai payé des cadeaux, hein, vous inquiétez pas. Lynn aussi qui dit plus que gentil, il offre les casques aux deux. Oui, je suis tellement bon. Ouais, et c'est Mister... ton cœur, Mickaël. Bah oui, voilà. Moi, je suis. Attends, voici un très beau match, plein de rebondissements, encore bravo. Et oui, un match plein de rebondissements, pas comme Marseille qui s'est pris 3 buts dans la gueule tout à l'heure, hein, par Dortmund. Il y a un message qui est arrivé, ça me fait plaisir de vous écouter. Ça me. Attends, c'est quoi? J'ai perdu le message. Un Marseillais qui avait très mal vécu le. Le 3-0. Les voilà. Pauvres pensons marseillais. Oui, un petit peu, effectivement. Bon, bah, en tout cas, bravo aux deux. Bravo si vous voulez jouer. Dès demain, on remet le couvert, pas avec ça, mais demain, ça sera le je t'emmerde. Et si vous voulez également, j'ai un casque focal aussi à vous offrir. Si vous voulez jouer à la rupture. Au chéri, je peux te faire cocu lundi prochain. Donc, si vous voulez vous inscrire, dès maintenant, allez-y. Vous faites un mail à sandro@funradio.fr. Le principe est simple. Vous appelez votre copain, votre copine. Vous lui faites croire que vous êtes tombé sur un autre mec. Non pas que vous sortez avec lui ou avec elle, mais simplement, vous lui demandez la permission de coucher exceptionnellement un soir avec lui ou avec elle. Le but, évidemment, la rendre dingue ou le rendre fou. Eh bien, vous nous appelez donc, enfin, vous envoyez un mail maintenant, sandro@funradio.fr. Bon, on va se faire le son de Calvin Harris maintenant sur Fun Radio, Thinking About You. Il n'y a pas de pub jusqu'à la fin de l'émission. Du coup, ben, on fera, ben, d'habitude, on fait à minuit, on est un peu à la bourre, mais c'est pas grave. On va se faire dans quelques instants les teubés de la télé. Et puis, j'ai une bonne nouvelle pour toi, on va pouvoir appeler des gens encore ce soir. Ah, chouette. Non, parce que je sentais que ça te. Ça manquait. Ouais, ça te manquait un petit peu, non? Ton cul, toi, ta mère, ta grand-mère. Voilà, tu vois, c'était dommage, quoi. Bah, alors, oui. On va le refaire dans 5 minutes. Allô, on y va. Bah voilà, après Calvin Harris, Thinking About You, on aura Lilo aussi qui voulait réagir à Sandrine avec son problème d'amitié sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. Enculé de ta mère. tous les soirs. Fun Radio. 23h, 2h. Nos limites. Allez vous faire foutre. Mickaël. Sur Fun Radio. Eh oui, on est sur Fun Radio en direct tous les soirs, minuit 10, on est plus qu'à la bourre. Enfin, plus qu'à la bourre, dans le sens où à minuit, on est censé faire les teubés de la télé. Ouais. Et que bah là, on n'a pas encore eu le temps de le faire, quoi. Donc faisons-le tout de suite. Les teubés de la télé, c'est comme chaque soir sur Fun Radio, aux alentours de minuit, avec les extraits les plus cons de la télé, avec les gens les plus idiots à la télé. Dieu sait qu'il y en a. Et hier, c'était la première de Retour au pensionnat. Et puis, il y a un pote à Nabila, apparemment, qui participe. Une jury. Mes cheveux, c'est ma vie, mec. Tu m'enlèves mes cheveux, tu m'enlèves ma dignité. Eh oui, tu m'enlèves les cheveux, tu m'enlèves ma dignité. Ouais, ouais. Alors, toujours dans le pensionnat, on a enfin l'explication du swag. Franchement, si nos grands-parents avaient les mêmes uniformes que nous, on a, je pense qu'ils avaient le swag et tout. Bon, t'as le swag 1950, t'as pas le swag 2013, hein. faut pas exagérer. Bah, c'est ça, c'est pas le même, hein. Le swag 50 et le swag 2013, pas pareil, quoi. Et puis après, le pensionnat, on va faire un petit tour chez nos amis les Ch'tis, ça faisait longtemps, où le bon usage du français, évidemment, est toujours de rigueur. Parce qu'elle rire, toi. Les filles croient que je suis jalouse, tu vois. Oui. Elles croivent que je suis. Par contre, nous, on croive pas tes cons. Hein. Ça, de ce côté-là, t'inquiète pas, on le croive pas du tout. Oh là là. Une chance qu'on le croive. Ah non, on le croive pas du tout, pas du tout. Bon, alors, bonne nouvelle pour Toff, hein. Oui. Bonne nouvelle pour Toff, puisqu'il y a une nouvelle émission en Angleterre sur Channel 4. Oh, que tu vas adorer. Peut-être même Lilou également. T'es là, Lilou, l'Épinal. Ça va bien? Ça va et toi? Bah, ça va tranquillement. Oui, non, tu peux juste me parler à moi, les autres servent à rien. Bon, est-ce que tu regardes souvent la télévision? Ouais, pas mal, ouais. T'aimes bien les téléréalités? Ouais. Eh bien, il y a une nouvelle émission que tu vas peut-être pouvoir regarder avec Toff, voire même peut-être la faire. Lilou, t'es célibataire ou pas? Ouais. Lilou, combien mesures-tu? 1m69. Oh, 69, j'adore. Ah, c'est un signe. Combien pèses-tu, Lilou? 56. Quel est ton tour de poitrine? 90C. 95C. Oh là là, comme hier! Oh, putain, quelle chatte! Enfin, je parle de la chance, hein. toi, je sais pas, je n'ai pas été voir. Mais moi, je la veux bien. Et quelle est la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 42. Et attention, hier, on en a eu 3 des qu'est-ce qu'elle est bonne, hein. Telly boy. Alors, si mes souvenirs sont bons, hier il y avait. Alors, Lauriane, que j'avais appelé Laurine, mais c'est pour ça que je m'en souviens. Ouais. Je sais plus après. Ah bah oui, c'est... là tu t'es engagé dans un truc. Je me suis engagé dans une. Déjà, j'ai pas de mémoire. En tout cas, il y en avait 3. Ouais. Putain, il y avait un défilé de 90 C. Ah oui, c'était. Enfin, beau. C'était la moyenne, hein. Ça allait être 85 à 95, mais on n'est pas dans le détail. Non, et donc, on regarde pas ça, nous. Voilà, et on n'est pas dans le détail, effectivement. Bon, bref, Lilo, tout ça pour dire qu'il y a une nouvelle émission sur Channel 4 en Angleterre qui va sortir. Ça va s'appeler La Sexbox. Alors le principe, en fait, c'est que tu vas avec ta copine, tu vas faire l'amour devant les caméras et après tu as des experts qui débriefent ton rapport. Tu le ferais ou pas, toi? Bah, ouais. Allez, viens, Lilou, on va le faire. Ouais. Ouais, vas-y, j'arrive. Allez, viens. Mais justement, les autres, venez nous dire si vous le feriez ou pas, tiens, pour ce genre d'émission là. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Voilà, en gros, est-ce que vous le feriez ou pas? Donc toi, Lilou, apparemment, ouais. Ouais. Ah ouais, d'accord. Et toi, Sandrine? Possible, mais pourquoi pas. Ah ouais, putain, attends, il y a Nadia aussi de Nîmes là. Salut Nadia de Nîmes. Bonsoir Nadia. Nadia. Bon, voilà, non, pour après. Nadia ne veut pas. C'est pas grave. Et Fred qui est là pour la colle, mais ouais. On va aller voir. Tu le ferais toi devant les caméras, coucher avec ta copine pour. Et après, tu sais, t'as les experts qui viennent faire un débrief pour voir où t'as été bon. Ouais, après, comme ça fait la performance. Ah ouais, moi je vous voyais pas aussi ouvert que ça. Non, bah, c'est bien, il faut pas être coincé, hein. Bah non mais t'as raison hein. Non mais c'est bien. Bon bah du coup Toff, on va faire quelques appels dans un instant. Pour recruter un peu. Voilà, bah d'ici 5 minutes hein, le temps que vous nous envoyez des numéros de gens. Parce que bon, le problème c'est quand on regarde dans l'annuaire, après c'est la galère. Parce que la majorité sont en train de dormir. Donc si vous avez des numéros de personnes qui sont de boutards et qui sont plutôt open, tu vois, genre à s'énerver rapidement, n'hésitez pas bien sûr à nous transmettre ces numéros. Vous envoyez un mail à Sandro sandro@funradio.fr avec le numéro de la personne qu'on doit joindre. Et bien entendu on se fera un plaisir de l'appeler en direct. Bon, avant de prendre Lilou et Sandrine, et eh bien Fred, on va se refaire encore un petit coup de colle. Alors, pour gagner la PlayStation 3 et le jeu Beyond Two Souls qu'on vous offre et qui ne sortira que la semaine prochaine, du coup, on vous l'offre en exclu. Exactement. Bon, alors, Fred, de Villeurbanne, quelle est la colle? Alors, qu'est-ce qui est rond, poilu et toujours mouillé? Qu'est-ce qui est rond, poilu et toujours mouillé? Si vous avez la réponse, vous envoyez M-I-K-L et la réponse, donc espace la réponse, M-I-K-L espace la réponse, au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Alors, on proposait un trou du cul? Non. Non. Alors, le trou de balle de mon chat? Non. Une mousse végétable? Non. Une moule? Non. La langue? Non. Sa gueule, à toi. Non. La réponse est une truffe. Non. Une chatte. Non. Une couille. On avait déjà dit ça. Un vagin. Non. Un poisson. Non. Ça aurait pu. Jack encore qui tente sa chance, il avait déjà essayé tout à l'heure. Une boule de laine. Non. Il y a Florent qui dit un vagin. Non. Non. Bon, bah, très bien. Bon, bah, si vous avez la bonne réponse, hein, bah, à vous de jouer, hein. Maintenant, vous envoyez M.I.K.L. espace la réponse. Profitez, hein, minuit et demi. Beaucoup de gens qui sont, beaucoup de gens qui sont partis dormir. Donc, vous envoyez M.I.K.L. espace la réponse. On répète, Fred, vas-y. Alors, qu'est-ce qui est rond, poilu et toujours mouillé? Qu'est-ce qui est rond, poilu et toujours mouillé? Si vous avez la bonne réponse, eh bien, vous n'hésitez pas à, ah oui, je peux donner un indice. Ligue Braille. D'accord, hein, on peut. D'accord. Ouais. D'accord. Bah, oui, non. Ouais. Non. Bah, si, ça peut être, hein, ça peut être dit comme indice. Ça peut être dit comme indice. Bon, si vous avez donc la bonne réponse, vous envoyez M.I.K.L. espace la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. On donne la réponse dans à peu près un quart d'heure pour gagner votre PlayStation 3 et bien entendu le jeu Beyond Two Souls qu'on vous offre avant tout le monde, c'est-à-dire en Nexclu. Voilà, et vous pouvez aussi jouer si vous voulez via le Facebook de l'émission, facebook.com/M.I.K.L. Allez dessus, on vous y attend bien sûr. Il y en a aussi d'ailleurs un club de golf GTA 5 exclu également, hein, qui vaut 200$ qu'on vous offre également tout à l'heure sur Fun Radio. Voilà. Bon. Alors, Fred, on te récupère dans moins la quart d'heure. À tout de suite. Bon, on a récupéré Colline là. T'es là, Colline? Eh oui. Hey, Colline qui avait plus sa radio, ses parents lui ont pris dimanche dernier. Enfin bref, oui, volé, c'est du vol. Indigne. Alors, Colline, t'as vu les photos de ta radio? Oui, elle est trop jolie. On a été la choper aujourd'hui. On l'a, il y a Polo qui l'a customisé cet après-midi et on va te la mettre au courrier. On va te la mettre au courrier demain matin. Enfin, ce soir et ça partira demain matin. Oh, c'est gentil. Bah, hey, je t'en prie, Colin, déjà comme ça, pour pouvoir réécouter l'émission depuis une radio. Eh, hey, on aurait dû filmer, on aurait fait Pimp My Radio. Pimp My Radio, exactement. Ouais, c'est vrai. On aurait fait un tuto. Voilà, c'est ça. Bon, bah, Colin, du coup, tu restes avec nous dans le standard encore là? Oui, bien sûr. Bon, bah, parfait. Il y a des messages d'ailleurs qui sont arrivés aussi. Stéphanini qui dit: et toi, Mickaël, tu irais dans l'émission? On sait déjà que Toff et Polo, oui. Bah, Polo, il n'a pas dit, hein. Toff et Polo, il n'irait pas, non. Non, bon, moi, j'irai pas, parce que j'ai pas de problème. Moi non plus, j'ai pas de problème sexuel. Le membre est dur comme du bois. Ouais, mais est-ce qu'il se ramollit rapidement? Non. Ah bon, bah, très bien. Il peut rester des heures, le membre est dur. Bon, il y a Mini qui dit: franchement, vous gérez, je suis plié de rire. Bah, c'est le principal et c'est le but. Il y a Gwenel qui dit: mort de rire à l'émission, il y a que du bonheur, les deux. Ils ont cartonné tout à l'heure avec le jeu excellent. Vive les Québécois. Il y a Shadow qui dit: super ce soir la rupture, c'était des ouf. Le prince Nadia qui dit: le mec ne raccroche pas, c'est un truc de dingue. Nano qui dit: vraiment des comédiens, c'était un truc de fou. Bah, écoute, je pense pas, a priori, en tout cas, c'était bon. Let's Be Flux qui dit: non, je ne suis pas gentil, je suis une vilaine fille et je veux que Toff vienne me donner la fessée. Voilà, et ben voilà, pas de problème. C'est une bonne chose. Mickaël, t'es trop fort. C'est Jean-Philippe qui avait envoyé le message. Et alors également Cyril qui dit: je suis nouveau mais ça déchire de vous entendre. Merci Cyril. D'ailleurs, merci Cyril. Tu as droit également, toi Cyril, à ton petit message de bienvenue. Vas-y, va te faire enculer, connard. Voilà, bienvenue Cyril. Bon, alors, nous récupérons Sandrine, nous récupérons Lilou et nous parlons donc du problème de Sandrine avec son problème d'amitié. Alors, bon, Sandrine, donc toi tu nous avais appelé parce que tu étais en kiff sur une meuf, parce que tu aimes les femmes qui aiment les femmes. En tout cas, t'es bi. Voilà, je voulais dire aussi, j'ai oublié de dire tout à l'heure, elle a un peu cherché aussi. C'est-à-dire, elle t'a fait des avances? Elle m'a fait comprendre des choses un peu. Elle a beaucoup insisté pour que j'habite à côté de chez elle. Oh, ouais. Elle m'a dit, le jour où je suis partie, quand j'ai fini mon contrat, elle m'a dit: on s'appelle, on se reverra. On se fait un brout minou. Ouais. Enfin voilà, beaucoup de choses comme ça, quoi. D'accord. De petits signes. Bon, mais pourquoi pas. Bon, attends, et tu voudrais qu'on l'appelle éventuellement, cette meuf, pour mettre les choses au clair? Oui, mais non, là, non, parce que là, elle est au lit, elle a ses enfants qui dorment aussi. Ah, oh, genre à minuit, elle dort déjà? Bon, les enfants, bah, d'accord, oui, elle a les petits au lit aussi. Oh, merde. Bon, attends, on va quand même prendre l'avis de Lilou qui est avec nous, là, d'Épinal, là. Bon, Lilou. Ah oui, Lilou, c'était qu'est-ce qu'elle est bonne, c'est ça, hein? Ouais, ah oui, qu'est-ce qu'elle est bonne. Et en plus, elle veut bien aller à l'émission avec moi. Donc, et en plus, t'as vu, voilà, c'est elle ça. Elle veut bien aller dans la box. Mais t'inquiète pas, moi. On va appeler des gens dans un instant pour voir s'ils veulent aller avec toi aussi, tiens. On va faire ça, hein, bouge pas. Bon alors Lilou, toi tu voulais réagir à Sandrine ou réagir dans l'absolu par rapport au problème qu'on a eu avec des amis? C'est plus à cause d'une fille, en fait. J'étais au lycée avec une gonzesse. Elle était assise à ce côté de moi en classe. Ouais. Elle me plotait H24. Quoi? Quand j'ai H24, c'est H24. Mais c'est-à-dire? Oh, c'est bon! Bah, on était en cours et puis elle passait sa main sur ma cuisse. Wow, attends, oh là là. Vas-y, continue! Non, désolé, je peux pas donner tous les détails. C'est Apollo, si. Ne m'insulte pas, Apollo. S'il te plaît. Oh, ouais. Ouais. Mais bon, alors, grave, Apollo, je... Apollo, elle peut donner les détails. Vas-y, vas-y. Non, non, moi je donne pas de détails. Bon, et à moi, tu peux. Ah, ça non plus, non, mais. Oui. Lilou, pas de centre d'eau. Elle t'a mis un doigt ou pas? Un ou deux? Non, mais franchement, qui l'approche, elle voulait pas me changer de place ni rien, donc c'est un peu galère. Oh. Et j'avais beau lui dire, la prof, elle arrête pas de me plotter et tout. Elle me dit, ouais, c'est pas vrai, tu mens, machin. Bon, bah. Genre. Genre, tu mens, arrête en cinéma, tu es en train de mentir. C'est... Non, mais voilà, n'importe quoi. Émission, ouais. Et alors, après, t'as dit quoi? Tu es sorti comment de ce bordel? Bah, je lui ai mis une droite. Ah oui, c'est pas vrai. Ah ouais, bah, on va peut-être pas aller à l'émission avec toi au final après l'émission. Si, moi, non, mais voilà, je veux dire, avec moi. Ouais, Toff, il aime bien prendre des bonnes claques dans la gueule, voire des coups de pelle. Ah, je préfère les coups de fouet, moi. Ah oui, vas-y. Bah écoute, si vraiment c'est ton kiff, tu sais bien, nous à la radio, on est équipés, il n'y a pas de problème. Hein. Ah bah d'accord, je viendrai vous voir alors. Regarde, Lilou, mets-toi cul nu. Attends, je le prépare. Hein. Ah, moi j'aurais peur. Hein. Je le fais chauffer, attention. Attention Lilo. Ah, voilà. Tu l'as kiffé ou pas celui-là? Ah ouais, à mort. Ah, t'aimes bien ça, hein, cochonne. Lilou, si tu viens nous voir, il y a une place à côté de moi, tu viendras là, je te plotterai. D'accord, il n'y a pas de souci, tu viendras ici. Ah bah, très bien, bah, écoute, parfait, Lilou. Le plaisir sera pour Polo. Ouais, oui, bah oui. Ah bah évidemment. Je vais la flotter. Tout à fait. Bon, et donc Lilou, donc comment c'est, donc tu l'as mis une patate et après, c'est bon, elle s'est calmée? Non, je me suis fait virer. Ah oui, non, bah oui, forcément, en même temps. Ouais. Je me suis fait virer. Non, mais il y a plein de témoins et tout. Puis le directeur me dit, ouais, de toute façon, c'est toujours les mêmes histoires. De toute façon, tu vas te faire virer. Donc, bah vas-y, vire-moi, on divorce et puis c'est tout. Hein. Bah oui, petit divorce, ouais, voilà, à la cool, quoi. Ouais, voilà, exactement. Bah voilà, ouais, c'est ça, ouais, très bien. Bon, bah très bien. Et Sandrine? Oui. Bon bah du coup si on peut pas l'appeler là, on peut pas faire grand chose là malheureusement. Parce que toi t'aimerais bien quoi? Mais... T'aimerais quand même la récupérer au final ou? Bah oui quand même oui. Mais pourquoi faire? Parce que je comprends pas pourquoi vous vous accrochez aux... les mecs, les filles hein. Pourquoi vous vous accrochez quand on vous dit non? Mais parce qu'elle m'a beaucoup aidé dans les moments difficiles. Non mais et d'accord, elle était là pour me pour non, m'aider mais... et même elle me montre des signes. Quand je lui ai dit je repars avec le père de ma fille, mon ex, ouais. Elle m'a dit surtout ne fais pas ça. Non mais d'accord, mais c'est pas parce qu'elle t'a donné conseil que... Elle faisait que ça, insister pour que j'aille habiter à côté de chez elle. C'est pas pour faire joli quand oui, même. Oui mais t'as ta vie à vivre avant. Non mais c'est ça, c'est vie ta vie, s'il y a un moment ou un autre. Tu sais, en fait, je vais t'expliquer. Je vais peut-être te donner un conseil si tu ne le connais pas. Raconte l'histoire du jambon. Bah alors c'est un jambon, effectivement, un jour qui décide... Enfin bon bref, non... Disons que c'est... C'est-à-dire que au plus tu vas courir après son cul, au plus elle va peut-être se dire « Putain, la relou !» Alors que si tu lui fais du jour au lendemain, genre « Je donne plus signe de vie », c'est elle qui va peut-être se dire « Mais putain, je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle me donne plus signe de vie ?» Et c'est elle qui va revenir. Et comme une salope, pardon. Elle va revenir, tu vois. Et au-delà de ça, faut respecter son choix. Aussi, si elle te demande de la laisser tranquille, faut la laisser tranquille. Ah bah oui, mais bon... Bah, après, ouais. Bah c'est franchement, le respect. Sandrine, mon conseil, ne donne plus de nouvelles pour l'instant et voilà. Je te mets. J'allais même à couper, mais en fait non. Je parie, hein, une tranche de jambon. Ouais. Je te parie qu'elle va revenir en rampant comme une. Pardon. Tu vois? Oui, en rampant quand même, oui. Non, mais enfin, façon de parler. Mais je te parie qu'elle va revenir. Bon, je verrai bien. Hein. Ah, mais oui. Tiens-moi au courant. Mais je pense qu'aujourd'hui, elle a dû me demander des nouvelles par intermédiaire. Tu vois, t'es encore en mais train non. D'espérer, de mais faire oui. des la paix. Parce que j'ai une ancienne collègue avec qui je travaillais, elle m'a appelé aujourd'hui et elle était encore au travail. Mais on s'en fout, elle. Il faut qu'elle vienne te demander, il faut qu'elle vienne te parler. Les intermédiaires, ça compte pas. Tu t'en fous, tu fais comme si ça n'existait pas, comme si on ne t'avait rien dit. Et direct, t'attends qu'elle te donne des nouvelles. Tu vas voir, elle va le faire. Mais par contre, tu dois pas en donner, toi. Hein. Je te fais confiance, Sandrine. Hein. Là, tu pars dans l'obsession, là, sinon. Hein, bon. Sandrine, quand même, hein. Sinon, reste cool. Sinon, je t'envoie Toff, tu vas voir. Oui. Je m'occuperai bien de toi. Voilà. Si elle en veut pas, je le veux bien, moi. De quoi, Lilou? Si elle en veut pas, je le veux bien, moi. Attends, Lilou, t'as déjà vu sa gueule à toi ou pas encore? Bah, Lilou... Oh là là, il est pas moche. Hein. Merci, Lilou. Lilou, je t'aime, Lilou. T'es amoureuse de lui? Moi aussi, je t'aime. Oh là là là. Ouais, quand vous étiez sur Énergie, j'étais à fond pour lui. Ah ouais, mais non, mais t'avais quel âge? T'avais 12 ans. Ouais, j'avais 12 ans. Bah voilà, 12 ans, on est cons. Mais Lilou. Enfin, désolé pour ceux qui ont 12 ans. Mais... Lilou, on a tous su. Lilou. Ouais, on a tous été cons, hein, t'inquiète pas. Il y en a qui le sont encore, regarde. Mais Tof, il a 12 ans. Bah, mais ouais, non, non, mais il est toujours con. Ouais, ouais. Ouais, il y en a pas mal sur Twitter aussi qui sont pas mal cons. Moi, je dirais pas de prénom, mais bon. Non, ouais, mais bon, grave. Tu sais, en même temps, des cons, il y en a partout. Regarde dans cette équipe, on a quand même. On a un beau panel. Hein. Non, mais c'est vrai, on a quand même un beau panel. Moi, évidemment, plus intelligent. Ah bah, ouais. Voilà, c'est ça, la tête pensante, le cerveau. Le charisme, le charme. Le charisme. Hein. Voilà, et puis voilà, quoi, tu vois. C'est... Et puis on a Tof, le trou du cul pervers. Polo, le poète et le musicien. Ouais, c'est vrai. Voilà, Sandro, là, des dévergondés. Allez, on l'a croisé tout à l'heure, hein, putain. J'ai oublié de vous dire, Lilou. On la croise, on est avec Polo dans la voiture, on était en train de se garer, enfin on cherchait une place auprès de la radio. Et puis qu'est-ce qu'on voit au bout de l'autre côté de la rue? Sandro. Vous allez vous dire, bah elle arrive à la radio. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? C'était énorme comme une grosse vache. C'était énorme. Et on la voyait de loin, je dis mais c'est Sandro. Et il me dit bah ouais. Et elle mangeait. Alors on a gueulé en passant. Arrête de bouffer. Voilà. Tout le monde était en train de me mater. Ah, elle bouffait, non, elle bouffait. Parce qu'à la station métro Champs-Élysées, il y a des sandwichs, ils sont trop bons, franchement, que ce soit du pain. Et elle bouffait. Ah, j'étais morte de rire. Et j'ai dit putain, ils m'ont grillé les bœufs. Ah bah ouais, j'ai oublié d'en parler. À la station bon. Métro. Non, mais c'est super bon. Ouais. Bon, Sandrine, en tout cas, merci à toi d'être passée. Tiens-moi au courant. Je compte sur toi, Sandrine, pour voir comment ça se passe. Mais j'espère avoir le cœur. Je voudrais avoir un petit cadeau. On n'a pas de chance qu'on a envie dans la vie, Sandrine. On va te filer un pack, Sandrine. Un pack fun, c'est Zoro qui va gérer ça. D'accord, y'a pas de soucis. Je te fais des bisous, Sandrine. Et je salue également la fille qui a le plus mauvais goût du monde. Mais non, Lilou. Lilou. Envoie-moi un mail. toph@funradio.fr. C'est ça. Non, et je te rassure tout de suite, hein, il va te répondre, il va te baiser, puis il va plus jamais te parler. Ouais. Non, mais que ce soit clair, hein, c'est comme ça que ça marche. Si vous voulez le mode d'emploi, c'est bon. Hein, mais, on le connaît. Voilà, on le connaît depuis le temps que Toc Polo le pratique. Ah ouais, t'inquiète, mais tu peux envoyer à polo@funradio.fr. Moi, je te mentirai pas, je te dirai la vérité. Je vais te souiller, puis je vais te dégager. Voilà, exactement. Tiens, ta gueule. Oh, trop gentil, merci. Ah bah oui, c'est gentil. Bon, gros bisous, Lilou. Bisous, c'est ça une baby. Allez, vas-y, à une seule personne, tu connais la règle, pardon, du coup. Ah bah, ça va être pour plusieurs personnes. Ah non, ça va être une seule. Ah oui, ou plusieurs personnes, vas-y, toujours. Ah, c'est une grosse dédie à toute la team de Mickaël, en fait. Oh, c'est gentil, Lilou. Ah, t'as vu ça? Mais t'as vu un peu. Finalement, j'ai pas trop mauvais goût. Un petit peu, mais pas trop quand même. Bon, parfait. Allez, gros bisous, Lilou. Ouais, ciao, bye bye. Bon, et venez nous rejoindre aussi. Hein. On fera le top tweetos tout à l'heure. On est à milieu de l'émission, je vais y arriver. Et vous avez jusqu'à 2h du mat pour être peut-être le top tweetos. Pour être top tweetos, il suffit de lâcher un maximum de hashtags avec M-I-K-L, hashtag Mickaël, tout simplement. Et Dieu sait que vous participez bien puisqu'on est en top tweet depuis le début de l'émission, là. Mais merci beaucoup. Plein de messages qui sont arrivés. Nanou, qui dit aussi, ils sont morts de rire, trop chaud, trop de puissance. Yaku aussi, Jean-Marc, qui dit, c'est de la bombe votre émission, ça fait bien le buzz en Suisse, merci. Oh. On est en Suisse. Ah bon. Je savais pas, Jean-Marc, on était en Suisse. Bah merci en tout cas de nous prévenir. Je ne savais pas. J'attends toujours mon message de bienvenue avec ta voix sensuelle. C'est Morgane 88. Bien sûr, petit message de bienvenue pour toi, Morgane avec un E, donc j'en déduis que tu es une fille. Qu'est-ce que je peux te mettre? Enfin, Tof a plein d'idées, mais... Main gauche ou main droite? Voilà, je peux te mettre ça. Va te faire enculer, salope. Voilà, j'espère que tu es contente, Morgane, de ton petit message personnalisé. Hein. Il y a Megumi qui dit Polo avec son petit cri de jouissance. Et puis Marjorie qui dit un régal de vous écouter dès que je quitte le boulot du Luxembourg. Je mets la radio car les kilomètres sont longs et avec vous c'est un plaisir. Marjorie, tu travailles. Attends, laisse-moi deviner. Dans la banque. Ah, ouais, Luxembourg, pas sûr. Je pense. Ouais. Pas sûr, hein, ça aurait pu être les assurances. Peut-être. Moi, je vois dans ma boule de cristal plutôt la banque. Marjorie, tiens-nous au courant. Renvoie un petit message pour voir. Et Dédé qui dit, je baiserai pas devant les caméras de télévision. On sait plus quoi inventer pour faire de l'audimat. Oh, ça les a pas encore fait non plus. Hein. Jérémy qui dit, tu es super. Je vous écoute tous les soirs. Vous déchirez. Merci pour tous vos messages. C'est très gentil. Dans un instant, les premiers appels avec Tof hein, pour voir un peu si effectivement les gens seraient plutôt d'accord de baiser devant les caméras pour voir un peu comment ça se passe et surtout avoir un débrief par des professionnels. Vous nous avez envoyé nombreux et nombreuses vos messages. Enfin, les numéros de téléphone de gens qui seraient encore debout à cette heure-ci. Et puis il y avait Brian tout à l'heure qui a demandé le son de Bose avec Bose, son que j'ai découvert pour vous la semaine dernière. Je vous le remets maintenant, il est minuit 30, c'est Mickaël No Limit, on est jusqu'à 2h, bienvenue. Mickaël Mickaël. Ferme ta gueule, gros bâtard. No Limit sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, évidemment qu'on est en direct avec dans quelques instants le tirage au sort de la colle. La colle du soir avec Fred qui avait proposé aussi qu'est-ce qui est rond, poilu et toujours mouillé. Vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Il y a la PlayStation 3 à gagner avec le jeu Beyond Two Souls qui ne sortira que la semaine prochaine. On vous l'offre donc en... N'exclu. Voilà. Donc si vous voulez gagner ce jeu et la console qui va bien, eh bien il faut répondre à la colle de Fred. Voilà, qu'est-ce qui est rond, poilu et toujours mouillé? Vous envoyez Mickaël espace la réponse au 64 900, ou alors pour la Belgique vous envoyez Mickaël et la réponse, mais cette fois au 63 22. Et je vous souhaite évidemment bonne chance. Tirage au sort dans 5 minutes. Et avant ça, on aura aussi Nadia dans un instant. Bonsoir Nadia. Salut. Comment vas-tu? Salut. Ça va tranquille, et toi? Salut. Ça va. Alors, de quoi on va parler avec toi dans quelques minutes? Alors, on va parler d'un mec super relou que j'ai rencontré sur Insat. Oh, t'as rencontré Toff. Oh, l'enculé. Oh, le connard. C'est ça, c'est lui? Oui. Non. Oh là là, Toff. Il me dégoûte. Quel enculé. Ah, mais pourquoi? Il est charmant, je sais pas. Oh non, non, tu sais que je lui dis à Toff. T'es pas un cul au PD, voilà. Exactement. T'as qu'à lui demander à Valentin. Exactement, oui, tout à fait. Tu vas aller te faire foutre, tu le demanderas à Valentin. Voilà. Je sais. Bon, Nadia, bon, écoute, on va en parler dans un instant des rencontres sur Internet. Avant ça, je vais te poser la question aussi. Est-ce que tu ferais comme cette émission sur Channel 4 en Angleterre, qui s'appelle Sexbox, donc coucher avec ton copain devant des caméras et après t'as des experts qui font un débrief? Ah, non. Ah, toi non. Est-ce que t'as un mec, Nadia? Oui, mais ça va pas très fort, quoi. Ah, ça va pas très fort. Ah, attends, je te passe Toff alors. Parfait, Nadia. Combien mesures-tu? Alors, 1m67. Combien pèses-tu? 55 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 85 C. Encore? Mais c'est... Les auditrices de fun n'ont que du C. C'est parfait, attention, hein, mais ouais. C'est improbable. Gros. Depuis hier, on a que ça, c'est une folie. Oh, j'en boufferais bien. Et la taille du dernier pantalon? Et la taille du dernier pantalon que t'as acheté? 36. Oh là! Je te fais oublier ton copain quand tu veux. Ouais, c'est ça. Non mais c'est une folie totale. C'est une folie totale. Je sais pas ce qui se passe là. Il y a des nibards. On est bien. Non mais j'ai l'impression qu'on a les plus bonnes auditrices de toutes les radios. Ah, c'est parce qu'on est des beaux gosses. Bah et non, mais merci à vous d'écouter surtout. C'est ça qui est bien. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que vous veniez tous dans le studio, qu'on fasse une photo. Ouais, on serait bien. Pas. Et on ferait la boobs picture. D'accord. Bon, Nadia, on va faire les appels. Bah, reste avec nous tant que t'es là. Tiens, on va faire le premier appel. Tu connais personne qui est encore debout à cette heure-ci, des fois, on sait jamais, non? Qu'on pourrait faire chier? Non. Enfin, faire chier, on fait pas chier, hein. On fait un vrai sondage. Je sais pas. Bon, écoute, c'est pas grave, on a déjà des numéros, d'autres auditeurs en ont envoyé. Donc on y va, Toff, premier, allons-y. On appelle là, c'est parti. Allez hop, on y va, premier appel, reste avec nous, Nadia, ne bouge pas de là. D'accord. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, je vous appelle parce que vous avez été sélectionné pour participer à notre nouvelle émission. Oui. Oui, la Sexbox. Donc vous allez pouvoir venir avec votre femme, vous lui ferez l'amour devant les caméras et ensuite vous serez débriefé par notre sexologue. D'où vous avez mon numéro, monsieur? L'annuaire, monsieur. Si vous avez été tiré au sort. Et il n'est pas dans l'annuaire, monsieur. Bah si, puisque sinon je vous aurais pas appelé, monsieur. Soyez gentil la prochaine fois. Ne pas me déranger à se faire comme ça pour des conneries comme ça. Ah mais c'est pas une connerie monsieur, c'est notre nouvelle émission télé. Merci monsieur, au revoir, bonsoir. Bah attendez, on s'est pas arrangé pour le rendez-vous. Oh, il a raccroché, dis donc, quel connard Nadia. Hein. Faut le rappeler. Ah oui, on va le rappeler. Bon, on rappelle Nadia, encore un petit coup? Eh oui. Bah oui, allez c'est parti. Il avait l'air tellement gentil en plus. Ce serait dommage d'en rester là. Ah oui. Allez. Allô. Oui, excusez-moi, on a été coupé, monsieur. Non, monsieur, on n'a pas été coupé. Je vous ai raccroché, on est. Mais ça se fait pas, monsieur. Si, ça se fait, monsieur. Merci de ne pas déranger, je vous ai dit. Mais enfin, monsieur, on n'a même pas fini de discuter. Vous me foutez la paix ou je commence à sentir le gros mot? Mais enfin, monsieur, moi, je vous appelle gentiment, vous voulez m'insulter? Ben non, parce que si vous insistez, maintenant, ça devient gênant. Ben, enfin, monsieur, moi, je veux pas que ça devienne gênant. Je voudrais que vous participiez à notre émission de télé. Ben oui, si j'ai fait l'amour avec vous, monsieur. Ben, pas si... avec ma femme. Bah, oui, mais c'est pas le concept, c'est pour vous apprendre à mieux faire l'amour à votre femme. Bah, j'ai pas besoin de vos conseils, monsieur. Non, c'est pas les miens, c'est ceux d'un sexologue, monsieur. Allez vous jouer ailleurs, monsieur. Ça suffit maintenant. Mais enfin, monsieur. Arrêtez de me déranger. Mais je vous dérange pas, monsieur, je vous propose de participer à une émission de télé. Monsieur, shut up. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, je n'ai pas compris, monsieur. Bah, ça veut dire taisez-vous et foutez-moi la paix. Ah, mais pourquoi, monsieur? Merci, au revoir. Moi, je veux vous apprendre à mieux faire l'amour à votre femme. Vous devez me remercier. Ouais, on pourrait, effectivement. Tiens, il y a message. Il y a message. Où est-ce qu'il est, celui-là? Message, il disait ça va être dur de l'énerver. C'est Tony qui dit ça va être dur de l'énerver, celui-là. Bah, écoute, ouais, bon, bah, encore un petit dernier, Nadia? Eh oui. Bon allez, c'est parti, on rappelle. On sent que tu viens du sud, hein. Eh oui. Allez, on rappelle ce charmant monsieur. Allô, oui. Oui, monsieur, vous êtes pas très gentil avec moi quand même, hein. Allez vous faire foutre. Mais enfin... Maintenant vous avez compris, monsieur. Bah non, enfin moi je vous appelle gentiment, vous m'insultez. Allez vous faire foutre. Mais vous allez entendre encore des mots comme ça, monsieur. Bah, enfin... vous aimez ça? Bah non, pas tellement, mais enfin monsieur. Monsieur, quoi si vous voulez, monsieur? Bah vous êtes quand même vous êtes un peu mal élevé quand même. Vous vous faites chier, monsieur. Moi? Vous me faites chier. Moi je vous appelle. Vous m'appelez à cette heure-ci, vous me faites chier. Moi je vous appelle. Vous comprenez maintenant? Non, je comprends pas, monsieur. Moi je vous appelle gentiment pour participer à une émission. Je ne veux pas que vous m'appeliez. Je ne veux pas participer à votre mission, monsieur. Mais enfin, monsieur, moi je vais vous apprendre à mieux faire l'amour à votre femme. Mais je vais t'apprendre à faire l'amour, moi. Viens chez moi et tu vas voir, connard. Tu préfères ça maintenant? Tu préfères ça? Sale con. Allez, va te faire foutre, va jouer ailleurs. Mais enfin, monsieur, quelle violence. Bon, et très bien, je sais pas chez qui on était tombé, mais merci pour le numéro. Hein. Bon, on en prendra d'autres tout à l'heure parmi ceux que vous nous avez envoyés. Continuez si vous avez encore des numéros là, à nous envoyer, n'hésitez pas. Bah, il suffit d'envoyer un mail à sandro@funradio.fr, SANDRO, et vous laissez les numéros de gens qu'on peut encore appeler à cette heure-ci. Bon, du coup, Nadia. Oui. Alors, on va parler avec toi donc de mec chelou que t'as rencontré sur internet. Alors explique-nous. Alors en fait, c'est pas sur internet, c'est en fait sur en fait c'est un appel 0 en fait. Je sais pas quoi. Une ligne, enfin un numéro répondeur machin surtaxé là. Exactement. Une ligne rose. Oui voilà exactement. Oui d'accord. Et donc pas tout à fait ligne rose, hein, c'est juste faire des petites rencontres. Ouais presque. ouais. Et donc. C'est un chat juste... téléphone. Exactement. Mais qui utilise encore un chat téléphone aujourd'hui? Plein de jeunes, en ce moment il y en a beaucoup. Donc je l'ai eu au téléphone. Et tout début, il me parle, voilà, normalement, genre comment ça va, tu vas bien, tata. Et puis après, il me demande mon numéro. Je dis pourquoi pas, c'est quel numéro, hein. Et ensuite, je lui passe. Et là, il m'appelle en inconnu, je réponds et il me dit oui, alors je dois te livrer un secret. Je dis c'est quoi ça encore? Il me dit en fait je viens d'une autre planète, X-Bit, je sais pas quoi, je vous jure c'est vrai. Mais sérieux là, toi? Non mais non, je vous jure c'est vrai. Et oui, voilà, je viens d'une autre planète, je suis supérieure à vous, supérieure à toi, je connais plein de choses que tu connais pas, je parle plusieurs langues, je sais, voilà, je... plein de choses comme ça. Et franchement, moi, je suis bien entrée dans son jeu, quoi. Je me dis... Mais tu l'as cru quand il était extraterrestre? Non, du tout, non. Non, non, au contraire, je suis rentrée dans son jeu. Je lui posais plein de questions et tout. J'essaie de le piéger, mais j'arrivais pas, en fait. Je sais pas s'il a fait des études de scientifique, je sais pas quoi. Franchement, j'arrivais pas du tout à le piéger. Mais voilà, petit à petit, je rentre dans son jeu. Et là, avant-hier, il m'envoie un texto. Il me dit... oui, est-ce que il faut que tu rejoignes notre clan? Il était vraiment bien dans son monde. Secte. Non mais bien dans son monde. Et je crois que c'est une secte, je sais pas quoi en fait. J'aimerais bien savoir s'il y a d'autres viens gens. Dans notre clan. N'hésite pas. La secte de ta. Tu es la bienvenue. Pour venir dans ma secte, il faut que tu viennes nu. Sans mon haleine. Oui. Non mais non. je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont je sais pas, qui ont connu de ce genre de personnes, genre qui prétend être supérieur à nous, tout ça. Ah bah attends, mais clairement, regarde-nous, on est déjà tous, tous supérieurs à tout le monde, nous. On est dans un vaisseau spatial, là. Bien, on est dans un vaisseau spatial, exactement. Tout à fait. Super voilà, sonique. Et il me fait... il m'a sorti une théorie, genre, je sais pas quoi, genre, quand t'es dans une pièce, tu peux passer d'une pièce à l'autre. Bien sûr, ça s'appelle une porte. Quelle technologie, c'est très pratique. Ouais, super. Ouais. Non, c'est pas ça, c'est en fait rentrer dans une porte, c'est-à-dire dans un placard et atterrir, je sais pas où, à Paris, par exemple. Bien vous sûr. Voyez non, non, mais c'est n'importe quoi. Et voilà, et j'aimerais bien savoir s'il y a d'autres personnes qui ont eu... Même j'ai passé le numéro pour vous essayer de l'appeler tout à l'heure, pour parler avec. Et ah bah bien ça, sûr, attends, on va l'appeler, mais plutôt deux fois qu'une. On va l'appeler, on va d'accord. lui dire, écoute, moi aussi j'ai entendu dire que tu pouvais qu'on pouvait passer d'une pièce à une autre et tout. Ah, moi oui. je veux ce truc, attends, tu rigoles ou quoi? Oui, c'est moi qui parle ou c'est vous? Non, bah écoute, attends, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, c'est moi qui parle parce que... Ouais, faut qu'elle nous présente, quoi. Ouais, présente-nous. Présente-nous, tu dis qu'on est des amis et tout. On va le faire dans quelques minutes, Nadia. En attendant, on va demander aux autres, est-ce que vous avez déjà eu des petites aventures comme ça, des petites aventures qui sont bien ou mal finies, avec des rencontres sur téléphone, internet, etc., par chat internet ou chat téléphone, peu importe. Appelez-nous 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Bon, ben reste avec nous, Nadia. D'accord. On va encore faire d'autres appels dans un instant. On va faire ça aussi avec d'autres numéros de téléphone qu'on a reçus. Donc on va faire ça d'ici quelques minutes. Alors est-ce qu'il y a un son que t'as envie d'écouter, Nadia, là, ce soir, là, comme ça, là, comme ça? Est-ce qu'il y a un son que tu kiffes plus qu'un autre? Ah oui, War Beach de Britney. De Britney Spears, d'accord. Alors une seconde. Oui. Oui, vas-y, refais-le. Oui. Ah oui. Oh, Nadia. Non. Alors, Work Bitch. Pourquoi ce titre? Est-ce qu'il y a une raison en particulier? Ben en fait, je sais pas, en fait, il est bien. Il est bien. Est-ce que c'est parce qu'il y a bitch dedans ou parce qu'il y a work? Non, du tout. Non, mais je pensais voir, je me pose des questions comme ça. Donc, pas d'idée là? Ah non, du tout, non. D'accord, ok. Eh ben on fait ça, bouge pas, il y a GTR586 qui dit waouh, le mec il vient d'une autre planète complètement. Le gars il est resté perché, je sais pas quoi, mais il faut qu'il arrête. Ah oui, il faut qu'il arrête de fumer. Il y a Lynn qui dit chat téléphonique, des mecs à ne jamais rencontrer, ça sent l'arnaque. Prince là qui dit la Bob's Picture, idée de Mickaël, super concept. Ah t'as vu hein. Il y a Lynn qui dit quand t'es dans une pièce, tu peux passer d'une pièce à l'autre, bien sûr, ça s'appelle une porte mort de rire. Bah oui, c'est vrai, j'adore les cris de Polo derrière, c'est Mr. Steven, indissociable, qui dit Mickaël passe un petit coup de pelle pour Dame s'il s'est endormi, je crois. Comment ça? Tiens, dans sa gueule, Adams. Non, mais alors, il y a John54 qui dit un petit Skrillex avec Bangarang. Après, ce serait sympa, si possible, ou Stromae. Alors, attends, il faut que je regarde si je l'ai, Skrillex. Bah, si je l'ai, je te le mets. Attends, bouge pas. Alors, bouge pas, on fait toi direct. Alors, tu connais Skrillex ou pas, toi? Moi? Nadia, ouais. Non, je vois pas du tout qui c'est. Bon, c'est un mec plutôt cool, tiens. Ah ouais, d'accord. Eh ben je l'ai, on va le mettre. Alors d'abord Britney Spears, parce que bah il y a un moment Nadia était d'abord là. Hein, tu vois exactement ce que je veux dire, donc chacun son tour. Alors le Skrillex c'est celui-là. Avec Bangarang. Ah oui, pas mal. Tu te fous de ma gueule ou tu connais vraiment? Non, je connais pas, mais pas mal. Ah. Ça va. Oh, c'est bon ça. Voilà, on va le mettre dans un instant. Mais avant ça, t'avais demandé Britney, on va te le mettre maintenant, promis. Britney merci. Spears et Work Beach. Voilà, avec pas de problème, Nadia. Et c'est toi qui as choisi le titre, hein, on t'a pas forcé au standard, rassure-moi. Eh oui. Bon, bah très bien, voilà. Bah voilà, si comme Nadia voulait écouter un son, hashtag et Mickaël maintenant sur Twitter et Britney Spears, c'est Mickaël Nolimitch qu'à 2h. Venez foutre le bordel tous les soirs. Tu me dégoûtes. No Limits. Fun Radio. Mickaël Nolimitch. On Fun Radio. On est sur Fun Radio tous les soirs, bienvenue si vous venez de débarquer, Mickaël No Limit, si vous venez de prendre le train en route, bah on est là tous les soirs, hein, du lundi au jeudi, de 23h à 2h du mat, bien entendu, hein, le train évidemment qui est piloté par Toff. Oui, je suis grand conducteur de train. Voilà, c'est avec ça. Et oui, il fait SNCF tout seul. Allez. Donc si vous venez de débarquer, eh ben, on est là tous les soirs, lundi, jeudi, 23h, 2h sur Fun, et puis tous les dimanches évidemment, entre 20h et minuit sur Fun Radio avec Mr. Steven qui dit ça va, très bon, c'est Mickaël, il appelle le gars qui vient d'un autre monde, j'ai bien envie d'écouter ça. Oui, on va le faire. Ouais. Valentin qui dit ouais, trop bien le Skrillex. Bon, on te le met dans un instant. Yann qui dit les extraterrestres sont là, il est trop con le mec. Et qu'est-ce qu'il y a aussi? Indissociable qui dit Mickaël, passe un petit coup. Ah oui, je l'ai déjà lu, autant pour moi celui de Dams là. Tony qui dit moi je ferai pas la sexbox, mais tu peux demander aussi à Valentin Mickaël. C'est vrai, je vais la lui demander dans un instant. Le prince qui dit encore 1h10 d'orgasme radiophonique. Merci le prince Nadia. John 54 qui dit le petit Skrillex, ah bah oui, il l'avait demandé, on va te le mettre. Marc Marjorie qui dit non, dans la restauration, il n'y a pas que des banques au Luxembourg. Mais ah bah tant mieux, parce que par contre on n'a pas d'oseille à déposer, mais on mais peut on venir éventuellement faim. Venir manger Marjorie à Luxembourg. Hein, donc si tu nous dis dans quoi tu travailles comme resto, on va passer. Ah bah. Hein. Est-ce que avec c'est vers plaisir. Le Kirchberg ou les trucs comme ça? Dis-nous, t'inquiète pas, on connaît. Hein, on connaît par cœur. Ah bah évidemment, qu'est-ce que tu crois, qu'est-ce que tu crois. On pèse. Bon, mais on pèse, bien sûr, exactement. En plus, il y a un grand centre commercial, là, c'est parfait. Entre l'hôpital et 163 banques, on est bien. Non mais c'est vrai, on est bien dans le centre commercial, c'est cool. Il y a le prince qui dit « J'adore, du bon son avec les petites phrases bien placées au bon moment » et Megumi qui dit « Pour savoir qui est le plus beau des animateurs radio, pas la peine de demander à Valentin, c'est Mickaël, c'est sûr. » Mais oui, mais oh, oui, beau, Megumi, mais oui, tu as tout à fait raison. Et alors Christophe qui dit salut l'équipe, toujours l'équipe police du 12e. Une collègue Sophie demande si elle peut faire la sexbox avec Toff. Elle mesure 1m68, 56kg, 90D. Bonne soirée à l'équipe. Oh bah plutôt deux fois ah cul oui, hein. Ah oui, moi quand elle veut. Mais Christophe, l'équipe de police du 12e, la dernière fois je vous avais dit passez à la radio pour mettre Toff, les menottes avec Toff. Ouais. Je vous attends toujours. Hein. Moi je veux bien que Sophie vienne me mettre les. Ah ouais, les ouais. Menottes. Donc Christophe, parce que j'ai le bras long maintenant, je connais la douane. Voilà. Pour ceux qui étaient là hier, je me suis fait arrêter avant-hier par la douane. Très gentil, les gens, ils écoutaient l'émission, donc c'était cool. Donc Christophe, viens à la radio avec Sophie là. Elle lui mettra les menottes. Ah, on va le battre. Et en plus, je crois que la police du 12e, c'est la police de mon quartier pour me ramener. En plus, t'as vu. Et puis Marjorie qui dit c'est à Bacharage, à 15 km de Luxembourgville, des avantages surtout niveau paye. Ah oui, tu m'étonnes, Marjorie. Bah écoute, si tu nous invites dans le petit restaurant, nous on vient. Bah ouais. C'est son problème. Et Vali qui dit Mickaël, tu déchires tous les jours. Bah c'est gentil, Vali. Bon, alors, on va rappeler des gens. Nadia, t'es toujours avec nous? Oui, très bien. On va donc encore rappeler 2-3 personnes, hein, histoire de passer un peu le temps, quoi. Mais oui, passe bah un peu. Voilà, ouais. C'est ça. Bon, le principe, nouvelle émission sur Channel 4 en Angleterre, qui propose en fait de coucher avec son copain ou sa copine derrière, enfin devant les caméras plutôt. Et bah le but, c'est qu'après, il y a des spécialistes qui analysent votre ébat sexuel pour vous donner des conseils. Bah oui, pour apprendre à mieux faire l'amour. Voilà. Et Nadia, qui elle n'était pas prête à y aller. Lilou qu'on a eu tout à l'heure, oui, mais Nadia non. Voilà. Très bien. Bon, on y va, on appelle un des numéros que quelqu'un nous a envoyé par le mail, hein, sandro@funradio.fr, c'est parti. Alors. Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle parce que vous avez été sélectionné pour participer à notre nouvelle émission. Bon. Oui, ça s'appelle la Sexbox. Moi ? Oui, en fait, vous allez pouvoir venir faire l'amour avec votre mari et ensuite, vous allez être débriefé par notre coach sexualité. Non, mais je suis une lesbienne, merci, bonsoir. Mais vous pouvez venir avec votre femme, madame, ça marche aussi. Ah bah oui, évidemment. Attends, on va la rappeler parce que je pense qu'elle a mal compris la fin. Petit problème téléphonique, je suppose. Je suis pute. Bon, écoutez, vous allez pas me casser les pieds, là. Non mais ben, non mais vous pouvez venir avec votre femme, il n'y a pas de problème. Non, bon, merci, au revoir. Mais de rien. Allez. Mais attendez. Non, j'attends rien du tout. Mais non, c'est moi qui... Tranquille. Oh, dis donc, elle est quand même pas agréable, Nadia. Hein. Qu'est-ce qui est désagréable? Ouais, limite. Bon, on rappelle. Allez. Oui. Maintenant, je vous raccroche, hein, d'accord? Ben, raccrochez pas. Ça suffit. Allez. On n'a pas fini de discuter. Non, j'ai pas envie de discuter avec vous. Allez. Mais bon, c'est pas gentil ça, madame. Au revoir. Mais non, pas au revoir. Ah si, là, elle veut au revoir, là. Là, elle veut au revoir complètement. Hein. Quel relou. Complètement, complètement. Bon, ben, on va faire d'autres appels encore d'ici à la fin de l'émission. Donc, si vous avez des numéros à donner à Sandro, des numéros de gens qui sont encore réveillés, enfin, qui sont réveillés tard et qui sont plutôt sanguins, n'hésitez pas. 01 Mickey. Merde, je vais y arriver. Sandro@funradio.fr. Ça va bien se passer, je vais remettre le truc à zéro là, vous inquiétez pas. Donc sandro@funradio.fr, n'hésitez pas. Et je vous rappelle que sur le Facebook, il y a toujours le... Quand on appelle ça. Le club de golf a gagné. Exclusivité. Le club de golf exclu total. Club de golf GTA 5. Ouais. Le vrai club de golf GTA 5, ça vaut $200 le truc. C'est une pièce de collection. C'est le club de golf que vous voyez dans le jeu vidéo pour péter les voitures et tout ça. Bon, le but là, évidemment, ce sera pas péter les voitures. Hein. Donc, enfin, je vous compte sur vous, évidemment. Voilà. Donc, si vous voulez le gagner, facebook.com, vous allez maintenant, vous allez sur Mickaël officiel. Vous faites un like sur la photo où je suis avec le club de golf et on fait un tirage au sort parmi ceux-là. Alors, attention également, on va vous envoyer un message privé à ceux qui ont fait un like sur le Facebook. Il va falloir répondre en donnant votre numéro de téléphone pour qu'on vous appelle en direct. Si vous ne le faites pas, trop tard. Enfin, c'est vous gagnerez pas. Bon, désolé à tous ceux qui vont voir le message demain matin en disant ah, oh, j'ai gagné. Bah non, en fait, non, on voulait ton numéro, mais tu nous l'as pas donné. Donc, j'en ai plein. Bah, j'ai bien. Genre une semaine après, ah, oh, j'avais pas vu le message. Ah oui, bah c'est con. Bah non, c'est trop tard, il est parti. Donc voilà, le club de golf GTA 5 a gagné en exclu total. On est les seuls à vous l'offrir. Vous emmerdez pas. Personne d'autre ne l'offrira jamais puisqu'il n'y en a qu'un seul. C'est pas plus compliqué. Ça limite. Voilà, c'est pièce unique. T'as vu, Nadia? Oh oui. Voilà, c'est comme toi, 97, tu es une pièce unique. Ah quand même. Ah bah écoute, après... Je dis ça. Bon, Nadia, en même temps, t'es déjà prise avec un mec super bien qui peut passer d'une pièce à l'autre sans passer par la porte. Donc, Ça, franchement, c'est trop classe. Et ça, là, on peut pas rivaliser, quoi. Oui, voilà. C'est vrai. Bon, Nadia qui nous avait appelé parce qu'elle avait rencontré un mec chelou sur Internet, soi-disant, il pouvait rentrer dans une garde-robe et se retrouver en plein milieu de Paris. Et puis rentrer dans la cuisine et se retrouver en plein milieu de Manhattan. Et s'il rentre dans le cul de Toff, il va faire quoi? Non, mais t'imagines, c'est... Ouais, déjà, ça peut sentir très mauvais. Mais c'est surtout que t'imagines le kiff. Ouais. Tu dis, bon, les mecs, je vais vite aux toilettes, hop, t'arrives sur Times Square. Il y a un film comme ça, là. C'est ouais, il y a un film, ouais. Slayer. Je sais plus lequel. Le mec, il change comme ça, en fait. Ouais, ouais, mais ça, c'est une folie, ouais. Ça peut être énorme. Je me souviens plus du titre. Ouais, je sais plus non plus, bon, enfin, on s'en fout, mais. Mais c'est pas grave, c'est pas le plus important, mais non. C'est juste que ça doit être énorme. Tu sais, télétransportation, quoi. T'es là, hop, tu changes. Tu vas en Chine, hop, ouais. Tu manges un tirez peu où, de là tu reviens ici. Tirez où, Nadia, là, si tu pouvais choisir comme ça, tu passes la porte et hop, tu te retrouves à un autre endroit. Alors, franchement, comme allez. Ça, je dirais à la Maison Blanche avec Obama. Oh. À la maison, qu'est-ce que tu irais te faire chier à la Maison Blanche? Surtout que tu es en prison. Non mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas dans le bureau Oval? Je sais pas. Eh, moi je sais. Non mais d'un coup de tête, je sais pas, j'ai dit ça. Ah bah enfin l'autre t'aurais pu dire à l'Élysée avec Hollande, hein, donc au final ça va mieux. Ouais, hein. Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Moi, c'est là comme ça, je me retrouverais bien si je passe la porte et j'irais ouais, alors New York ou Hawaï? Ah, un des deux. Ah ouais, pour la plage New York, parce que c'est quand même très particulier, c'est quand même super bien. Donc non, ça pourrait être bien. Il y a les SBFlix qui dit c'est Jumper. Ah, Jumper, ouais, le film où ça va dans tous les sens, effectivement. Ouais. Hey, il y avait quelque chose avec toi, tu vois, t'as vu elle te complète, tu la complètes et vous complétez quoi. Eh ben, je la sourirai. Ouais, bah très bien. Il y a Aurélien qui dit non merci, je suis lesbienne, mort de rire, elle m'a tué la meuf que vous venez d'appeler. Oui, c'est vrai qu'elle était drôle. Et Marjorie qui dit allez, un coup de pelle pour rester éveillée après une longue journée de boulot, t'inquiète, tiens. Voilà, dans ta gueule, Marjorie. Et Marjorie qui dit, il n'y a pas de souci, je vous attends pour venir manger. Eh, par contre, c'est rayeux parce que nous, on va venir vraiment débarquer. Hein. Mais gratos, hein. Non, mais bien sûr, on est invité, tout ça, caviar et tout le bordel. Et on emmènera Valentin. Alors qu'on n'aime pas ça, mais bon. Qu'est-ce que j'ai à dire? C'est Erika qui dit, moi, je serais d'accord pour passer devant les caméras. T'as vu, il y en a plein. Hein. Mais oui, mais quand vous voulez. Hein. Bah ouais, il y en a pas mal. J'ai 3-4 GoPro, on peut faire un truc. Ah, génial. Bon, alors, Nadia, on va appeler le mec? Oui, mais par contre, j'aimerais bien lui parler avant, genre histoire juste de voir en fait comment il parle, genre comment il va se comporter. Exactement, voilà. Ok, juste, ok. Le début et après, bon, si vous voulez intervenir, il n'y a pas. Ouais, ouais, t'inquiète pas, tu nous mets en contact. Voilà. Et nous insérerons. Voilà. Nous pénétrerons dans la conversation. Exactement. Pas de problème. En fait, on fera les va-et-vient. Un coup sera Toff, un coup sera moi, un coup sera Polo. Tu vois, on fera. Ça dépend de qui passe la porte. Ouais, voilà, ouais. C'est ça au final. Bon, allez, on y va, on l'appelle, Nadia. Nous, on est là, on est des potes, on est derrière. Hein, donc, on est. D'accord. Après le bip, ah, ben parfait. Veuillez enregistrer votre message. Bon, bah, c'est un répondeur. Comme ça, c'est parfait. Bah, attends, on va prendre Sophie en attendant qu'elle a de la Rochelle, là, qui voulait aussi donner son avis par rapport aux rencontres bizarres. Salut Sophie. Salut. Comment ça va? Salut. Ça va et vous? Bah, plutôt tranquille, tiens. T'écoutes l'émission depuis longtemps, Sophie? Ça doit faire 2 semaines. Ah ouh, tu n'as pas eu ton, ton petit message de bienvenue? Non. Mais comment ça se fait? Bah parce que j'ai pas eu l'occasion encore. Tu veux un petit message de bienvenue? Bah allez. Allez, vas-y. Va te faire enculer maintenant. Bienvenue, puis, Sophie. Oui, bienvenue Sophie. Et puis Alexis qui dit un bienvenue pour moi également, s'il te plaît. Eh ben oui, bien sûr, pas de problème. Vraiment, parce que t'as de la chance Alexis, c'est parce que vous êtes deux là en même temps, de nouveau là. Sophie et Alexis, je vous mets notre ami Carlo. Ta gueule, ta gueule, fils de pute. Enculé de ta mère. Ta mère qui a un gros clitoriste, toi. Elle t'a nommé, t'as un clitoriste sur ton front, connard. Espèce d'enculé, t'es. Ah, voilà. Bienvenue. Bah, c'est un mec qu'on avait appelé quand on vérifiait des sondages à la cour avec Toff et puis on était tombé à Charleroi et voilà. On a eu lui. Je ne sais pas absolument comment il s'appelle, mais il est tellement sympathique. Ah, j'adore. Tellement sympathique. Un accent sensuel. Mais oui. Et toi, Nadia, t'écoutes l'émission depuis combien de temps? Ah, moi, ça fait, un an. Ah, des coups de fun, parce que nous, on est là depuis 2 mois, donc, mais des coups de fun depuis un an. Ouais, mais j'ai, oui, voilà, mais très bien. J'ai toujours pas eu droit à mon, voilà. Et tu aimerais bien. Cadeau de bienvenue, ben, exactement. Et tu aimerais bien vraiment beaucoup? Ah oui. Ça t'exciterait? Très. Ouais, c'est vrai. Bon. Et oui. Alors attends une seconde, j'en ai un petit là. Rien à voir avec une proposition. Hein. T'encules, toi, ta mère, ta grand-mère. Voilà, c'était juste. Ben, merci. En fait, attends, et tu voulais un message de bienvenue, Nadia? Non, mais c'est super. Ah, voilà. Exactement ce que j'attendais. J'imagine. Bon, il y a Stéphanie qui dit si je pouvais me téléporter, j'irais dans le studio de fun avec Mickaël et tout le monde. Enfin, avec Toff, Polo, Sandro, etc. Chouchou qui dit je veux bien, bienvenue aussi, s'il te plaît, Mickaël. De retour seulement ce soir, c'est Chouchou. Oui, alors attends, Chouchou, on va te mettre. Qu'est-ce qu'on va te mettre, Chouchou? On va te mettre ça. Va te faire enculer, salope. Voilà, hop là, bienvenue, Chouchou. Enfin, re-bienvenue. Hein. Shadow qui dit Mickaël, nos limites, tu demanderas à Valentin. Oui, on va lui demander, Valentin, c'est devenu une grande star, Valentin. Et Brian qui dit salut l'équipe, il y a moyen de mettre Both avec Both. Ah ben, je l'ai déjà mis, il y a moins d'une heure, le Both avec Both. Mais on m'avait demandé Skrillex. Et celui-là, il va débarquer dans quelques instants. Et puis Kamel qui me dit, donne-moi un coup de pelle, bordel. Tiens, Kamelou. Voilà. Bon, alors, Sophie, c'est quoi ton histoire, toi, par rapport aux rencontres sur Internet? Bah en fait, moi, il y a un an, j'ai fait la connaissance d'un mec, en fait, sur Facebook. Ouais. Et bah, à chaque fois que je le vois, en fait, il me dit qu'il est en prison, qu'il est à l'hôpital. Enfin, voilà. Ah oui, ouais, c'est un mythomane. C'est facile de dire que t'es en prison, voilà. En plus, tu vois. C'est... Oui, oui, en plus, avec Facebook. c'est hyper simple. Pratique. Bah, voilà. Et en plus, quand il m'appelle, il me dit qu'il est en prison et il m'appelle avec son portable. Donc, voilà. La normal logique. Non mais c'est ça, ouais, il y a des moments où il dit bah je suis à la plage là, on avait une perme aujourd'hui donc. Mais c'est possible, les grands cons. Il y en a plein qui ont des portables. Non, les grands caïds ont des téléphones, hein. Ils se les font passer par des. Ouais, des les grands caïds, ouais. Et l'autre d'accord. C'est une merde donc. Ouais, on sait pas. Mais t'as coupé contact avec lui, Sophie, quand même, rassure-moi. Je suis Toff, TOPH. Est-ce que t'as coupé les contacts avec lui? Ben non, toujours pas en fait. Non mais vas-y, viens-le de tes amis, Sophie, si tu traînes avec ça. Non mais le mec c'est un psycho, c'est un psycho, laisse tomber. On organise un combat avec Toff, tu vois. Toff. Ah ouais, bien sûr. Et en plus moi je suis équipé pour l'instant, j'ai encore mon club de golf GTA 5 pour démonter la tête des gens. Donc, si tu organises un combat avec Toff, c'est simple, Toff ne viendra pas. Hein. C'est vrai. Il y a de fortes chances. Ou j'irai en prison. Il y a de, oui, il vaut mieux, ouais. En prison à vie, il ne voudra plus sortir. Bon, et du coup, Sophie, quel âge il a lui? Ben il me dit en fait qu'il a 19 ans. 19 ans, mais, d'accord. En fait, quand mes potes elles entendent sa voix, eh ben, en fait, soit c'est une meuf, soit il a 12 ans, soit, enfin voilà. Non mais en plus c'est un mytho. De toute façon, soit c'est un psycho dans sa tête et il faut le dégager, soit c'est un mytho et il faut le dégager. Donc Sophie, bon, vas-y, vire-le. Non mais c'est vrai. Non mais dans les deux cas, faut le virer, il sert à rien le mec. Enfin, moi, je suis rentrée dans un jeu, hein. C'est juste pour garder un petit moment parce que je voulais tellement vous faire partager ça. Mais sinon, voilà, quoi, je l'aurais recalé direct. Quoi. Non, d'accord. Mais t'inquiète pas, Nadia, hein. Si on n'arrive pas à le joindre ce soir, on remettra le couvert demain soir, on essaiera plus tôt. Ça va, on va rester encore un coup, on sait jamais. D'accord. Après le bip. Merde. Oh. Oh, fuck. Bon, bah tant pis. Bon, bah merci Sophie d'être passée en tout cas. Bah, de rien. Et puis, je te fais des gros bisous, hein. C'est possible d'avoir un cadeau? Oui, on va te filer un pack fun, tu vas gérer ça avec Sandro. Ok. Salut Sophie! Salut! Ciao, bye bye! Bon, bah Nadia, reste encore un petit peu avec nous, tiens, on va prendre aussi Fred là. Putain, j'avais complètement oublié Fred. Excuse-moi. Non, mais vraiment. Je suis là. Et quand je vous oublie dans le standard, criez, hein, comme ça je vous vois. Non, mais c'est vrai, j'avais complètement oublié. Bon, c'est la colle maintenant, Fred, tu vas peut-être repartir avec la PlayStation 3. En même temps, Fred il disait rien parce qu'il dit. Plus c'est tard, moins les gens ont de chances de décrocher. Non, j'ai écouté en même temps. Oui, mais justement, Fred, là, t'as plus de chances de gagner vu qu'il est déjà plus tard. Ah bah, on verra bien. La personne qu'on a sélectionnée va peut-être pas répondre parce qu'elle dort, tu vois. C'est tout ce que j'espère. Bah, tu m'étonnes. Bon, la PlayStation 3 et le jeu Beyond Two Souls qu'on vous offre, un jeu. En exclusivité. Voilà. Bon. On y va, c'est parti, on appelle, Nadia reste avec nous. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche et qu'elle a la bonne réponse, elle gagne. Si elle ne décroche pas ou qu'elle a la mauvaise réponse, tu gagnes, Fred, d'accord? Ok. C'est parti. Allez, c'est parti. Et tirage au sort, on exclut pour le club. Hein. Pour le club de golf. Sur le Facebook. Allô? Oui, allô? Ouais. Ouais. Bien ou bien? Ça va et toi? Tranquille, c'est quoi ton prénom? Alexis, t'es sur Fun Radio, Alexis, c'est Mickaël. Et il y a Fred qui a une colle à te poser. Ouais. Eh ben vas-y Fred. Alors, qu'est-ce qui est rond, poilu et toujours mouillé? Un œil. Non, c'est pas la réponse exacte. Si. Comment ça, c'est pas la réponse exacte? C'est quoi la réponse exacte? Il veut l'œil bande d'obsédé. Non, non, non, non, frère, t'es sérieux là? Même pas en rêve. Non, j'ai oublié. Bah, bien sûr. Bon, comment tu t'appelles encore? Mais j'ai oublié. Alexis, c'est ça? Alexis, ouais, c'est Alexis. Un dissociable sur Twitter. De quoi? C'est indissociable sur Twitter. Indissociable, bah voilà, très bien. Bah bravo à toi, indissociable sur Twitter, là, Alexis. La PlayStation 3 et le jeu Beyond Two Souls qui va arriver chez toi rapidement. Bah avec plaisir, avec plaisir. Je peux faire une petite dédie? Ouais, juste avant, j'aimerais que tu me rendes service, Alexis. Indissociable sur Twitter. Quand tu vas recevoir ta console, est-ce parce que les gens iront alors, vous offrez des cadeaux et comme par hasard personne fait de photo de cadeaux qu'il reçoit. Donc est-ce ça que marche, tu peux prendre une photo avec ta gueule et la mettre sur le Twitter pour montrer à tous ces connards que les cadeaux, voilà, que les cadeaux qu'on offre, on les offre vraiment nous. D'accord. Il n'y a pas de souci, je la mettrai sur Twitter et sur Facebook. Bon bah parfait, je te fais confiance, Alexis. Il n'y a pas de souci. Bon vas-y pour la dédicace, vas-y. Je fais une dédicace à Dame Snartic qui voulait que je lui fasse une dédicace. Ah bah, il est en train de roupiller là, t'emmerde pas. Non, c'est bon, il dort pas. Ah il s'est réveillé là, c'est le coup de pelle que j'ai mis dans la gueule qui a dû le réveiller. Ouais, c'est sûr, c'est ça. Très bien. Eh bah c'est tout alors? Ouais bah c'est bon. Bah parfait, bah écoute, amuse-toi bien avec Beyond Two Souls, un jeu qu'on t'offre en exclusivité. Voilà. Bon salut cool, Alexis. Merci. Allez, ciao à toi. Bye. Bon Nadia. Oui. Bon du coup tu restes encore un peu avec nous là ou t'es occupée là? Ah volontiers, y'a pas de soucis. Bon bah voilà, bah très bien, bah reste encore un petit peu avec nous alors parfait. Fred, malheureusement toi t'as perdu, hein, tu retournes chez ta mère les mains vides. Y'a moyen de gratter un petit truc ou quoi? Bah ton dos, ouais. Voilà, non, Fred. Lance-flamme. De quoi? Lance-flamme avec plaisir. Non, mais un petit cadeau, y'a moyen ou pas? Voilà, et on va te filer un pack fun, allez. Allez. Voilà, je t'en prie. Salut Fred. Allez, salut. Allez, ciao à toi. Bon, on aura Nicolas aussi dans un instant. Salut Nico. Salut. Comment ça va? Ça va nickel. Tranquille. Bon, t'appelles pourquoi toi? 18 ans de Cernac dans le Gard. Ouais voilà c'est ça. Bon, en fait j'appelle parce que en fait on a fait croire à une meuf et tout que je voulais sortir avec et tout mais qu'il y avait ma copine à côté. Et j'ai compris. Genre en fait on a appelé une fille et tout parce qu'elle était trop cramée de moi. Ouais. Et en fait, juste à côté il y a ma copine et tout et puis elle commence à me dire je t'aime mon amour et tout. Ouais, ça fait une semaine qu'on lui fait croire et c'est sa meilleure mais amie. Tu fais mais croire à qui? À ta copine ou à l'autre? Non, c'est non, la meilleure amie de sa copine. Ouais, la meilleure amie de sa copine et que je pense va être son ex-meilleure amie. Nadia, t'as compris un truc ou c'est moi qui suis pas? C'est vraiment... Moi j'ai compris, mais c'est méchant quand même. Ah, la meuf, elle doit être... Bon, c'est moi qui dois être con alors. Non, non, mais parce qu'en fait, je t'explique, en fait, lui et sa copine, ils font une blague à une meuf. Cette meuf, elle est amoureuse de lui, d'accord? De lui, et là, ils sont en train de se foutre de sa gueule. Voilà. D'accord, oui, c'est mal, Nicolas, c'est pas bien. C'est pas bien, Non, mais en fait, c'était pour savoir vraiment si elle pouvait compter vraiment sur sa pote, mais à mon avis, je vois que non. Bon, écoute, on en parle dans un instant. Nicolas, Nadia, vous restez avec nous tous les deux, Nicolas, Nadia. On l'avait demandé tout à l'heure sur le Twitter avec le hashtag Amical, le son de Skrillex avec Bangarang. Et ben, on va se le mettre maintenant, tiens, sur Fun Radio. Allez, 1h09, on est en direct sur Fun jusqu'à 2h. Venez nombreux et nombreuses, Amical officiel sur Facebook et Twitter, on vous attend. Elle va te faire enculer au clochard. Fun Radio. Mickaël, nos limites, nos limites. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Ouais, c'est un auditeur qui avait demandé sur le Twitter tout à l'heure avec le hashtag Mickaël, Skrillex avec Bangarang. Et bah voilà, on vient de le mettre. Je vous cale aussi dans un instant Back Your Mat sur Fun Radio. Avec Vandag, le son hollandais, hein, Vandag, qu'on écoute dans quelques instants. Si vous voulez écouter encore les sons, là, bah, maniez-vous, hein, parce qu'il reste plus beaucoup de place, là, puisque on termine dans trois quarts d'heure. Et bah, vous envoyez tout simplement votre message avec le hashtag Mickaël sur Twitter. N'hésitez pas, on salue d'ailleurs aussi tous ceux qui nous rejoignent. Je vous rappelle que si vous êtes nouveau sur le Twitter, et bah, si vous me faites un follow, et bien moi aussi, je vous follow back par derrière, surtout les filles. Bon, les mecs, ce sera un follow back normal, hein, y a que les filles, ce sera par derrière. Donc, Lilou qui dit Skrillex, je mouille. Bah, écoute, tant mieux, Lilou, si on peut rendre service, nous. Y a quoi aussi, Christophe qui dit voilà le numéro à appeler, 06, vous allez le contacter ou pas pour savoir si on continue à écouter ou si on fait nos contrôles routiers. Avec Christophe c'est la police. Bah on va l'appeler maintenant, attends une seconde. Bon alors attends.

Ah, non. Bah, tu vois, tu proposes plus que ça, mais tu t'arrêtes, c'est dommage. De toute façon, on s'en fout, dès qu'ils arrivent, on prend le jet privé, on se barre. Ah bah bien sûr, il est prêt, t'inquiète pas. Hop. Ah bon, ouais. Voilà, on est à Nice. On arrive directement du côté de Nîmes. D'accord, Rogers. Voilà, c'est ça. Tu vois, on serait directement vers chez Nadia, tout ça, tranquille, quoi. Bon, ouais. Bah oui, mais c'est vrai. Bon, attends, retour avec Nicole en attendant que la police débarque pour arrêter Toff, là, en direct live. Ça pourrait être drôle, ça. Ah ouais. On a des nouvelles encore des collègues, là Je sais pas, attends, faut que je regarde dans les messages. Les collègues de la police, là, est-ce que vous pouvez renvoyer un petit message pour voir un petit peu comment ça se passe, où vous vous trouvez? Ça se trouve, ils ont découpé, ou alors ils ont balancé chez le mec. Oh, bah, c'est Toff, en fait, c'est à fun. On l'a trouvé, attends, on va l'arrêter directement, ce connard, là. Attends une seconde, on envoie la patrouille. Bon, Nicolas, donc toi, tu nous avais dit que, en fait, t'avais donc t'as une meuf. Ouais, voilà, c'est ça. Cette meuf a une amie. Oui, c'est ça. Et tu lui fais croire, enfin, vous lui faites croire avec tes potes que t'es en kiff sur cette amie. Voilà, c'est ça. Voilà. Exactement. Alors qu'elle était vraiment en kiff sur toi. Ouais, vraiment. T'es vraiment en cul, Nicolas. Merci. Ah non, mais c'est vrai, c'est pas bien. Il dit merci, t'es. Bah oui, il dit merci. D'ailleurs, d'ailleurs. Non, mais ça va, c'est pour rigoler, tranquille. Non, d'ailleurs, Nicolas, t'écoutes l'émission depuis longtemps ou pas? Ah bah oui, ça fait depuis 10h, enfin 22h. Non, mais... Non mais dans l'absolu, depuis combien de jours, semaines, mois, je sais pas. Hein? Depuis longtemps. D'accord, ok. Parce qu'on a un message pour et toi. Oui, parce que... Il va te faire enculer, Cola. Voilà. C'était un message de bienvenue, Nicolas. Bon, ah, d'accord, merci. Avec plaisir. Mais je suis passé une fois aussi à la radio, mais il y a quoi, il y a 2-3 ans. Ah oui, bah à l'époque on était pas là. Il y a 5 ans. Ah oui, bah ah ouais. T'es encore moins là, c'est pour te dire. Mais c'est pas grave, tu repasses, Nico, c'est pas grave. Bon, oui, alors Nico, bon, et du coup, forcément, là, la meuf, elle le vit mal, parce qu'elle le sait ou elle le sait pas encore que vous êtes foutu de sa gueule? Ben, je pense qu'elle a écouté Fun Radio et je pense qu'elle le sait maintenant, mais c'est pas grave. Ah oui, bah c'est plié, bah tu veux qu'on l'appelle? Non mais, sois quand même un minimum gentleman, déjà que t'étais un connard avant. C'est ça, sois diplomate, quoi. Non mais voilà, d'accord. C'est ça. Mais comment c'est venu cette histoire? Comment c'est venu cette espèce de délire à la con? Bah, en fait, c'est un collègue à moi qui a monté le coup. Ouais. Et puis, bah, du coup, en fait, bah, il m'a mis dedans et voilà. Ah, toi, t'es une victime. Ouais, voilà, en fait. Ah, là, d'accord. Non, okay. Je suis pas une victime, il est à côté de moi. Après, il va parler aussi. D'accord, ok, très bien. Nadia, qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu te rends compte que le mec sur qui t'es en train de kiffer et qui te fait croire qu'il kiffe sur toi aussi, en fait, se fout de ta gueule? Ah, ben moi, je me venge. Ah oui. Qu'est-ce que tu ferais, Nadia? Ah, je sais pas, mais je me venge. Je sais pas ce que j'aurais fait, mais... Tu te venges. Il faut que je fasse un truc. D'accord. Ah oui, non, mais surtout si le mec... Ah oui, non. Ah ouais, toi, t'as l'air... Oh, et ça t'est pas arrivé, Nadia, hein, t'inquiète pas. Hein. Enfin, a priori, en tout cas. Tu as vu comment t'as l'air déjà énervé alors qu'il ne s'est rien passé encore. Je me dis, putain, le mec qui lui fait ça, je pense qu'il prend, mais alors très très cher. Bon, bah écoute, on va l'appeler Nicolas. Il y a juste quelques messages qui sont arrivés. Stéphanini sur le Twitter qui dit le bug de Toff quand le mec lui dit que c'était les RG, je vais pas m'en remettre. Il a eu peur, elle est pissée dans son franc, il a la plante sous la chaise. C'est vrai. Il y a Eric qui dit lol, énorme l'appel. Lynn qui dit y a moyen de gratter un truc. Ouais, ton dos, tu m'as tué. Oui, ouais, c'est vrai. Et Chouchou qui dit il m'en faut peu pour avoir le smile et être heureux. Je retrouve enfin Mickaël, Sandro, Toff, Polo, et ça refait ma soirée. Bah, c'est le principal, chouchou. Quoi d'autre aussi? Let's Be Freaks qui dit je lâche jamais rien car une fois il m'avait promis une levrette et je l'attends depuis. C'est vrai, je suis témoin de ça d'ailleurs. Je me souviens qu'effectivement nous faisions une émission de radio et Toff avait promis à Let's Be Freaks une levrette. Ouais, ça, elle l'attend. Ouais. Et elle l'attend. Mais tu l'auras, Let's Be Freaks, on va s'arranger. Car Toff est quelqu'un de parole. Exactement, il n'a qu'une parole. Ouais. Non, moi je suis un mytho. Ouais. C'est ça, ouais. Et il y a Swazik qui dit, moi il y a un mec sur Miss 34, il voulait que je sois une mère porteuse pour son gosse. C'est vraiment chelou, c'est clair. Boris qui dit, et moi pour le message de bienvenue, j'ai droit à quoi? Bah, t'as droit à ça, toi. T'as droit à ça. Tu te le mets dans le cul, c'est bon maintenant? Voilà, il y a Miss Mello aussi qui dit, petite insulte à la ch'ti qui me rend fier de mes origines. Peux-tu passer Linkin Park s'il te plaît? Bisous à tous, c'est Mélodie. Ah bah oui, c'est vrai qu'on l'avait pas encore mis ce soir, le son Linkin Park. Son Linkin Park avec Steve Aoki que je vous ai fait découvrir et on va te le mettre dans quelques instants. Hop là, voilà, il est calé. On va te le passer tout à l'heure. Bon, Nicolas, on y va, on l'appelle? Allez, c'est parti, on l'appelle. Allez, tu vas lui dire quoi? Sois pas méchant, non. Non, je vais pas être méchant. Après, je vais lui dire j'ai une amie d'enfance à te passer, tu vas voir. Et je vais lui passer ma copine. D'accord, bon, allez, c'est parti, on y va. Et avec notre bol, ça va être le rebondeur, tu vas voir, comme depuis tout à l'heure. Hein. On a que la poisse pour l'instant. Non, ça commence bien. Allez. Voyons voir. Allô? Allô, Sarah? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as touché. Rien, toi. Je me caresse en pensant à toi. T'es pas endormi, tu t'en? Non. Ça va, t'as écouté de la musique? Ouais, c'est ça. Ah, ça, c'est ça de... J'écoutais la radio. Ouais. T'écoutes quoi? Vas-y, passe-moi ton ami d'enfance. Ouais. Ah bien fait pour ta gueule, Nicolas. Ta gueule. Je l'attends avec impatience. Maureen, mon ami d'enfant. Ouais. Maureen, t'as vu, nous on a été gentils, on a dit que c'était un sale connard. Ouais, bah t'as bien raison. Tiens. Ah bah j'ai bien c'est fait. C'est Sarah ou Maureen en fait? Non là c'est Maureen, c'est Maureen ou c'est ah non attends. Là, c'est Sarah. Maureen. C'est Maureen. D'accord, mais il a dit Sarah, c'est Maureen. Il a dit Sarah. Ouais. Bah tu veux que je te passe ton ami d'enfant quand t'étais en vas-y, première avec? Passe la main. D'accord. Attends, j'ai un message pour Nicolas. Bah, ferme ta gueule, gros bâtard. Voilà. j'en ai un autre de la passe de la part de Maureen. Vas-y, va te faire enculer, Cola. Voilà. Moi, bon, je te passe ta meilleure amie. Oui, ouais, vas-y. Je préviens juste que je reste pas longtemps, ok, parce que j'ai pas le temps à perdre avec des gamineries pareilles, ok. Non mais t'as oui, raison, bon, Maureen. On te laisse pas faire, Maureen. T'as raison, Maureen. Vas-y. Il est avec allô, un crito sur son front. Bah qu'est-ce qu'il y a à toi? C'est comme ça que tu règles tes trucs pour voir si j'aime ton mec? Par de quoi? Ah ouais, ça fait une semaine que vous vous foutez de ma gueule, alors que depuis aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, j'y croyais pas à votre histoire de merde. C'est comme ça que vous me prenez pour une conne, alors que depuis toujours j'ai été là pour vous. Hein? Toujours, hein? Qui c'est qui a toujours été là pour vous soutenir, pour essayer d'être avec vous et tout? Hein? Qui c'est que vous avez hébergé comme on faisait la fête et tout? Hein? Hein? Attends. T'as voulu voir quoi? Que j'aimais ton mec? Ouais, ton gadjo là? Attends, c'était juste un pote, hein. Comme ça, t'étais ma meilleure amie, ok? Depuis le CM2, on est potes, ok? C'est comme ça que ouais, tu... Ouais, ma meilleure amie d'enfance. Vas-y, je t'écoute maintenant, vas-y, défends-toi. Ouais, mais attends, on t'a fait croire il y a une semaine et ça y est, tu lui dis je t'aime, non. Attends, il me dit je t'aime, il me dit des trucs comme ça, et moi je lui disais quoi? Je lui dis ok, je t'aime. Mais attends, moi, tout à l'heure quand tu m'as appelé par téléphone, hein, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit que j'y croyais pas, je t'ai dit que c'était pas possible, j'ai dit que vous étiez fait l'un pour l'autre, j'ai dit que même moi j'y croyais pas, que je voulais pas me mettre avec lui par rapport à toi parce que t'étais ma pote. T'as vu ce que tu me fais après? Dans le cul là. Ouais, mais tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que pour toi c'était un rêve irréalisable qui se réalisait. Et ben voilà, et ben même pas, ça serait un rêve parce que, attends, oui, il est beau, ok. Et alors, c'est ton cadeau, je l'avais bien encadré, hein. T'inquiète, pas besoin de me faire le couteau dans le dos, hein. T'inquiète, hein, je sais que toi les mecs, ils pleuvent comme ça, hein. J'en ai rien à foutre, hein. Attends, tu lèches le cul à tout le monde, c'est pas de ma faute, hein. Je pense que tout est dit. Maureen, t'as quel âge? J'ai 16 ans. 16 ans. Et toi, t'as quel âge, la meilleure amie, là? Enfin, l'ex-meilleure amie? 17, d'accord, ok, très bien. Bon, c'est quand même con ce que t'as fait, la meilleure amie, là. Comment tu t'appelles, d'ailleurs, j'ai oublié. Non, mais elle a pas d'argument, parce que, justement, elle essaie de m'enfoncer par radio, alors qu'elle est pas capable de régler ça en face, alors que j'ai rien fait. Non, mais c'est con, vous étiez amis depuis tellement longtemps, pourquoi t'as fait ça? Comment tu t'appelles, la meilleure amie? Elsa, pourquoi t'as fait ça, Elsa? Bah, pour voir si je pouvais compter sur elle. Ah bah ouais, attends, bah, là maintenant tu... depuis toujours tu peux compter sur moi, tu te fous de ma gueule là? Attends, tu te fous de ma gueule? Depuis toujours tu comptes sur moi? Et après là, c'est toi qui me fous dans les bras de ton mec, tu te fous de ma gueule? Alors que moi très bien tout à l'heure je t'ai dit non, je veux pas faire ça par rapport à toi, t'es folle toi. Déjà c'est Kevin qui a monté le plan, ok? Ouais. Ok, alors bravo à Kevin, et alors j'en ai rien à foutre. C'est pas Kevin qui va foutre en l'air nos 6 ans d'amitié, tu te fous de ma gueule là? Non, bah là, c'est Elsa qui l'a fait, hein. Ouais, non, mais je m'en fous, quoi. Attends, je sais pas, ouais, tu réfléchis 2 secondes, je sais pas. Bon, en tout cas, tu veux la clasher, mais personnellement, au tout début, quand on t'a appelé, je t'ai dit, je vais déménager avec Elsa à Junas. Oui, non, mais là... Ah, c'est cool, que... et après, Kevin, il t'a fait croire ça, c'est parti. Hein. Non, mais tu sais que ça, je l'ai encadré, sauf que après, j'avais pas compris, parce que c'est pour ça qu'hier... T'as qu'à le demander à Valentin. Oui, c'est vrai. Non, mais... Ouais, je vais bon, Maureen. Ouais. Maureen, bon après vous pouvez laisser épicer le truc et puis Elsa c'est con, hein. Qu'est-ce que c'est con ce que vous avez fait? Et n'oublie pas Elsa, dans ta vie un mec t'en auras des millions, tu vois ce que je veux dire, mais une meilleure amie t'en auras qu'une, voilà. Voire pas du tout, hein. Tu peux aller te faire foutre, tu le demanderas à Valentin. Voilà, c'est peut-être une idée aussi, c'est peut-être une solution, c'est peut-être ouais, une solution. Tu demanderas à Dylan Perrot, celui qui a deux dents sur les stars, hein, ok? Alors ta gueule. Deux dents sur les stars. Excuse-moi, tu iras voir ton petit fan là, le mini, le nain, hein, connu de la police, ok? Tu iras voir ton petit arabe là, ok? Alors, non, mais calme-toi. Oui, calme-toi. Et en même temps, Elsa. Calme-toi. Calme-toi, moi, personne t'attaque. Radio, là. Ouais, mais nous, de l'extérieur, si tu veux, c'est quand même toi qui as foutu la merde, Elsa. Donc, quand même un peu gonflé d'attaquer après Maureen qui elle s'est fait avoir là pendant une semaine, la pauvre. Donc c'est normal qu'elle l'ait mal vécu, mets-toi à sa place. Bah ouais, mais non. Bah oui. Attends, à la base, c'est Kevin qui a créé l'histoire. Ouais, mais toi t'as suivi dedans, c'est pareil. Attends, t'es un mouton de panure, tu suis les autres, c'est ça? Je t'en cul. Oh, pardon. Tu te fous de ma gueule? Alors là. Non mais attends, surveille comment t'as tu passes quand même. Elsa, tais-toi, t'as pas d'argument là. Mais non, mais de toute façon. Elsa, tu m'as jamais vu énervé, mais si tu veux me voir énervé, mais tu viens en face. Ouais, vas-y. Mais de toute façon, vous allez vous voir. Hein. Si vous voulez, je peux vous offrir le club de golf. Ouais, non, je plaisante. Elle aussi perd pas le nord, j'espère. Ah bah non, elle perd pas le nord. Bah, on aura bien pu t'en offrir un, mais il faut 18 ans pour le voir. Ah putain. Pour ça que je t'ai demandé ton âge. Je reviendrai dans 2 ans. Bah d'accord, parce qu'on avait des sextoys à filer, mais bon. Bon, bah du coup, Elsa et Maureen, bon, et faites-vous un gros bisou. Faites-vous un gros bisou. Allez. Tu me dois pas mal, hein, Elsa, au fait. Franchement, il va raccrocher. Bah oui, on va rappeler, on verra bien. Il faut laisser pisser quelques jours. Bon, allez, gros bisous, les filles. Okay. Ouais, gros bisous. Allez, et bon, Maureen, reste là, on va quand même te filer un pack fun. Merci. Je te fais des bisous. Tu peux faire une dédicace ou pas? Allez, vas-y, t'auras gagné ça au moins. Ok, dédicace à Faustine, ma chérie que j'aime, et puis voilà. Bah, très bien. Eh ben, le message est passé, Maureen. Gros bisous à toi, à bientôt et bonne nuit. Bisous. Allez, ciao à toi, bye bye. Oh là là, quelle histoire, Nadia. Quelle histoire. Et pendant ce temps-là, il se la ramène, Polo, là, il fait des photos avec le club de golf. Parce qu'il sait que dans une demi-heure, on va l'offrir et qu'il l'aura plus. Donc, ouais, du coup, il se la ramène. C'est quand même assez dur, ça, quand même. C'est très, très dur. Let's be free, tu m'as plié avec l'histoire de Levrette, Mickaël. Et t'as vu, il tient pas ses promesses, Toff. Monsieur préfère sa maman au sexe. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Toff? Ah. Bah parce que ça revient là, pas rien, c'est qu'il a dû dire ah non, je dois aller voir ma mère, voilà, à la place de te baiser, et puis voilà quoi, ah, c'est ça. Ah bah c'est ça qui s'est passé, va t'emmerder pas, on a compris. Bon, allez, on se fait péter maintenant le son de Linkin Park sur Fun Radio, Lie That Never Come. Et puis bah Nadia, puisque là tu restes encore avec nous, on va encore faire des appels, tout ça dans un instant. Mais oui. Bah très bien, parfait, bah voilà. Et puis on va de quoi parler, je sais même plus maintenant, tiens du coup. Ah oui, des rencontres sur internet. Oui. Si vous avez déjà fait des rencontres un peu bizarres sur internet, 01 42 48 5000 pour nous appeler. Donc vous soyez en France, ça fonctionne. Et si vous êtes en Belgique, eh ben donc vous soyez en Belgique, 02 851 4x0. Est-ce que vous avez déjà fait des rencontres sur internet? Comment ça s'est passé? Bien, mal? Dites-nous tout, les filles, appelez-nous, les mecs, appelez-nous. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Le son de Linkin Park, ça te branche? Nadia? Oui, c'est toi que je parle. Linkin Park et Steve Aoki, ça te branche? Ah oui, j'aime trop. Oh oui, très bien. Eh bien, on va te le mettre maintenant, tiens, c'est parti. A Light That Never Comes sur Fun Radio, il est 1h31, on a encore 30 minutes ensemble. Bienvenue tout le monde si vous débarquez. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Bah oui, venez, prenez contrôle de Fun Radio. On est là tous les soirs en direct avec Nadia, le retour dans un instant. Tiens, t'écoutais l'émission Nadia hier ou pas? Oui, un peu, oui. T'as écouté le chéri, je peux te faire cocu? Oui, j'ai entendu. Ah, très bien, parce qu'il y en a qui nous demandaient de le remettre. Alors on va vous le remettre maintenant, un extrait en tout cas, enfin un morceau. On l'a redécoupé évidemment pour qu'il soit moins long. Et donc du coup, si vous voulez jouer, on remet le couvert lundi, hein, si vous voulez jouer avec nous pour gagner vos casques, les casques merde, j'ai oublié Margot. Focal. Ah oui, Focal, voilà, c'est ça. Donc marque Focal, donc les casques audio qui valent quand même 200€. Eh ben, il faut vous inscrire maintenant. Voilà, vous envoyez un mail à sandro@funradio.fr pour jouer au chéri, je peux te faire cocu. Le principe est simple, bah vous appelez, donc si vous êtes une fille par exemple, vous nous appelez, on appelle votre mec, vous lui dites que bah vous avez rencontré un mec charmant, c'est-à-dire moi, Michel, hein, voilà, et donc bah ce Michel vous a proposé de coucher avec vous juste un soir, et que bah comme vous êtes quelqu'un de sympa et comme quelqu'un d'honnête, vous lui demandez soit permission, en gros c'est ça. Et donc du coup bah ça avait donné ça hier soir. Alors écoutez ça et on revient après avec toi, Nadia, et j'ai une petite surprise pour toi après, Nadia. Oh super. T'as vu un peu la grande classe, ne bouge pas de là, tu parti, vas-y. Allez, c'est parti, c'était Pauline. Andy? Oui. Ouais, en fait, je t'appelle parce que la semaine dernière, j'ai rencontré quelqu'un. Ouais. Et tout à l'heure, je t'ai dit que sortait. Et en fait, bah, c'est juste pour dire que, bah, en fait, j'étais chez lui. Comment ça, t'es chez lui? Bah, voilà, quoi. Je suis avec lui à ce moment-là, et voilà. T'es avec lui? Bah, ouais. J'avais un peu peur par action, j'avais peur de tout ça, donc je n'ai pas pu le dire, et voilà. Pourquoi t'es chez lui? On va faire un puzzle. Oh là là. Ouais, voilà, on va faire un uno. C'est lui. Bah, après, voilà, je sais pas trop quoi te dire. Je suis chez lui, et après, ça va pas te comprendre. Hein. Et ça, je dois comprendre quoi?

Bah elle va bien, mais excuse-toi et on oublie tout. Ouais, tout à fait, je me suis dit, ouais, tout à fait. T'as eu la verge, toi. Bah non, mais par contre, elle va voir ma verge, avant face à l'autre problème. Bon, mais allez. Donc, je suis lui. Mais excuse-toi et on oublie tout et on fait rien, voilà. Et genre, mais je vais te tuer, non. Mais déjà, non, mais... Déjà, toi aussi, quand tu vas rentrer. Bon, alors, Andy, donc tu préfères que je me tape ta meuf ce soir plutôt que tu me dises, ok, c'est bon, je m'excuse Michel, pas de problème, merci, au revoir, adieu, et puis on en parle plus. Non, je préfère juste démonter ta gueule. Non, mais oui, mais le problème, c'est que si ça, ce qui n'arrivera pas de toute façon, mais bon, ça voudra dire, que je me tape ta meuf quand même. Donc, tu préfères que je me la tape. Là, je peux rien faire. Mais si, si, t'as juste à me dire, ok, c'est bon, je m'excuse, Michel, pas de problème, allez, à plus. Et basta, terminé. Hop. Va voir les excuses. Voilà, allez, excuse-toi. Là, je t'enculer, tu vas voir les excuses. Allez, excuse-toi. Oh là là. Vas-y. Connard, va. Ah, en plus, t'en rajoutes. Allez. Ça fait deux fois que tu le repasses. Excuse-toi. Connard, va. Ça fait trois fois maintenant. Connard, va. Ah, tu peux continuer, hein. Ah, bon, si tu veux, bon, après, pas de problème. Bon, tu veux pas t'excuser, alors? Tu veux pas t'excuser? Mais t'es dingue, toi. Mais non, mais excuse-toi et on arrête là, c'est tout, c'est terminé. Tu me dis que tu vas te taper ma copine et je m'excuse. Ben justement, parce que tu m'as insulté, tu m'as mal parlé deux, trois fois. Donc c'est pour ça, excuse-toi, je mets ta copine dans un taxi et il se passe rien. Voilà, hop, elle rentre à la maison, hop, ni vu ni connu. Ni vu ni connu, mais si, toi, je vais te connaître, toi. Bon, elle m'a déjà fait on va dire c'est les préliminaires, ça compte pas. Tu vas finir les préliminaires. Attends, je vais te connaître, moi. Bon, Andy. Quoi? Tu veux pas t'excuser, t'es sûr? Bien sûr, je suis sûr. Ah, t'as cru quoi? T'as vu, Pauline, il devrait s'excuser, t'es d'accord avec moi? Ouais. Ah, ouais, d'accord. Ouais, attends, t'as manqué de respect en même temps. Ouais, envers Michel, et ça se fait pas. Là, c'est pas du manque de respect, ça, peut-être. Non, et ça se fait pas. Et ça se fait pas du tout. On demande l'autorisation avant. Bon, Andy. Nous avons l'autorisation du Andy mec. Oh! Ta gueule. Oh! Concrètement, ferme-la. Oh! Une carte ici. Quoi, oh? T'es en direct sur Fun Radio. Oh là là, c'est une vanne. Si on peut plus rire 5 minutes maintenant. Oh là là. Mais arrête, de quoi, tu crois que je vais rire avec toi? Mais oui, mais t'es oui. Sur Fun Radio, il s'est rien passé, Pauline est chez sa mère là. T'es chez ta mère, Pauline? Mais oui, je suis chez ma mère. Voilà, c'était le chéri, je peux te faire cocu d'hier. Hey. Donc si vous. Hey. Oh. Oh. Oh ouais. Voilà, donc si vous voulez vous aussi jouer, même chose, hein, on remet le couvert de... pas demain, mais lundi. Vous pouvez vous inscrire, il y a des casques Focal à gagner, ça vaut 200€. Vous envoyez simplement maintenant un petit message à Sandro avec votre numéro de téléphone. Vous mettez cocu ou chéri, je peux te faire cocu dans l'objet. Vous envoyez ça à sandro@funradio.fr. Il y a Tony qui dit, cet appel me fait pleurer de rire. Mickaël, exact, j'écoute depuis pas longtemps, de mieux en mieux, les trois forts. Mickaël continue comme ça, c'est Yvan. Mais merci Yvan, c'est gentil. Jonathan qui dit, le Colombo, il restera grave. Ah oui, genre qu'il allait trouver où j'étais, du coup je lui avais dit qu'il était Colombo. Et Megumi qui dit, le mec se rend pas compte de la chance qu'il a de parler à Michel. Mais c'est ça, exactement, c'est ça, il ne se rend pas compte. Eh, tu te rends compte de la chance que t'as? Non, il s'en rend pas compte. Il y a Shadow aussi, Shadow Furry, une fuite qui dit, je suis plié en entendant la rediff. Les mecs, vous êtes très cons, mais c'est le but en même temps. Hein. Et puis il y a Demande à Valentin qui envoie un message qui dit, un petit, bah tu demanderas à Valentin pour moi sur Twitter. Oui, bah écoute, si tu veux, un petit message de bienvenue. Tu peux aller faire foot, tu le demanderas à Valentin. Voilà, Carla qui dit excellente émission de ce soir. Et puis Alex qui dit, mais mort de rire, si Top va en prison, vous vous cotiserez pour lui acheter une radio. Bah oui, on va faire ça. Ouais, je vais l'enfoncer. On va se cotiser. Ah, mais moi je témoigne. Moi je témoigne contre lui à charge. Avec les renseignements généraux. Voilà. Je suis de votre côté, les renseignements. Nous serons témoins à charge. Oui, ouais. Exactement. Ouais. En échange de l'immunité contre toutes les conneries mondiale. Qu'on a pu faire. Voilà, immunité totale. Exactement. Bon, on fera encore d'autres appels aussi dans quelques minutes. Mais avant ça, Nadia, je t'avais promis une petite surprise. Eh bien, j'en ai pas une, j'en ai trois. Oh super. Wow. Ouais, t'as vu un peu comme je suis. Tu es trop bon, Michel. Mais oui, trop grand, trop classe, trop parfait. Et oui, j'allais le dire, figure-toi. Oui, j'allais le dire également. En fait, on va faire une nouvelle expression, tu es trop Michael. Oui, c'est bien aussi. Ouais, c'est après le swag, c'était Michael. Ouais, ou pas? Exactement, ouais. Bon, il y a un autre Michael qui est là, j'ai envie de dire. Bon, qu'est-ce que tu veux. Salut Michael. Ça va? Quel magnifique prénom. Original, classe. Rare, frais, bucolique. C'est vrai. Bon, Mickaël, tu diras à tes parents qu'ils ont très bon goût. Toi, tu avais appelé parce que tu voulais rencontrer Nadia. Moi? Je sais pas, je demande, non? Ah non, moi j'ai appelé pour parler des sites de rencontres. Ah oui, mais je crois que c'est une rencontre sur Nadia que tu voulais faire, mais c'est pas grave, je pensais, autant pour moi. Bon, alors dis-moi, les sites de rencontres, Mickaël, comment ça se passe? Enfin, bah, comment écoute, ça s'est passé plutôt? Avant que je sois avec ma femme, la dernière fois que je suis allé sur un site de rencontre, ça s'est un peu mal passé, à vrai dire. Et elle écoute ta femme, là? De quoi? Elle écoute, là, ta femme? Non, non, là, je viens de quitter le boulot, là, donc... Ah d'accord, ok, vas-y, et donc, continue. Et ouais, mais de toute façon, elle est au courant, donc elle sait tout de moi. Et le truc, donc je m'étais inscrit sur le super site de Badou. Oh là là, Badou. C'est un peu de la merde, hein. J'ai essayé... Ouais, bah pas qu'un peu de la merde. C'est beaucoup de la merde. Alors vas-y, raconte ton expérience. Et en fait, si tu veux, j'ai rencontré un profil qui me plaisait pas mal. Et donc la gonzesse avec des belles formes, et elle habitait pas loin de chez moi, donc on s'était donné rendez-vous. Mm-hmm. Bon, à l'époque, j'avais pas le permis, donc j'étais allé chercher en bas de chez elle. D'accord. Donc ce resto super sympa d'ailleurs qui m'avait coûté les yeux de la tête. Un quick, hein, c'était deux menus Giant, donc quand même ça m'a mis sur la paille à l'époque. Ouais, la connaisse, elle a pris un dessert. Ouais. Ouais, et quand j'ai rencontré la gonzesse, mais ça avait rien à voir avec son profil, tout ce qu'elle décrivait sur sa personne. Eh ben, t'as vu, c'est pareil, je prends l'exemple du Giant, mais c'est pareil du Quick au McDo, t'as toujours la photo du Giant, t'as le burger, ah ouais. il fait 4 étages, oh là et là puis quand tu vois, il est tout dégueu, enfin tu sais, il a une sale gueule, ouais. Quoi. Ouais, à la fin, t'ouvres la boîte, t'as une vieille merde là. Voilà. Avec des morceaux de viande qui doivent faire 1 mm d'épaisseur, alors que sur la photo, ils font 1 cm d'épaisseur. Trop fluide, la salade qui déborde de partout. Salade noire, dégueulasse. Bon, bref. Merci la publicité. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, t'as eu pareil avec la meuf, quoi. C'était une meuf bimbo, ouais, et puis quand t'es arrivé, tout défraîchi. Bah déjà, sur la photo, pas de lunettes, j'arrive, l'autre elle a des jumelles à la place des lunettes. Oh mais c'est pas grave les lunettes. C'est pas grave, justement, tu lui dis non, je préfère quand tu es sans tes lunettes, comme ça elle voit pas que t'es moche. Mais ouais, voilà, c'est ouais, l'idée, mais bon, ouais. Après j'ai voulu rien dire, tu vois, je voulais... Mais attends, est-ce que c'était une photo où elle c'était vraiment, tu sais, une photo pipo, dans le... enfin pas pipo, une photo où elle était maquillée, surarrangée et qu'elle avait l'air un peu bonasse, ou c'était vraiment pas elle? Ah non, non, c'est pas une photo, tu vois, limite du mannequinat, c'est une photo d'elle de profil, tu vois, comme par exemple, il y a une photo sur Facebook, bien coiffée, bien habillée, mais sauf que tu vois, tu voyais juste sa tête et puis une partie de son corps. Ah, d'accord. Ouais, mais c'est... Et ça reste elle. De quoi? C'était elle. Oui, c'était elle. Ah, bah d'accord. Et c'est là qu'il arrive au resto, tu peux te remettre comme sur la photo de profil? Attends, bouge pas. Ah ouais, là, t'es pas mal. Non, mais... Et du coup, donc, bon, ben... J'ai passé la soirée avec elle et vu que bon ça remonte à 5 ans, j'avais pas le permis, donc je la raccompagnais en métro. Donc je voulais que la soirée se finisse vite. Et au moment où les portes du métro se ferment, ben moi je sors du métro. Oh, quel enculé. Non, arrête ton cinéma, je rappelle. Alors attendez. Je savais que t'allais la raconter. Non, parce qu'elle vient de me revenir là, mais alors ça veut dire qu'il faut que je mette la musique des histoires de Toff. Allez, voilà. Oh putain. Donc, ouais, mais attends, tu vas voir, Mickaël. Donc, j'explique une histoire. On avait raconté le début hier, dans à l'époque où on était sur Fun tous les deux, il y a très longtemps. Et donc, à l'époque, il y avait, bon, moi j'étais casé, donc il y avait des meufs qui venaient, qui me draguaient, donc moi je les renvoyais chez Toff. Ouais. Jusqu'au jour où une des meufs que j'ai renvoyé chez Toff, évidemment à l'époque il faisait pas le tour du propriétaire, il se retrouve, je le croise à la sortie d'un cinéma, lui laisser de broker pour ceux qui connaissent. Oh, mon Dieu. Voilà, donc sortie, ouais, du cinéma. Ce jour-là, j'ai souffert. Voilà, et donc je le vois et je lui dis ah mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit là mais je suis avec une auditrice là, elle est au ciné, elle prend les tickets. Ah bon, d'accord, ok, et alors? Ouais, et je dis quoi? Ben alors quoi, tu vas faire quoi? Ah bah rien, tu fais quoi toi? Je sais plus, je crois que j'allais boire un verre, je sais plus. Et puis il me dit, oh bah je vais venir avec. Oh l'enculé. Ah ouais, t'as vu? Alors je lui dis, mais attends, mais la meuf elle est dans... Ouais mais c'est pas grave, elle prend le dick, elle ira voir le film tout seul. Ouais. Quel bâtard. Et l'avantage c'est qu'à l'époque il y avait pas le portable, donc du coup bah pas de nouvelles. Ouais c'est ça, ouais. T'as vu que c'est l'enculé Nadia? Oh oui. Quelle belle enflure ce mec, hein. Belle enflure. Non mais donc... elle aurait pu me dire qu'elle était dégueulasse aussi. Ouais c'est ça, ouais. Mais t'as vu ta tête? Ouais c'est vrai. C'est comme l'hôpital qui se fout de la charité. C'est vrai. Chum. Non c'est mais vrai. C'est ouf. C'est vrai. Bon. Bon attends, donc tu vois Mickaël, t'as été un enculé mais pas trop quand même. Enfin si, mais je veux dire moins que Toff quand même. Ça se fait pas. Ouais mais bon enfin bon, faut un peu de tout pour faire un monde quoi. Bah voilà, faut des connards, faut des gens bien, et faut des gens après connards. N'oublie jamais Mickaël qu'un jour cette fille-là pourrait devenir une bombasse et tu le regretteras toute ta vie. C'est vrai. Non, enfin, non, pas si, possible. Si, ah, si. Eh, on a déjà connu des gens qui étaient dans un état physique dramatique. Moi, par exemple. Et... non, mais c'est vrai. Et qui sont devenus super méga bien aujourd'hui. Mais à côté de ça, ça veut dire que t'étais obligé quand même de te la taper quand elle était pas terrible. Ça marche pour les mecs aussi. Hein. Et attendre quelques années avant que... c'est comme une pomme quand tu la prends sur l'arbre directement qu'elle est pas mûre, elle est dégueulasse. Alors que si t'attends quelques semaines en plus, ça va être super bonne. Ouais, ouais. Mais bon... Bah moi mais bon, je préfère quand même croquer la pomme que croquer cette gonzesse. Mais moi j'ai le cas dans mon bahut, une meuf elle était dégueulasse, c'était la pire, personne voulait lui parler rien de tout, mais non elle est présentatrice à la télé quoi. Non, qui ça? Sur RTL TV en Belgique. Ah bon mais qui? Faut que je recherche son nom. Ah bah recherche son nom, je suis curieux de voir ça. Ça va être une moche, tu vas voir. Même coupé, parce que c'est une fille qui est super bien. Non parce que t'as une fille qui est plus ou moins bien, c'est un drame. Ouais. Et une fille qui est bonne, c'est un drame. Ça va, mais. Non, j'ai pas. Elle est bien, et puis enfin. Ah voilà, non, tu l'as pas vendue comme ça, Polo. T'as vendu comme ça. Elle est bon super méga bonne et tout. Super méga. Bah voilà, elle fait de la télé, donc elle est pas non plus, elle est pas moche. Ça veut rien dire, des gens qui font de la télé, ils sont très moches. Bah ouais. Ouais d'accord, dans les vieux mais dans les... Tu dois même dans les jeunes. Cherche et puis il y en a qui essayent de faire la télé, ils sont très moches aussi. Hein. Dans les jeunes aussi, hein, donc... non mais c'est vrai, non, c'est vrai. Je parle, dans les présentatrices, elles sont rarement moches. Ouais, bon d'accord, ok, là, peut-être. Il y en a, ils sont tellement maquillés, ils ressemblent à un saumon, donc... Ah oui. saumon. il a raison. Bon attends, il y a Mehdi également qui a sa petite histoire là. Salut Mehdi. Allô. Comment ça va à Marseille? Ben on est là. Bah ouais, putain, ouais, mais vous êtes là, mais par contre vous étiez pas à Dortmund. Hein. Ah, il va trouver l'excuse là. Ouais. Bah, oui, mais... Ah putain, un cul. Ah bah vous êtes bien fait un culé, hein, là, parce que putain là. Ils ont écrasé Dortmund. Ah, ouais. Paris. Ouais, attends, ils jouent demain à Paris. Cul, papa, cul à Paris. Bon, Zlatan. Bon, Mehdi. Ouais. Bon, alors Mehdi, donc ton histoire, toi. J'en ai deux en fait. Mais dis-moi. J'en ai deux, mais c'est du vite fait. Bah, vas-y, mais dis, on t'écoute. Ah bah, tu m'écoutes. Ah ouais, t'écoute. Ah bah, la première, c'est un ami à moi, et à l'époque des fakes sur Facebook. À l'époque des quoi? Des fakes. Ouais. Et c'était une fille, c'était un super... Déjà, quand elle a rajouté mon collègue, elle avait deux amis. Ouais. Fais attention, attends, c'est un faux Facebook. Il m'a dit non. Et à un moment, elle lui dit, tu peux m'envoyer une photo de toi? Il envoie une photo de lui. Après, elle lui dit, mais non, à poil. Et il envoie une photo de lui à poil, et il envoie que sa partie, tu as vu, son biais. Ouais. Elle lui dit, mais non, prends une photo de toi à poil avec ta tête. Il envoie. Wow. Deux jours après, elle affiche sur Facebook. Mais oui, mais elle ça, met sur sûr. Le site porno. Mais ça, c'était certain. Mais non, attends, le pire. C'est que sa mère, elle avait un ami sur Facebook. Aïe. Non, dans le cul, il avait. Ah ouais, mère, il a eu bien mais profond. Sa mère, elle a pété les plombs. Elle, mais sans déconner. Mais le mec du faux Facebook, il a marqué « Je suis gay, je cherche un homme de 45 ans, une proposition, tout le tralala. » Oh merde, oh putain, et comment il s'est sorti de cette merde? Il est toujours dans la merde, il est même pas sorti, il est même pas qu'il est vivant, tu vois. Oh c'est bon ça, ouais, c'est pas mal. Et l'autre histoire c'est quoi? L'autre histoire c'est le téléphone rose. Ouais, alors c'est quoi le téléphone rose? Ah ben, en fait, ça c'est moi, ça. Je vais pas inventer, ça c'est moi. Je me rappelle. Dis la vérité. Eh, c'est bien, Mehdi, t'es honnête, c'est bien. Je me rappelle, j'avais 12 ans. Ouais. Et c'était l'époque de la SEG avant. Ouais. Et je tapais les sites porno et sur YouPorn, il y avait marqué téléphone, nanana, 24 heures sur 24. Je clique sur le numéro. Ils me disent d'appeler 0800, je sais pas quoi, j'appelle. Je tombe sur Samantha. Son site c'est Samantha. Samantha c'est une dominicaine. Une dominicaine, ah bah très bien, ouais, vas-y, ouais. Ouais. En fait c'était un dominicain, non? Ouais. Ouais, mais ouais, écoute, attends. Attends, tu veux que je te mette une chanson de Dominique là? Ah, c'est pour un petit peu habiller quoi, tu ouais, vois. Bah oui. Moi, bon, une musique sensuelle alors. Une musique quoi? Sensuelle. Une musique sensuelle alors. Une musique sensuelle, tu m'en demandes peut-être un petit peu trop. Alors je peux te la mettre. Nathalie a qu'à dire oh oui, ça suffit. Voilà, voilà une musique dominicaine, enfin c'est pas dominicain, hein, c'est portoricain, moi c'est pareil. Allez, vas-y. El patron. El patron, vas-y, vas-y, continue. Et alors, attends, j'appelle et tout. Elle me dit, tiens, quel âge? Je dis, j'ai 21 ans, j'habite à Marseille, nanana, nanana. Après, elle me dit, tu es en train de faire quoi, là? Je dis, je suis chez moi, je regarde la télé, nanana. Elle me dit, tu veux que je te rejoigne? J'y allais, pourquoi pas? Et moi, c'était... je connaissais pas encore. Je croyais qu'elle allait venir. Ouais. Et en fait, elle commence à me dire oui, je suis en train, fada, je suis en train de sucer là. Ah mais non. Tu es où, tu vois pas? Tu es où? Je lui dis attends, j'allume la lumière et il y avait des gueux. Je commence. Attendez, écoutez, le pire, je commence à me branler. Qui c'est qui rentre dans la pièce? Maman. Papa. Ah merde, putain. Et là il a dit. Tu me dégoûtes. Non. Non. Je suis pas enculé. Sinon, ouais, j'étais au téléphone avec un collègue. Bah oui. Eh oui, ah, mais tu es gay. Mais je me suis mis le football air pour me faire plus du plaisir. Il avait compris. Oui, bah il oui. Il sort de la chambre. Bah il avait surtout compris que c'est lui qui allait payer l'anneau de téléphone, quoi. Voilà. Attends, ouais. Il sort de la chambre. Le lendemain, Chris appelle. Devine combien la facture. Je l'ai encore à la maison. Vas-y, combien. Devine combien la facture. T'es resté combien de temps? Il est bon. Je suis resté 2 heures. Vas-y. Ouais, grave. Combien? Du coup, 300. 300, ouais, 200. 760 euros. Oh putain. Oh, ouais. Tout ça pour pas se faire pomper le dard, ça fait cher. Hein. Ouais. Et là, t'as dansé mon père. Il m'a dit, avec 760 euros, tu niques toute la Jonquera. Il m'a dit. Mais c'est clair. Oh putain. Aïe. Oh, bah, il est trop fort. Ah ouais, Mehdi, t'as vu comment t'as compris la leçon maintenant. Si tu veux, Yannadia Anime. Ouais, voilà. Ah Mehdi, si tu veux, Yannadia Anime, là, voilà. Je te présente si tu veux. Ouais, c'est pas long, ça sera plus facile. Ah, vas-y, Mehdi, essaye. Je veux Nadia, moi. Ouais, bah elle est là, Nadia, vas-y, je te la présente, Mehdi, Nadia, vas-y. Eh non. Elle rigolait. Eh, justement, elle dit, Fikiri, Fikiri, Fiouli. Hein. Non. Enfin, en tout cas, pas moi. J'ai la forme olympique, quoi. Ouais, t'as trop la tête, oui, voilà. C'est ça. Ouais, pas comme Dortmund. Oui. Par contre, je tiens à préciser que c'est pas du tout le même genre. C'est pas téléphone rose, hein. C'est juste truc. Oui, toi, pour c'était. Parler, un... hein. Oui, toi, c'était que pour parler. Mais enfin, les mecs qui sont sur le truc que pour parler, c'est que pour baiser au final, hein. Mais c'est juste pas dit pareil. Voilà. Il y a plein de sites là, plein de numéros bizarres là, 01. Ouais, mais attends, de casse pas. Mehdi, attends, Mehdi. C'est que des enfumes, hein, ça. Hein. C'est gratuit pour les filles, puis payant pour les mecs, et puis les mecs qui raquent. Hein. Voilà, il y a jamais de filles. Mais ça, évidemment. Ceux où c'est gratuit pour les filles, c'est encore honnête. Après, t'as ceux où c'est genre. C'est des hôtesses, hein. Et donc. Ouais. Live, tu payes, et à la fin, t'es sûr que t'as rien. Ouais, c'est vrai. Attends une seconde. Eh, Mehdi, attends, il y a Yanis, là, qui est là. Oh, encore un Marseillais. Salut, Yanis. Allô. Ça va, le Marseillais? Eh oui, ça va? Eh oui, bon, ça va bien, ouais. Bon, Yanis. Par contre, juste un petit truc. Dis-moi. La blague sur Dortmund, c'est un peu moyen. Yanis, franchement, même moi je supportais Marseille. Il y a que Polo qui supportait pas Marseille. Mais moi. Tu supportais Marseille, donc c'était mais avant. Oui, mais quand j'ai vu le premier but, je me suis dit, bon, ah, c'est pas grave, ils vont se remettre. Et puis le deuxième et le troisième, je me suis dit, oh putain, c'est mort. Un match de perdu, vous êtes à fond sur Paris. Ah non, pas du tout, Yanis. Bien sûr, on le sait, à Paris, il y a que des Parisiens. Pas du tout. Yanis, moi je supporte le Real Madrid, alors tu vois rien à voir avec Paris. Je suis le survêtu du Real, pour moi. Allez, bon. Ben oui, exactement. Bon, ils vont se refaire. Bon, là, en Ligue des Champions, c'est pas sûr. Bon, enfin bon. Mais bon, Yanis, bon, toi, tu voulais parler à Nadia, toi? Ouais, voilà, c'est ça. Ah, bah vas-y, je te passe. Nadia, elle touche pas. Je vais lui mettre un granit, hein, Nadia. Je vais la tâcher au radiateur. Non, ça va, merci. Il est chaud. Il se croit dans GTA. Ouais, c'est ça. Attends, moi, j'ai mon truc. Tu vas voir. Bon, alors, vas-y, Yanis. Allô? Ouais, vas-y. Oui, allô? Ouais, Nadia? Oui. Oui, je voulais te rencontrer parce que tu avais une belle voix déjà. Merci. Oui. Et voilà, quoi, c'était pour voir si on pouvait se rencontrer, faire connaissance, quoi. Ah, je sais pas quoi dire. Je sais pas. Le durée. Ne dis. Le durée, le durée. Le durée. Ah, les troublés, les troublés. Fais FaceTime. Time. C'est lui, il a pas de parler. L'anglais bon. Est pas encore arrivé à Marseille ou quoi ouais. Déjà le français c'est limite. Bon, alors attends, Mickaël et Mehdi, attends, vous débougez pas. Yanis, je te mets Nadia, juste vous deux. Oh, en tête à tête. C'était parfait Yanis. Je pense que là, je pense qu'avec ces belles phrases, là, t'as réussi à la conquérir. Non mais parfois un silence vaut mieux qu'un long discours. Oui, parfois oui, effectivement. C'est ce que Mehdi se dit à mon avis aussi souvent. Non Mehdi. Ben ouais, putain, je suis dégoûté, là. Bah ouais, je sais bien, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Oh là là. Eh, hey, Mehdi, si tu veux demain, on te rappelle, ouais. On appelle un téléphone rose, mais au frais de la radio. Voilà. Hey, tu vas te branler gratos, là. Hein, hey, Mehdi, écoutez-moi, la prochaine, je rappelle. Ouais. Je vous appelle à vous, je vous mets en conférence. Non mais attends, t'es con, Mehdi, hein, je te propose l'inverse. Nous, demain, on t'appelle. Et pendant l'émission, on appelle un téléphone rose au frais de fun. Ah, mais je travaille, hein. Ah bah, pas n'importe quelle heure. Non mais tu finis à quelle heure? Je finis à 4h, 5h. Ah bah c'est je bon. Fais mes 96 points, je rentre à la maison. Ah non mais nous, on est à 23h Mehdi là. Eh ben voilà. Je vais te trouver des travelots brésiliens. Bon ben Mehdi, je te repasse son rond, cale ça pour demain, d'accord? Ah ben ça va, vas-y. Bon ben ça marche. Ouais, ça marche. Nadia. Oui. Moi. Oh, comme c'est romantique. Allez Paris. That's romantic. Allez, se sont détruits là. Allez Marseille. Oh, attends, t'en vales pas. Bon, salut Mehdi, à demain. Mickaël, merci d'être passé. Tu reviens demain également. Tu reviens demain. Enfin, si tu veux, note. Hein, mais sinon. Bah écoute, au pire, finis le boulot à la même heure donc. Bah voilà. Bah écoute, sois le bienvenu, sans problème. Par contre, Mickaël, je peux demander deux services. Dis-moi. Alors le premier c'est. Tu peux venir faire la vaisselle chez moi. Ouais. Enfin bon, c'est sûr que je vais te niquer tous les verres. Hein. Ah oui, bah c'est pas grave, en même temps, j'habite pas chez moi. Enfin, c'est pas très clair ce que je viens de dire. Pour savoir si tu pouvais passer un vieux son des années 2000. Dis-moi. C'était Keep Control de Sono. Oh mon dieu. Je le cherche immédiatement. Alors attends, ça se trouve, je l'ai ici. J'espère que non, ça m'ennuierait de démissionner. Alors attends, je vais vérifier. Ah, c'est de la bombe ce son. Non, mais t'es sérieux avec ça? Attends, je tape Sono pour voir. Alors attends, tu l'as toi ou pas toi? Ouais moi je l'ai ouais. Ah très bien. La tête de la pub avant. Ah non malheureusement non, bon, moi je l'ai. Nous ne l'avons pas dans la machine à fun. Quel dommage. Ah oh, putain bah je sais pas. Va sur iTunes ou ah, bah, attends. Attends on l'a pris sur YouTube. Mais on va pas le diffuser comme ça hein, mais... Je diffuse la pub. Non c'est pas la pub hein, c'est le début du clip. Tu devrais voir la gueule qu'ils ont. Oh. Attends c'est quoi l'os? Bah, non mais regarde pas le clip. Ça donne envie de vomir. Ah bah oui mais on a pas le choix là. Oh putain. Attention ça y est ça va partir là. Think it's time to... Ah ouais, je me souviens. Ouais, ça va. Parce qu'on il est énorme ce son. On m'avait demandé ça, moi. Ah non, ça va, dégage-moi ça. C'est quoi, c'est un son que t'entends dans les clubs d'échangistes, ça? Bah oui. Va te faire enculer, salope. Ouais, bah pareil. Ah, je kiffe. Toi, t'aimes bien, toi, Nadia? Ah, c'est un remix, par contre. Ah ouais, mais sur le nez, on met en version remix, hein, ça, c'est sûr. Hein. Oh. Ah bah oui, on n'a pas le choix. Et c'est quoi l'autre conseil, l'autre service que tu voulais? Eh bah, c'était passé une petite dédicace. Ah bah, vas-y. Eh ben, la dédicace à ma femme que j'aime de tout mon cœur. Oh, c'est beau. Très bien, oh, c'est mignon. Ça marche. Ah bah ouais. Bon, salut Mickaël. Oh, merci à vous gérez. Bon, bah, c'est gentil. Salut Yanis également. Je te repasse Nadia en antenne si tu veux. Ça va, merci. Allez, salut Yanis, salut Nadia. Gros bisous à vous deux. Hein. Oui, attendez, je voulais juste une petite dédicace. Dis-moi. Et faire une petite pub. Vas-y. Alors, une pub pour le site Diffuse Couture qui vient juste de sortir. D'accord. C'est un magazine en ligne et les deux directeurs de ce site, c'est Marcel et Clément. Bah, Marcel. C'est les meilleurs, voilà. Ils gèrent et voilà. Et petite dédicace à... Attendez, il faut que je trouve... à Yann Poncé, voilà. Et bah, tous ceux qui m'ont suivi sur Twitter. Ouais, bon, très bien. Il n'y a pas de problème, Nadia. Je te fais des bisous. À bientôt. Merci, ciao. Salut Nadia. Bon, et avant de se mettre le son, on va évidemment faire le top tweetos. Hein. Bien sûr. Ah merde, c'est celui-là. Alors, attention, top tweetos maintenant. Top tweetos, c'est parti. On aura le gagnant du club de golf également dans un instant. Le club de golf GTA 5, pièce unique qu'on vous offre ce soir, qu'on vous a offert sur le Facebook Souligné de l'émission. Par Polo. Et, oui, exactement. Et on va tirer au sort dans quelques instants. Bon, alors, top tweetos numéro 5. Alors, Sheva GTR. Très bien. Numéro 4. Le prince Nadia. Le prince Nadia qui remonte dans le classement numéro 3. Oui, ça fait longtemps qu'on l'a plus vu dans le classement. C'est vrai. Numéro 3. Fullness Hope. Yeah, numéro 2. Storm Dreamer. Ah, il est de retour aussi, lui, ouais. Il a une bonne place. Et puis numéro 1. Let's be free. Eh ben, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Bon, est-ce que le classement aura changé demain? Bon, on verra. Il y a Carla qui dit vous fait pleurer de rire. Il est énorme, le mec. Ah oui, de Marseille, on l'aura demain d'ailleurs, on va le récupérer. Aurélia qui dit je vais aller dodo, la bonne nuit toute l'équipe. Bisous et merci de nous avoir vendu du rêve. Ouais, avec plaisir. Mister Steven qui dit comme nouvelle expression, t'es nickel ou pas? Oui, c'est sympa ça, effectivement, hein. C'est vrai. Moi j'aime bien. C'est vrai. Et on appelle maintenant le gagnant du club de golf. Et oui, alors attention. C'est quelqu'un. Bah, franchement, on a envoyé beaucoup de messages avec des numéros de téléphone pour que vous nous renvoyiez un numéro de téléphone. Vous avez été peu nombreux à répondre, hein. Tant pis pour vous. Ouais. Par contre, celui-là. Je pense que le numéro est cassé. Ah oui, putain, le numéro d'appel n'est pas valide. Bah merde, putain, si le mec. Attends. Ah oui, il manque un chiffre. Ah bah bravo Sandro. Ah bah oui, il manque un chiffre dans le standard, là, Marie-Thérèse. J'ai fait exprès, c'est pour voir si vous suivez. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Et vas-y, remets le bon chiffre. Même bon... Je l'ai plus. Oh non, oh, là, là, là, bon. J'ai déjà rangé mes affaires. Oh merde, putain, quand même. Attends. Bon, bah alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sans entendre. Allez. Allez, on va se payer, on met des chansons regarde pour terminer l'émission. Donc, j'ai envie de dire, allons-y, quoi. Voilà, ça me paraît pas mal. Et c'est Gala maintenant. Freed from Desire, on va être au top avec ça, ça va être la folie totale. Va te faire enculer maintenant. My love has got no money, he's got his strong beliefs. My senses purify free from desire. Allez vous faire foutre. Sale con. Sale con. Sale con. Vous me faites chier. Venez foutre le bordel tous les soirs. Je me dégoûte. No limit. Fun radio. Nickel, no limit. And fun radio. Oh, eh ben je suis fatigué, DJ Michel, le nouveau DJ Resident Party Fun, est claqué, voilà, complètement. Faut qu'il se repose. Mais complètement, on n'a pas filé Qu'est-ce qu'on a pas filé? Comment ça s'appelle encore ce truc-là? Je ne sais pas. Mais si, les God, là, comment il s'appelait Zippy Rabbit, on les filera demain, du coup, c'est pas grave. Bon, allez, en attendant, on va filer, donc... Passagedudésir.fr. Oui, parce qu'on est en retard. Hein. Donc, on va filer maintenant, donc, à celui peut-être qui va décrocher... Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 06. Bon, on va lui laisser un message. Bah du coup, on le filera demain, du coup, parce qu'on n'a plus le temps. 55. Et hop, bien. Ouais, peut-être, j'aurais peut-être récupéré des numéros. Veuillez laisser votre message après le signal. Pas grave. Sonore. Eh, on va laisser un message. Il va là, il va être terminé, en rage. Vous pouvez raccrocher. Avec plaisir. Salut, c'est Mickaël. Bah, et c'est con, t'as pas décroché, on t'appelait pour te filer le club de golf. Le club de golf, tu viens de passer à côté, ça vaut 200$. Ah, ouais, donc ça vaut à peu près 180€, 165€. Enfin, quelque part par là, entre 160 et 180€. Et bah, tu passes à côté, c'est quand même bien malheureux. Donc, bah, du coup, on le remet en jeu demain. Le club de golf à partir de 23h sur Fun Radio. Donc, bah désolé, hein. Vraiment sorry. Désolé à toi. Bah oui, sorry, exactement. Bah du coup, sur le répondeur, on va te mettre la petite chanson. Tiens, la petite chanson du générique de fin là. Attention, Colline est avec nous. Tu vas chanter avec nous, Colline. Allez, Colline. Colline. Elle est décédée, Colline. Ah merde, elle est partie. Bon, c'est pas grave. Allez hop, oh. Attention, générique de fin. Ouais, 3, attends. 2, 1, 4, c'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Et Big Taf te suit, c'est toi l'enculé. Enculé, comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Plus de voix, ça y est, c'est parti. T'es un enculé. Tu veux plus dormir, on vient manger qu'un peu de temps, donc toute la journée. Colline. Colline. Bah, elle répond pas. Allez, elle roupille. Je pense qu'elle s'est endormie. Qu'est-ce que tu veux, elle est canadienne. Qu'est-ce qui se passe ici? Suce ma bite. Non, c'est pas maintenant, Lilou. Lilou, sors. Quelle cochonnerie. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Toi l'enculé. Toi l'enculé. Toi l'enculé. Ferme ta gueule de verre, toi l'enculé. Tu joues au golf, toi l'enculé. Ça te fait enculer, toi t'es un enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Suce ma bite. Eh oui, Lilou. Quel talent. talent, cette Lilou. On se retrouve demain, nous, en pleine forme, à partir de 23h sur Fun Radio. Venez foutre le bordel tous les soirs. Tu me dégoûtes. No limites. Fun Radio. Nickel, no limites. Fun Radio. Exactement, ouais, bah oui, bah oui, bah oui. Et puis on va pas partir sans dire au revoir à JB aussi, on est pas des connards quand même non plus. Bah évidemment, évidemment, évidemment. Il y a des messages qui sont arrivés d'ailleurs en attendant. Des messages sont arrivés de presse à Dia qui dit: j'avoue qu'en version remixée, Mickaël, Gala, elle passe très bien. Ah, ouais. T'as vu, hein? Ouais. Finalement, c'était pas si mal. Morgane qui dit: tu veux bien offrir un vibro lumineux dédicacé par l'équipe qui fasse radio pour écouter Fun. Morgane, comment te dire, on va réfléchir, on va voir si ça existe déjà. Et bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, désolé pour les 20 minutes. Alors Jérôme, le boss de la radio, m'a dit qu'il allait décompter de ton salaire mirobolant. En plus. Oui, ah bah oui, tu fais 20 minutes de moins là. Jérôme, je t'aime. C'est qui le meilleur? C'est Jérôme. Voilà, évidemment, évidemment. Et derrière, c'est Mickaël. Bah, bien sûr. Ah oui, évidemment. Quasiment à égalité. Et oui, presque. Presque, il y a une différence de statut. Et de bureau aussi, hein. Ouais. Parce que bon, nous, on est dans un bureau où il n'y a pas de fenêtre. Lui, il a quand même terrasse, tout le merdier. Il va jamais dessus, mais il a une terrasse. C'est ça la différence. Il nous invite une fois par an sur sa terrasse. Ah, mais j'ai pas encore l'occasion de tester. Mais t'inquiète pas, le jour où il va nous inviter, ouais, je vais être dessus. Hein. Alors là, il n'y a pas de problème. Bon, j'y vais dans un instant avec le son de Dance Floor jusqu'à 6h. On commence avec quoi? Jusqu'à l'heure de. Bah, avec Backer Matt, parce que je l'ai promis depuis à peu près 23h15. Donc on va le mettre, hein, parce que je suis pas d'enculé, je pars pas. Je promets, je le fais. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais. Donc, du coup, Backer Matt, et puis bah, son Dance Floor non-stop, sans pub, jusqu'à l'arrivée de Bruno. Non mais il fait pas. J'y c'est vais, pas un ours non plus, j'y vais. J'y vais imiter un ours. Ouais. Un ours. Bah oui, voilà. Bon bah bonne nuit tout le monde. Merci en tout cas d'avoir été là ce soir. Merci à Laurine, merci à Jean-Philippe, à Mister Steven, à GTR586, Mathieu Valbuena qui était également là, hein, qui avait peut-être eu du mal à se remettre. Il y avait Lilou également. Il peut pas être partout en même temps, il peut pas être sur le terrain, bah, écoutez. C'est ça. Tof, il y a Lilou qui vous proposait de suce ma bite. Ouais, avec plaisir. Sur le Twitter. Il y a Tony également, il y avait Chouchou, il y avait quoi aussi? Il y avait Petit Tibet, Chodo également, il y avait Tony, il y avait Jean-Philippe, il y avait Arabian Spaghetti, il y avait Hachi qui est nouveau, qui vient de débarquer, il y avait Dédé également, etc., etc. Sur le Facebook, vous avez été nombreux également. Bon, en tout cas, soyez les bienvenus. Et ah oui, demain, je voudrais demander un service aussi par rapport à Facebook. Bon, je vous en parle demain à partir de 23h, ça me paraît un bon plan ça. Bonne nuit tout le monde. Ciao. Bonne nuit JB. Tu sais que Backer Matt adore compter. Backer Matt. Allez, bonne nuit. Maths, mathématiques. Je quitte cette station. Moi, je vais me désolidariser. La vanne de JB, on va lui faire un jingle. Et je ne suis pas certain d'être là demain. Et si vous ne savez pas pourquoi, vous demanderez à JB. Non, tu es indispensable à la radio, autant que Jérôme. Quel suspect. Bon bah Backer Matt, je suis désolé monsieur Matt de vous mettre là juste après cette vanne de merde. Ce n'était pas prévu comme ça, hein. Je suis vraiment désolé. Van Dyck. Backer Matt. Oui, et le titre? C'est Van Dag. Non, Dag. Van Dag. Dag. Dag. Dag, c'est hollandais. Effet. Non, par. Van Dag. Van Dag. Mais c'est dingue, il n'arrive pas. Toi, tu parles néerlandais, t'es pas très du bien. Hein. Oui, Van Dag. Van Dag. Ah, il y a du mieux là, il y a du mieux. Oui, oui, enfin bon. Hein. Bon, mais Trompeteur, c'était pas si mal quand même. Oui, c'est un bon début pour un Français qui a jamais vu un Flamand de sa vie. C'est vrai, c'est vrai. Bon, allez, bonne nuit tout le monde, 2h23, c'est bon là, on est là, on est de retour demain à partir de 23h. Ciao tout le monde, bye. I have a dream that one day